chante, vite, parce que tu vas t'en manger une deuxième. Kat de Luna. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme nourriture? Kat, Kat. Kat, c'est le chat. C'est nourriture le chat. Pour chat, absolument. Ah, une petite cuillère. Ah, si, si, si. Ah, si, si, si. Ça va faire passer la sauce. Ah, allez, on y va. Allez, on y va. Non, c'est toi. Toi, toi qui prends un petit peu, tu prends ça, va faire passer, hein. Ça va faire passer le piment. Si, si, qu'est-ce qu'il y a? T'es allergique à nourriture pour chat? C'est dur. T'as rien à craindre. Ouais, c'est ça vrai, elle a eu le piment. Oh, non, mais non, je m'en fous, Julie, c'est quoi ce sentiment là? Eh ben, pourquoi on revient pas à celle d'avant? Bah oui, pour les problèmes. Pour l'estomac, c'est rien. Elle pleure. Ah oui. Si, tu peux manger la nourriture pour chat, t'as pas voulu manger le piment. Ouais. Si, si, tu peux. Si tu peux. Oh, t'es chiant et tout. Elle pleure. Je crois que c'est le piment, il a. Je crois que le piment, il est un peu. Mais t'as vu ce qu'il a donné, Loris? Mademoiselle, mademoiselle, faut pas. Non, non. Eh, on va. Donnez-lui du pain. Excusez-moi, on arrête l'émission tant que t'as pas mangé ton petit bout de nourriture pour chat. Non, à gauche, Loris. Celle qui a les longs cheveux. Allez. C'est rien, les chats en mangent, ils ont un bon poil, tu vas avoir Loris, de beaux cheveux. Loris, des petits. Loris, un petit bout. Des petits bouts, Loris, s'il te plaît. Si. Mais si. Si. Allez. Il n'y a pas de la pauvre. Enfin, les chats en mangent, ça vaut une fortune. Tu sais combien ça coûte, ça? Mince. C'est du chat, du chabat, là. C'est du chabat. C'est du chabat. Je cherchais maintenant le chat du vendredi. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas voulu ce qui pique? Tu veux pas du chat? C'est quoi le problème? Parle dans le micro, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas manger ça. Pourquoi tu ne mangeras pas ça? Eh, quand c'est mieux, ça vous fait rire, hein. Mais là, ça vous fait plus rire. Si, t'es au premier rang, fallait pas te mettre au premier rang. Si. On fait l'avion. Si, fais l'avion. Une cuillère pour papa. Mais c'est rien, les chats en mangent. Alors regarde, c'est en pas vrai, c'est du pâté. Ah bah, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, ça se mange. Et tu veux que je te montre pourquoi c'est pas mauvais, ma chérie? Oula, c'est dégueulasse. Voilà, un petit rototo, un petit Roland là. Oh là là, elle donne d'elle-même. C'est marrant, tout le premier rang va pleurer entre le piment et le. Et tu sais, mademoiselle, pourquoi c'est pas mauvais? Parce que Stouff, notre standardiste, va te montrer. Elle est partie. Elle est là. Allez, Stouff. Alors, Steph, elle va te montrer. C'est moi qui vais donner la béquille. Non, mais Steph, elle va te montrer. Ça pue. Elle s'en remet pas au premier rang. Non, mais. Eh, franchement, c'est du pâté. C'est du pâté. Oui, c'est bien sûr. Dégueulasse, mais. Stouff. Elle est forte, la jeune fille du premier rang, parce qu'on lui a dit tu peux jeter. Elle dit non, c'est bon, je finis. Elle est en train de vomir, regarde. Il y en a une, elle arrête pas de pleurer, j'ai de la peine pour elle. Vite, il reste encore quelques chansons après, c'est Guillaume. Allez, écoutez bien, Stouff. Allez. Tu peux le manger, c'est du pâté. Allez, tu sais. C'est pour l'émission. Mange-le. Fais un effort. Avale. Ah, tous les jours, on va lui faire manger quelque chose. Tous les jours, on va vomir. Arrête, c'est dur là, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime trop ce bruit. Je peux pas l'avaler, je suis désolé. Vite, le yaourt qui pique, il est où? Non, ça va te calmer. Non, ça va te calmer. Prends une cuillère de ça. On continue avec la demoiselle d'à côté qui n'a rien demandé. Non, prends un garçon, on va s'arrêter sur les filles. Le garçon là à côté, toi, ton prénom? Son anniversaire. C'est ton anniversaire? Ouais, en plus. Alors, Alex. Eh bien, mon pote, Alex. Personne n'aide. Calogero, c'est Red Hot Chili Peppers. Eh bien, je sais pas où t'as mis, je vais me chercher Calogero. Mais c'est bien puisque c'est ton anniversaire. Ouais. Red Hot Chili Peppers, voici le total. Chili d'anniversaire. Voilà, là. Alors ça, bon, c'est de bon cœur. C'est du chili au poivre. Tout le premier rang va chialer. Allez, une cuillère pour papa, une petite becquetée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Une réaction? Deuxième cuillère. Ah la vache. Arrête, Loris, il faut pas tuer le public, donc il faut les garder. Alors, c'est comment? Ça pique un peu quand même. Allez, le garçon, le copain d'à côté, le prénom? Ah putain! Joachim, attention, concentre-toi! Il va être bon celui-là! Celui-là il va être magnifique! Ah la vache, le pauvre! Allez, vite un nom! Je sais plus! Le groupe ABBA! Ça veut dire? Donc? Ça te dit quelque chose là? ABBA? ABBA? Non, c'est pas. Si c'est le groupe ABBA et que ce que tu vas manger est contenu dans le nom. Tu vas manger pas du tout. Des abats. Et si, c'est très bon. Oh, c'est très bon. Un petit bout. Et on en redonne un petit bout à Stouff après. Un petit bout, ça. Non, pas si gros, pas si gros, pas si gros. C'est un petit bout de. Mais Loris, il donne des portions, il veut les tuer. Ah, c'est du cœur. Bien dégueu, c'est du cœur. Ou du foie, je crois que c'est du foie. Oh, je mange. Ah bah, j'espère bien que tu manges. Voilà, ça mais, c'est un bonhomme. Ça se mange cru. Ça se mange cru. Le foie, ça se mange cru. Bravo. Pas très bon, mais ça se mange cru. Ah. Te pose pas de questions. Ah, bah, ah non, il y a un souci là. Il y a un petit. Non, visiblement, il y a eu un problème. On va terminer par la demoiselle deuxième rang derrière qui connaissait toutes les réponses. Levez-vous. Oui, oui, oui, oui. Attention. Tu es prête? À péter. J'essaie de trouver un truc. Tu es prête ou pas? Oui, non, oui. Je m'en fous. C'est Zouglou? Ah oui. Eh oui, c'était Ritza. Avec Je m'en fous. Oh. Alors Ritza. Non, Ritza, il y a quoi? Ritza, Ritza, c'est du riz. Du riz cru, mais du riz cru, s'il te plaît, une cuillère oh, pour. Ça va. Ah, ça va, du riz cru. Ça va faire... Il est cru ou pas? Ah, ouais, oui, c'est ça va faire croc-croc. Moi, je pensais que ça allait être de la Ritza. Ouais, moi aussi, je pensais bah, que oui, c'était plus logique. On avait déjà les trucs typiques. Là, ça va croquer, là. Écoute bien, ça va croquer. Attention, attention. Allez, ouais, on ne trie pas, il y a des enfants qui aimeraient en avoir un grain. On part pas avant l'avant, avant-dernier. Ah évidemment. Ce sera pour la demoiselle d'à côté. Allez, croque-moi ce riz, je vais entendre. Les garçons un peu, les gars. Je vais entendre. Voilà, tu vois, voilà. Bon, ça va, il y a pire. Passe le micro à côté. Mademoiselle, levez-vous, personne n'aide, lève-toi. Quel est ton prénom? Luna. C'est donc c'est vite, vite, réponse. Ne dis rien, toi. Tu connais vite, la réponse. Après, réponse. Non, elle est en train de souffler. Tu sais pas. Trop tard, trop tard. C'était Jean-Luc Lahaye. Donc, puisque ce que tu vas manger est dans le nom, Jean-Luc Lahaye, voici un bout de Lahaye. Lahaye du, dans, dans Lahaye du jardin. Lahaye du jardin. C'est du trop elle. C'est, peux... du... c'est du tuyau. Il y a un peu, il y a un peu de tout, il y a voilà. Je vais pas mourir, j'espère. Non, bah il y a au pire il y a un chien qui a pissé dessus, mais. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Enfin, attention qu'il y a pas de produit dessus. Non, enfin, Julie, il y a un piaf qui mange un bout de trop haine, il est jamais retombé mort. Enfin, je sais pas d'ailleurs si les piafs ça mange des bouts de trop haine. Non, je suis pas sûr. Non. Alors c'est comment? C'est bon, c'est bon? Non, c'est pour ça qu'on n'en mange pas, tu vois. C'est là-dessus que je vous souhaite une bonne soirée. Oh, j'ai envie. Il revient. Il revient, il revient. J'aimerais bien terminer un petit dernier petit bout à Stouff, mais je crois qu'elle a mal digéré le. Ah, essaye. Les abats, t'aimes les abats, Stouff, ou pas? Elle est où? Elle est plus là? C'est parti? Elle est partie vomir. Elle est partie? Elle est là, elle est là, elle est là, on la voit, on la voit. Allez, Steph, la dernière, elle est pour toi, d'accord? Et après, allez. On laisse à Guillaume. Écoute bien, concentre-toi. Concentre-toi, t'es prête? Viens là, viens ici, viens ici. Essaye de savoir qui chante. Fais gaffe, elle va regarder ça. Attention, mais elle ne va rien regarder du tout. Bah, elle va trouver Stouff, elle est forte, elle est forte. C'est... Elle est trop tard, elle est trop tard. Crazy Frog. Tu l'as dit trop tard. Bah, enfin, c'était trop tard. Voici des cuisses de grenouille. Oh, non, non, ah si si si, cru. Allez, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est comme ça que ça se mange. Cuisses de grenouille. C'est comme ça que ça se mange. Voilà. Mais cru, c'est hardcore, les gars. Cassez les. Hein. Allez, on croque. On croque. Allez, on croque pour papa. Il y a des petits os à l'intérieur. Prends ça. Elle va être malade. Non, ça va, ça va, ça va. Croque, croque, croque. Elles sont congées, non, quoi? Non, elles sont crues. Ça va, c'est comme du poulet. Tu peux croquer, c'est ça. Ouais, ça se mange pas. Mais t'as pas croqué pour l'instant. Ouais, tu retires un bout. C'est sur ces moments de poésie que je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse. Rendez-vous demain pour la dernière. Demain, ça va être énorme. Ça va, Stouff, t'es encore en vie ou pas? Ouais, on va le tuer là. Demain, Kung, ce sera avec nous. Bisous, ciao, à demain. Allez voir nos vidéos et nos conneries. Merci pour les 2 700 000 sur la chaîne YouTube et 1 086 millions de vidéos. Voilà, monsieur, bonsoir, bonne nuit à demain. Au revoir, ciao. Bisous, ciao, au revoir. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Changez rien. Vous êtes en train d'écouter la seule émission de radio où tout peut se passer à n'importe quel moment. Guillaume Radio 2.0, 22h, 1h sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Allez, on y va sur Énergie, 22h, 10h du soir. On prend l'antenne bien en force d'ailleurs jusqu'à 1h du matin. Si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes à la maison ici. Bonsoir à l'équipe qui s'installe. Bonsoir à vous chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les copains. Que les cours sont bien passés. J'espère que ça s'est bien passé. Si vous avez des examens aussi, il y en a eu plein qu'on a eu aujourd'hui. J'ai vu que les inondations, malheureusement, continuaient de progresser dans plein de régions à cause de l'arrivée de l'eau finalement d'en haut. Et ça descend et ça continue de monter un peu partout. Là, je suis passé à Paris tout à l'heure, parce que, enfin, sur les ponts de Paris, parce qu'on est à Paris ici, mais. pour énergie pour le studio. Et putain, comment ça a monté encore aujourd'hui, c'est impressionnant. Il y a plein de Chinois qui prennent en photo les berges là. Si vous voulez venir avec nous, en tout cas le standard est gratuit. On fait de la radio ensemble le soir, on rigole bien. C'est gratuit en plus pour nous appeler, donc vous pouvez vous défouler, venir délire avec nous. 0800 70 42 48, il est gratuit sur ce numéro là. 0800 70 42 48 sur depuis le fixe ou par SMS. Hein, Guillaume et votre message au 6112 pour balancer une petite dédicace à l'antenne. Voilà, faut commencer le texto par Guillaume au début et me le balancer au 6112. Il est 22h07, on est en direct. Tu auras Unique tout à l'heure. Merci, merci, merci. Et on sera aussi Gims le nouveau. Salut à Staff Breton, bon courage pour le bac. Salut Erwan et Flo. Salut à Passy que j'aime. J'ai bien reçu ma PS4 ce matin. Merci à la Dream Team. Salut Sandrine. À Alexis, surnommé Jean Michmich du collège Louis Aragon. C'est parti pour la dernière de la semaine, les potos. Alors, soir, envoyez-nous du lourd. Salut à la team RCEA et Jean-Mi Ghost du 18. Bonsoir à l'équipe qui s'installe. Alors, des trucs à raconter. Bonsoir, j'ai un stagiaire. Bonsoir Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir, vous êtes tous habillés en gris aujourd'hui. Il y a un dress code, c'est gris. Bonsoir, je crois. J'aime Sandar. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va. J'ai une petite mésaventure aujourd'hui, Guillaume. Ah, bah tu vas nous raconter. C'est la dernière fois qu'il utilisait le mot mésaventure. Ça va Amina au standard? Oui, ça va très bien, salut Guillaume. Ça fait le pote qui rencontre tes parents et qui veut faire bonne impression. Ben oui, c'est bon. Ouais, il en fait trop. Quand il rencontre ses beaux parents, il sort des mots qu'il dit jamais. Et bon anniversaire à Flo des cadeaux de l'émission. Salut Guillaume, merci. Bon anniversaire à toi, bon anniversaire. Ouais, c'est gentil. Happy birthday. Et... Ok. Vous allez... Allô. Ah, merde, ça a coupé. Le 2 aujourd'hui, le 2 juin là. Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Et bon anniversaire! J'en avais un, je les insère bourré, je le trouve pas. Ah ouais. Dédicace à Alexis, surnommé Jean Michmich, j'avais lu avant. Salut, c'est parti. Toute l'équipe, samedi, c'est mon anniversaire à moi. Eh ben, salut, gros. Salut, Kevin du Loiret, là. Salut. Je te lâche mon num. Bah non, t'as pas lâché ton num dans le message. Ça fait toujours plaisir de vous écouter. Eh, salut, Alex du 93. Bon, bah, c'est parti à l'émission en direct. La première émission de France le soir. Si vous voulez venir délire avec nous, bah, on est à la maison. Émission qui n'est pas lisse et où tout peut se passer en direct. On sait jamais. À quel moment. Jusqu'au point. Bonsoir, Cindy qui vient d'arriver. Je vais vous raconter un truc. Cindy qui appelle d'Avranche, hein, c'est ça, dans le 50. C'est ça, salut tout le monde. Eh ben salut à salut toi. Salut. Eh ben enchanté, merci d'appeler Cindy. Ok. Bienvenue. Merci de m'entendre. Très gentil. En direct d'Avranche, 36 ans. Ouais. Tu vas nous raconter un truc qui t'est arrivé, truc de fou avec une cigarette électronique. Quoi. Là, mais vraiment là. Ouais. Oula. Truc de fou. Ouais, ça n'arrive pas à moi, ça arrive à mon mari et voilà. Oui, enfin, ça t'arrive à toi la situation, quoi. Mais, vous allez être choqués, hein, l'histoire. Ah ouais, hein, vous avez plus fumer de cigarette électronique du tout. Ça peut servir. Attends, et juste avant ça, juste pour dire, JM du standard. Ouais, Guillaume. Bah, il sait pas jouer. Voilà, il sait oula, pas jouer. Oula, oula. Parce que. Qu'est-ce qu'il a fait encore? On lui dit, ouais, JM du standard, tu te ramollis. Non, c'est pas vrai, Guillaume. Tu vois, rien que ça. Tu n'es plus un foufou. Quand j'étais connu, tu étais un feu tout flamme. Voilà, ouais. Et JM du standard, l'autre jour, il m'a dit putain, Guillaume le pétard, il est gros. Alors qu'avant, c'était toujours lui qui m'engrenait vers les conneries. Voilà. Ah, genre, il a peur là. Et qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Il est très très gros. Il est très gros. Et en fait, JM du standard est allé acheter un pétard aujourd'hui. Non, voilà. Il est énorme. Et il ne sait pas jouer. J'ai ramené mon pétard. Quoi. Non, non, en fait, c'est pas que t'as ramené. Si tu l'as commandé sur internet, hein, ouais. Tu l'as pas eu physiquement. C'est un pétard qui fait environ. Il fait mon avant-bras. Ah. Voilà, exactement. Regarde, le avant-bras. Ah, il est fait. Il fait mon avant-bras pile poil. Ouais. Et il pèse 800 grammes. JM du standard ne sait pas déconner. Non, allez, allume-le. C'est un abusé, catégorie 3, NEC, 4,5 grammes. C'est-à-dire qu'il y a 4,5 grammes d'explosifs. C'est beaucoup. Ah, quand même, ouais. Attends, c'est beaucoup. Ça peut souffler les trucs, là, les vitres. Alors, c'est le seul pétard au monde avec effet de souffle. Oh putain, non, direction. Ah, vas-y, on le fait. Et donc, JM du standard ne sait pas jouer. Ouais. J'ai pas de briquet sur moi. Non, mais attends, franchement. C'est pour ça que moi j'en ai un. Non, je vais vous le dire un truc, et c'est pas une vanne et tout ça. C'est ma limite et je ne ferai pas péter ce pétard dans ce Ah ouais. Ah merde. Alléluia. Non mais merci. Par contre, JM du standard va le faire. Ça j'aime. Ça comme ça c'est beau ça. Alors attends. Pour le faire maintenant. Attends, il prend sa responsabilité. Il est là le briquet Guillaume. Ouais, chez lui. Franchement, dans le studio. Je vais vous dire un truc, hein, je vais vous dire, on a fait des conneries, je trouve ça trop. Non mais vraiment. Non mais vraiment. C'est pour ça que moi je vais pas me faire virer d'énergie quand même. Et non. Non mais bon, après qui suit qu'il arrive. Moi je propose que ça fait du bruit, c'est tout. Du standard et Flo des cadeaux viennent dans notre studio et qu'on le fasse à l'extérieur fermé au cas où, pour vous soyez protégés par la porte merci. Et tout. Et tu viens derrière moi, Amina du standard, au cas où ça pète. Ouais, ça marche. Au cas où on explose ouais, ensemble. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez par SMS. Est-ce qu'on se le fait, est-ce qu'on se le fait pas? Ouais. J'ai un doute. Je vous ai mis la photo hein, sur mon Twitter. Voilà, Guillaume Play, PLEY, sur le maté. Ouais, je vous ai marqué, j'ai mis du standard à ramener ça aujourd'hui. Ce sera un peu ma bougie d'anniversaire. Il est trop gros. C'est un peu ta bougie d'anniversaire. Oui, mais on va pas te la faire souffler. Ouais, ça. Il en faudrait 28 alors. Franchement, ça pourrait te casser la mâchoire. Ah bah. J'ai mis du standard, il est toujours dans l'exagération. Ouais, c'est normal. Salut les gars. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. J'ai mis du standard et il sait pas jouer. Ouais. Bon, bah voilà, en tout cas. Écoutez le bruit quand je le pose. Non, mais déjà. C'est un caillou. Non, attends. Et là, je fais jouer. Regardez. Je le lâche, hein, c'est-à-dire que je le lâche à 1 cm. Hein. Voilà. Il est il va être mignon après. Il va exploser. Bah, franchement, c'est trop gros. Bon, j'ai besoin de votre avis. Ouais. J'ai vraiment. Parce que je sais plus. Là. Vraiment, on fait trop de conneries dans cette émission. Je m'en rends plus compte de rien. J'ai plus la notion, quoi. Je vous l'ai mis, hein, allez voir. Hein, Guillaume Play, PLEY, là, sur notre Twitter, on est 427 000. Voilà. Sur Facebook, on est 1,9 million, là, ça y est. Ouais. Là. D'ailleurs, on a mis un post sur la page Facebook où vous pouvez mettre en commentaire votre chaîne YouTube. Comme ça, vous faites tous la promo entre vous et vous pouvez tous vous suivre. Ah. Donc voilà, dans les commentaires du post où j'ai mis un petit logo YouTube, vous pouvez aller lâcher sur ma page Facebook votre chaîne YouTube là. Moi c'est Lola, j'ai pas eu cours aujourd'hui, j'aurai pas demain non plus à cause des inondations. Bah gros bisous les gars. Bon courage. J'ai découvert aujourd'hui une anomalie masculine qui est pas mal chelou. J'ai envoyé le lien en MP sur Facebook. Salut Sophie. Salut. Une anomalie masculine, qu'est-ce que ça veut dire Sophie? On va t'appeler Sophie. Ouais. Mais d'abord, alors Cindy, bonsoir Cindy, hein, rebonsoir. Hein. Bonsoir. Tu travailles dans quoi Cindy toi déjà là? Bah moi je suis en train de reprendre l'entreprise de mon mari, c'est-à-dire ouais. du transport de colis. D'accord. Bon, et t'avais appelé parce qu'il t'est arrivé une petite galère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, une grosse galère, ouais. Ouais. Il se trouve que mon mari s'est donc fumait pas mal et puis il s'est mis à la cigarette électronique. Ouais. Et il a voulu se faire plaisir en fait en prenant plusieurs jus avec des goûts différents. Ouais. Et il s'est retrouvé avec une espèce de drogue dans des jus. Attends, mais il a acheté où ces trucs ouais, là? C'est chelou. C'est des jus qui s'achètent en Chine. Ah oui. Ah ouais. Donc tu les reçois à domicile. Ah t'as commandé en fait, ça s'appelle c'est du jus, ce que t'appelles le jus, c'est le liquide que tu mets dans les cigarettes électroniques. Ouais, recharge. Il fallait se mécher. Ouais, recharge. Mais ça, il paraît, c'est quand même dans. Parce qu'il paraît, si tu le bois, tu meurs. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc tu fumes quand même. Tu bois le petit flacon, tu meurs instantanément. Tu le respires. Ça t'arrête le cœur. C'est du poison quoi. Bah oui, c'est du vrai poison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu fumes du poison. C'est la même merde qu'une cigarette. Et bah, en vrai, je sais pas. En vrai, on en sait rien. On sait pas encore. Ouais, il y a des gens qui fument qui jusqu'à 100 ans. Que non, mais déjà, ça se recharge. Alors, attends, et donc lui, il a fumé et ça lui a fait un effet de la drogue, c'est ça c'est... Tout à fait, ça lui fait un effet pire que le cannabis en fait. Ah ouais. Donc là, il est resté bloqué, il est en psychiatrie, il est bloqué. Ah voilà. Oui, alors c'est pas du tout l'effet du shit là, parce que si tu disais l'effet du shit, il y en a plein qui vont en acheter. Ah ouais, c'est la drogue dure là. Non, c'est pire que le shit, hein. C'est pire que le shit là, c'est un effet. Mais c'est même pas comparable. Ah ouais, là, parce que tu restes pas bloqué avec un joint, enfin normalement. Ouais. Ça dépend, parce que c'est dedans. Non, mais il y a toujours des histoires avec un mec qui va devenir fou avec un joint et tout ça, mais enfin. Ça reste quand même. Il y en a, ouais. Ça reste quand même une drogue moins dure que du crack, par exemple. Ça fait peur quand même le truc. Et non, mais genre, tu dis, il est resté bloqué, c'est-à-dire, il a fait quoi quand il a pris une bouffée, t'étais là? Non, en fait, ça fait 6 mois, il a commencé à petite dose en mélangeant avec d'autres jus. Et sur la fin, il le prenait pur. Et en fait, il se tapait des délires complètement mystiques, comme quoi il était le dieu, la mort, des choses comme ça. Mais juste après? Ouais, ça, il a pété un plomb réellement en 3 jours, quoi. Mais ça a été des petites pertes sur 6 mois, en gros. Mais réellement 3 jours. Et pourquoi t'as acheté ce truc sur internet là, ce liquide? Ça coûte moins cher. C'est pas moi qui ai acheté cette merde là. C'est lui tout simplement parce que 16 ans de travail de nuit sans congé, voilà. Il avait besoin de se détendre. Et, mais ça, ce qu'il fume, ça. Il fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, ce truc là, c'est quoi? C'est un truc au cannabis en fait, c'est ça? C'est du cannabis de synthèse, ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, il a pas fumé une cigarette normale qui l'a rendu fou. Il a fumé un truc un peu une drogue de synthèse de Chine. Ah ouais. C'est pas involontaire en fait. Ah bah démarche. Ah ouais, non mais les gars, vous cherchez là, putain. Drogues sur internet, c'est comme les médicaments sur internet. Ah oui, il faut pas acheter de Viagra. Ouais, apparemment c'est pas. J'ai vu un reportage là-dessus, le mec il n'arrivait plus jamais à bonder. Et tu peux mourir aussi. C'est pas des labos qui font ça, les mecs. C'est les mecs dans les caves. Bah ouais, ils s'en foutent. Mais ils rajoutent un peu de produit, du dissolvant, du machin. Ils vendent ça moins cher forcément pour t'attirer. Bah ouais, bien sûr. Et après, il faut surtout pas acheter médicaments sur le net, hein, ça c'est vraiment parole de frère de pharmacien. Non mais vraiment, aller voir un médecin au pire. Hyper mauvais parce que en fait les machines, même s'il y avait les bons composants, ne seraient pas, ça serait pas bien fait. Si c'est pas bien dosé, ça peut devenir dangereux. Bah la preuve, regarde. Et alors attends, et donc parce qu'en fait on peut acheter des produits comme si tu fumais un joint en fait en shit électronique en gros. Voilà, en liquide, ouais. Et ça l'a rendu complètement fou. Et maintenant il est à l'hôpital psychiatrique. Tout à fait. Tout à fait, on attend qu'il s'en ressorte. Oh putain, voilà. Mais depuis combien de temps il est en psychiatrie? Là, ça va faire 3 semaines. Ah ouais, c'est long déjà. Oh, putain. Mais quand tu le vois, il se prend encore pour la mort et tout, ou il revient un peu à lui quand même? Ça dépend. Il revient de temps en temps à lui, où là, il est complètement anéanti de ce qui lui arrive. Attends, mais les médecins, est-ce que les médecins, ils te disent que ça va revenir ou ils te disent que c'est compliqué? Pour l'instant, c'est compliqué. Ah ouais? Oh, pour l'instant, c'est compliqué. Ah, ça fait peur, hein? Ah ouais, non, bah, moi jamais je fais ça. Imagine, tu changes comme ça? Non. Ah non, attends, franchement. J'ai un CGR, t'as déjà essayé? Non, jamais. Les drogues de synthèse? Ah non, mais j'ai trop peur. Genre moi. Le LSD, le crack. Même en vrai, en soirée, je fais jamais. Les stales, les trucs comme ça, non? Moi, c'est juste de la beuh en vrai. Ouais, j'ai une drogue. Non, jamais. Jamais même, ça me fait peur. On m'a proposé même de la coke une fois, j'ai dit non. Une fois, un petit joint de temps en temps, ça tourne en soirée, ok, mais c'est tout, tu vois, et encore. Jamais de la vie. Non, drogue de synthèse, trop peur. Ça développe trop de maladies à l'intérieur du corps, les gars. Je jure. On sait pas comment on va réagir. Un truc de ouf. Amina du standard. Non, pas déjà essayé. Non, on m'a proposé un. Que de la vaseline. Fois. Je me nourris de vaseline. Bah, ouais. Du lundi au mercredi. Jamais de la vie. N'importe quoi. T'as déjà essayé un truc de synthèse? Non, moi ça me rend hystérique, les trucs comme ça. Ça te rend hystérique, c'est-à-dire? Bah, ça m'énerve en fait. Moi, j'ai des potes qui prennent pas mal de trucs comme ça, même des extas et tout, ça les fait marrer, mais moi je trouve ça grave. Ça te rend hystérique sans en prendre, ça qui est bien. Elle a l'effet. Mais non, mais quand t'es en bonne santé, pourquoi tu cherches la merde? Ah ouais. Mais surtout, qu'est-ce que tu serais chiante avec un exta, toi? Alors là. Tu sais qu'Emilia est un peu nerveuse dans la vie. Alors avec un extab, alors. Terminé. Putain, elle se transformerait en PNL. Je dois passer quand je m'entraîne à frapper comme ça, gâte. Rico, Rico, je débarque. Salut, beaucoup de révisions pour le bac, mec. Salut, mec. Eh ben, gros bisous à toi. On t'embrasse. Ça fait plaisir de t'écouter. Tu motives de ouf, toi et l'équipe. Vous êtes les meilleurs. Merci, mon pote. Hein. Merci. C'est hyper gentil. Salut à 4ème 2 du Val de Vire. Salut à tous ceux qui habitent à Liffre dans le 35. Bonne soirée à tous les routiers. À tête de Ben, la Ben. À tête le Ben. Bonne route. Qui roule en citerne, Zed Joe. Beaucoup de révisions pour le bac. Salut à toi. Bah, on pense à vous, les mecs. Hein. Ouais, bonne chance. Gros bisous à vous. Trop content de vous écouter, les gars. C'est de la frappe, votre émission. Bah, je vous embrasse très fort. Merci d'être avec nous, les mecs. On est soudés, les gars. Belle découverte de votre équipe le soir. Un plaisir à vous écouter. Salut Aline, je t'embrasse très fort. Salut Aline, merci à toi pour le message aussi. Merci. Salut, tu as eu quel âge, Flo des cadeaux aujourd'hui, Lily? J'ai eu 28 ans. Voilà, bon anniversaire encore, Flo. Merci. Aujourd'hui, ma maison s'est fait inonder, appelle-moi. Oula. Bonsoir à toute l'équipe et à Amine Lo, Étoile. Salut à l'équipe et au collège du restaurant La Table de Arnaud, du 19. Aujourd'hui, la fille que j'aime a foutu un râteau. Dédicace à tous les collègues de la gendarmerie, tout particulièrement à Dubois. Bisous, Lucette de merde. Salut. Du 54. Salut. Salut, Lucette de merde. Je vous écoute dans les montagnes du 01 à Hauteville. Salut, Cédric du 01. Bonsoir à vous. Il y a beaucoup d'appels. Merci les gars. C'est l'anomalie de Diphalia quand un homme a deux pénis. Putain, j'ai jamais entendu ça. Ah, c'est vraiment. Salut Sophie là. Il y avait des reportages à la télé. Joyeux anniversaire à Flo des cadeaux vivement le 12 juin. Merci. Pour le Lion sur Twitter. C'est énorme. Salut les mecs. J'adore la voix et l'humour. Damien, elle est au top. Salut Carole du 6-3. Bisous. Ouais, dimanche, pas celui-là mais l'autre. On fait une spéciale animaux. On va respecter nos amis les animaux qu'on aime très fort, nous. On va les faire venir dans le studio. Ah. Et on va faire une spéciale pour parler un peu des animaux, comment ça mange. Pourquoi il faut pas faire n'importe quoi dans les zoos. On va faire une spéciale là-dessus. Donc vous serez les bienvenus si vous voulez venir délire avec nous le dimanche 12 au soir en direct de 20h à minuit. Avec on va faire venir un spécialiste. Un spécialiste pour le cinéma qui fait s'occupe des animaux. On aura un serpent, on aura une mygale. Ça fait déjà peur le serpent. On aura une surprise. Ça fait peur, on aura avec le sourire là. On aura un lion adulte. Oh là là. On aura un singe. Ah même ouais. Le singe, il me un fait gros, peur. Un petit. Un orang-outan. Mais non, il rentre pas dans le studio, c'est le orang-outan. C'est méchant en plus. Un gorille. Non, mais il rentre pas. On va t'accrocher une main. On va t'imagines, on te met une menotte et avec lui. Oh. Et t'accrocher chacun. Elle danse un slow. Non, vous ne répondrez pas. Vous avez vu la vidéo, le connard qui tombe. Enfin, le petit garçon qui peut rien, mais les connards de parents qui s'est fait tuer à cause de lui. Oui, tiens. Et t'as vu comment il prend l'enfant? Il le prend par le pied, mais comment il le fait? Mais pour lui, il sait pas. Mais c'est des montagnes de muscles. Oui, il est pas doux. Lui, il sait pas. Il n'a pas l'air d'être méchant en plus. Il avait l'air de le contraire, de le porter un peu. Fait de la peine un peu. Hey, le gorille, ouais. Ah, c'est vraiment dingue. Hein. Les gens, ils font n'importe quoi dans les zoos. Fais péter ce pétard. Ah oui. Ah. Salut les gars. Vous avez vu qu'on a découvert la dague de Toutankhamon. C'est ce que c'est la dague, je sais dire. Ah non, c'est quoi? Le poignard. Le poignard. Il y a quelques jours. C'est énorme et ça confirme la théorie des anciens astronautes. Apparemment, il aurait été fait avec du matériel extraterrestre. Il n'y a aucune molécule qui était retrouvée comme ça dans le monde avant le. Et c'est où ça alors? Expertisé. Moi, c'est me facile. Alors, bizarre. Les pyramides, vous me lancez dessus, c'est chaud. Moi, j'adore l'Égypte. Je trouve ça magnifique et tout. Mais apparemment, ils disent qu'il y a beaucoup de météorites qui tombent en Égypte, dans le désert. C'est les rumeurs après. Il paraît que ça fait fondre en fait le métal de plusieurs météorites, de plusieurs boules de fer. Et en fait, c'est un métal qui est très très dur. Quoi. Oh là là. C'est Flo des cadeaux. Non, mais c'est vrai, c'est des météorites. Ils ont retiré le métal et du coup, ils ont fait une dague pour le roi, quoi. Ouais, non, ils ont pas retiré le métal, ils l'ont aplati. Ouais. Ils en ont fait une lame en fait. Une lame, ouais. Et ils ont rajouté après de l'or et tout. Ils sont forts. Hein. C'est dingue hein, quand même. Ouais. Et non, mais ils étaient forts. Quand même. Ouais, ouais. Ouais. Putain, parce qu'on pourrait croire. Hein. GSG, tu voulais qu'on te fasse un god en extraterrestre. Non, non, ça va, bah, tu veux, mais je le revends. Un god en fer extraterrestre. Non, franchement, pas besoin, ça ira. Alors, ouais. Répétez. Alors, vous savez quoi là, déjà. Vous savez quoi. Alors, je vais dire, hein, je vais vous dire, je vais mettre une photo sur Facebook. Non, je vais vous mettre, ouais, je vais vous mettre une photo sur la page Facebook. Et je vais pas faire semblant, hein, voilà. S'il y a 50 000 likes sur la photo, c'est beaucoup, hein. Ah ouais. Avant minuit. Oh, oh là là, 1h30. Attends, attends. Alors attends, on verra bien. Si 50 000 likes, voilà, 50 000 likes avant minuit. Avant minuit sur la photo. Avant minuit sur la photo. JM du standard. Ouais. Veut faire péter son pétard. Ah. Veut faire péter. Son pétard dans le couloir. Voilà, alors on va voir. Hein. Je le tiens pas, par contre. En direct, ah ben voilà, alors, voilà, on va voir. Hein. Très bien. Alors allez-y hein, sur ma page Facebook, Guillaume Play, P-L-E-Y. Ah, j'ai liké, ouais. Et si jamais ça ne l'est pas avant minuit, eh ben, nous ne le ferons pas. Ouais. Et tu le remballeras et tu le feras ce week-end avec tes amis. Ah, avec plaisir. Elle a liké les gens. Ouais. Donc on verra. Mais moi, sincèrement, je préfère, et c'est pas une vanne qui ne soit pas likée. Mais si. Je joue le jeu, je fais une émission de foufou, donc on le fait. On se retrouve juste après la pub et on parle des trucs que vous avez signés, que vous n'avez pas aimé. Guillaume et votre message. Sur Énergie, c'est comme ça. Katia, tu es ouvrière dans une usine de chaussons. Oui. Des vrais chaussons, les charentaises avaient des trucs. Ben oui. C'est marrant parce que alors, les chaussons pour moi j'imagine c'est en dessous de 70 ans la loi interdit de mettre des chaussons donc, Mais tu déconnes. Mais j'ai des chaussons. T'as des chaussons rien. Bah tu te balades avec quoi sur les pieds dans ton... Non mais moi j'ai aussi une paire de chaussons rigolo avec ça fait des pattes d'ours. Ah non, longtemps j'ai eu effectivement des charentaises. Pour moi les charentaises c'est les chaussons qu'on met aux morts. Non bah non. Rendez-vous demain 6h, 9h30 sur Énergie. Leclerc. Ce soir, c'est soirée tuche. Soirée quoi? Le film Les Tuches, maman. Le 1 à mourir de rire et maintenant le 2, le rêve américain, réuni dans un double DVD édition limitée que papa nous a acheté chez Leclerc. C'est parce que vos coups de cœur ciné sont aussi les nôtres qu'à partir du 3 juin chez Leclerc, l'édition limitée de 2 DVD Les Tuches 2, le rêve américain, avec le film Les Tuches inclus, est à 9,99€ après réduction immédiate de 3€. Dans la limite des stocks disponibles, modalité et vente en ligne sur www.culture.leclerc et dans les magasins participants. Deux films à ce prix-là. Et là, on va se marier. Waouh, les filles, mais vous avez toutes minci. C'est quoi votre secret? Moi, c'est Luxéol Minceur. Des gélules à base de plantes. Moi aussi, j'ai testé et voilà le résultat. À nous les maillots de bain. J'y vais de suite. Luxéol.com. Hey, en plus, si je ne mincis pas, je serai remboursée. C'est juste génial. Luxéol Minceur est exclusivement disponible sur Luxéol.com et la livraison est gratuite. Voir conditions sur Luxéol.com. Pour votre santé, bougez plus. Fifth Harmony. Les cinq filles qui enflamment la pop. Retrouvez le tube Work From Home sur leur nouvel album 727. 727, le nouvel album des Fifth Harmony, est maintenant disponible. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Gagnez toute la journée. Votre compil Énergie Dance Hit 2016. Tous les hits sont réunis sur deux CD. Avec en exclu Imanu, Kongs, Sia et Sean Paul, Théoro, Souf, Aluna George, J Balvin, DNCE, Pitbull et Magazine, Mike Posner, Alan Walker, Sarah Larson, Bob Sinclair, Matem, Julian Peretta, Cheat Codes. La compil Énergie Dance Hit 2016. Vendredi dans les bacs. Disney présente Alice de l'autre côté du miroir. Cette année, Alice. Il ne faut pas négliger ses amis. Dépêche-toi. Oh non, ça recommence. Pour sauver le pays des merveilles. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas devoir sauver la famille du chapelier. Ce n'est pas impossible. Tout juste pas possible. Le temps sera compté. Ce sera une course contre le temps. Il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Le temps est une personne. Jeune fille, vous avez fait votre temps. Alice, de l'autre côté du miroir, produit par Tim Burton. Actuellement au cinéma. Avec Énergie. It's music only. Écoutez la seule émission de radio où tout peut se passer à n'importe quel moment. Guillaume Radio 2.0, 22h, 1h. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, avec l'une d'entre vous qui nous avait appelé il y a deux minutes, Sandrine, qui nous racontait une histoire avec son mari et qui avait testé une cigarette. Elle avait acheté du liquide, en fait, de cigarette électronique. Mais truc de fou, quoi. De cigarette électronique au shit sur Internet. Ah, c'est de la merde. Et en fait, ça a rendu fou son mari. Il est en hôpital psychiatrique, etc. Genre, il a une sorte de drogue de synthèse, quoi. T'es sûr qu'il n'y a pas écrit dynamite sur ton pétard? JM du Standard a ramené un truc. Ouais. Moi, j'ai marqué sur Facebook. Vraiment, ne likez pas, s'il vous plaît. Franchement, je suis pas rassuré du tout. Mais bon, on a une émission de foufou, donc on le fera s'il y a besoin. Et vous me connaissez, on a des limites tant que c'est raisonnable et tout. Bon, là, c'est marrant, mais un petit peu trop. Il y a 5000 likes. Voilà, il y en a un qui dit si vous. Voilà, j'ai marqué, j'ai pris la photo du pétard de JM du Standard qui fait 800 grammes. Hein. Écoutez le pétard quand je le pose. Voilà. Écoutez bien. Voilà. Je sais pas si on entend bien. Voilà, il est vraiment très lourd. Ouais. C'est un pétard qui est plus gros que. Que la moyenne des pétards. Bah non, et plus gros que quoi? Plus gros qu'un balai, quoi? Plus gros qu'un manche de balai, énorme, franchement. Ouais, même le diamètre. Comme ça, pas gros. Hein. Plus gros qu'un rouleau de sopalin. Oui. Ouais. Que le carton, je parle. Hein, c'est un peu plus gros qu'un rouleau. Une de bouteille sopalin. De coca. Une canette en fait. Une grosse canette. Non. Oui, c'est quasiment. C'est quasiment une canette. Tu vois? Non, c'est vrai. Plus qu'une canette. Non, c'est quasi. Non. Il y en a des comme ça, des canettes un peu longues. Comme une canette. C'est ça, c'est le nouveau. Mais plus haut. Et ben voilà. Si on a 50 000 likes avant minuit, on le fait péter. Sinon, on le fait pas péter. Je le ferai péter en couloir en direct. Mais je vous annonce, c'est une dynamite le truc. Ah, mais là, on va faire sauter les lumières et tout. Je pense. Imagine un truc qui se casse. Mais on le ferait. On a dit qu'on le fera et vous me connaissez dans cette émission, je n'ai qu'une seule limite, c'est vous. Ouais. Et si vous me dites de le faire, je le ferai. Là, nous sommes ensemble à faire de la radio le soir, on est là pour se marrer, donc on n'est pas là. Franchement, il se passe plus rien en 2016, il n'y a plus rien nulle part. Ouais. Les chaînes de télé font plus rien. Il pleut tout le temps et la météo. Il y a encore Cyril Hanouna qui fait des trucs un peu marrants, mais il n'y a plus rien ailleurs. Il se passe plus rien, on s'ennuie. À la radio, c'est pareil, etc. Donc sinon, on n'est pas là pour faire des petits trucs un petit peu piquants, on s'emmerde. Voilà. Bah ouais. Et on est là pour un petit peu réveiller les trucs. Il y a la grève, il y a les inondations, il y a les misères. il y a les attentats, il y a toutes ces merdes là toute l'année. Attends, si on n'est pas là aussi pour s'amuser un petit peu, voilà. Donc merci beaucoup. Encore des glands qui achètent leur liquide n'importe où pour les cigarettes et qui s'étonnent. Ça fait 3 ans que je vape, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je fumais un paquet par jour à 22 ans et depuis je ne fume plus du tout. C'est à cause des genres de personnes que cigarette est interdite un peu partout. Là. Bah ouais, mais bon. Ah bah c'est vrai que c'était un mec qui fume ça dans un avion et que la vapeur ouais, est bah ouais, c'est interdit dans l'avion. Ouais, putain. Il y en a aux Pays-Bas, mais c'est des vrais labos, ils ne sont pas dangereux. Oui, oui, mais acheter des trucs en Chine, on ne sait pas trop. Ah, ouais. Aux Pays-Bas, il y a aussi de l'herbe. Donc compliqué. Quoi. Bon anniversaire, Flo le Taleux. Ah. Salut, métal, c'est comme ça qu'on dit, le Taleux. Le Métaleux, quoi. Le Taleux, le Métaleux. Ouais. Mathieu du 69, alias Truffy, bonsoir merci. À toi, gros. Salut. J'ai un stagiaire, il prend du pop-up pour dilater son non, pour quoi. Dernière histoire où je vous écoute, après, je suis chez ma mère, où on n'a pas la radio, une longue semaine sans vous, c'est chiant, Lucas du 78. Salut. Gros. Salut. Salut. Merci de faire souffrir ma mère. Alors, je sais pas pourquoi du tout tu me dis ça. Ah ouais. Bientôt, j'ai stagiaire, tu n'as pas honte de la crise. Ouais, mais bon, attends, j'y peux rien. Bon. Tu n'as pas honte des grèves. Ça va être de ma faute maintenant s'il tu n'as pas aussi. Honte de la loi El Khomri, j'ai stagiaire. 49-3, c'est moi. 49-3. Voilà. J'avoue. Merde, hein, putain. Ouais. Vous avez vu ce qu'on a découvert avec la dague de Toutankhamon? Ouais, on en a parlé avant. Putain, un métal extraterrestre pour le poignard de Toutankhamon. On va parler des trucs. Alors, on va pas parler de drogue, attention, parce qu'il y a tout le monde qui a écrit des messages sur la drogue et tout ce soir. Mais il y a un truc qui est intéressant. Le mari de Sandrine qui nous a appelé, qui était d'Avranches dans la Manche. Dans le 50. Voilà, dans le 50, juste avant. Il a acheté un produit pour sa cigarette électronique qui l'a rendu fou. Il est en hôpital psychiatrique depuis 3 semaines. Est-ce que, non pas la drogue, hein, est-ce que vous avez déjà essayé un truc et vous avez regretté après, vous avez pas aimé? Par exemple, est-ce que vous êtes déjà rasé la tête et vous avez regretté après? Est-ce que vous êtes déjà déteint en blond pour rigoler avec des potes et vous avez regretté? Est-ce que vous avez déjà... Ou libertinage? Essayez, voilà, comme libertin, j'ai un stagiaire qui commence à parler de cul. J'avais envie. Pas de problème, j'ai un stagiaire. Bonsoir Fabrice Luchini. Il nous racontera son expérience. J'ai un stagiaire, nous parlera de sa part tous anal. Non. Il a le droit de oui, le faire. Chacun fait ce qu'il veut de son anus. Ouais, mais moi je fais pas ça. Hein. Voilà, et ben on va en parler dans 2 minutes. Là, voilà, j'ai un stagiaire qui a essayé comme tout le monde des choses qui nous ont pas plu. Ouais. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous avez essayé quelque chose qui vous a pas plu? Un métier? Ouais. Des sport. Vacances? Est-ce que vous êtes parti? C'est très large le sujet. Ça peut être un pays aussi. Une ville. Voilà, quelque chose que vous avez pas aimé. Est-ce que vous êtes parti dans un pays? Vous avez détesté la mentalité des mecs? Vous les avez trouvés odieux, pas sympas, arriérés? Ouais. J'en sais rien. Est-ce que vous avez déjà essayé à Disneyland? La moto et vous êtes monté derrière quelqu'un en moto qui allait à 200, vous avez eu la peur de votre vie, vous lui avez carrément mis des coups dans le casque pour qu'il freine. Ou de la bouffe. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de la bouffe, effectivement, et vous êtes étouffé? Le surstroming, par exemple. Exactement. Ah bah oui, pour bien commencer cette émission, je propose qu'on pisse tous sur le crâne chauve de Justin. Venez, je vous attends. Mathieu de VLS, bonsoir Mathieu. Salut Mathieu. Prendrai le gros pétard. C'est gentil. Gros bisous à toi, en tout cas. Merci beaucoup pour tous les messages et toutes les petites dédicaces qui arrivent. C'est plaisir, les gars. Là. En tout cas, si vous voulez, j'ai vu la publication pour nos chaînes YouTube. Ce serait vraiment trop sympa de la partager et si possible de passer à l'antenne. C'est ce qu'on fait, gros. Justement, là. Ouais. Lijo Production, L-I-J-O Production. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis un post sur le message Facebook. Hein, c'est ça, ouais, venez. Alors, j'ai promis que dès qu'on arriverait à 50 000 likes, on ferait péter ce pétard de 800 grammes. Le plus gros pétard français. Le plus gros pétard mondial, d'ailleurs. Hein, c'est le seul pétard avec un effet de souffle. Je me réjouis. Il y a 8800 likes. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et il reste 1h30. J'espère sincèrement que nous ne le ferons pas. On est à 5e, quand même. Moi, je pense qu'on le fera. On est à 5e en 10 minutes, mais c'est à peu près ça. Hein, donc, moi, il reste que 1h20, donc j'espère que ça ne marchera pas. Sincèrement, je n'insisterai pas pour que ça marche, etc. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Allez, je repose le pétard. Ouais. Mais faut pas que trop je secoue, non, imagine, ça peut pas. Non, ça peut pas. Il faut du feu quand même. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est Amina du Standard. Qui ira l'allumer. Jamais de la vie. Et qui partira en courant. Non, non, non, non, il y aura un procès, c'est pas possible. Et au même moment, il y en a un qui dit Amina du Standard, c'est une sainte nitouche. Sauf que mon gros suppositoire, c'est pas dans le cul qu'elle se met dans la bouche. Non. Mais Ne parlez pas comme ça d'Amina du Standard. La violence malade. Du truc, quoi. Bon anniversaire à Flo des cadeaux. Merci. Bon jaumonnet à Strasbourg. Merci. Et yes, mon Gava, lis, s'il te plaît, BG. Salut, gros. Alors, salut, bisous. Pierre qui a appelé. On va parler des choses qu'on a essayées, qu'on a regrettées. Est-ce que tu m'entends, Pierre? Oui, Guillaume. Ça salut, va, Pierre de Vichy. Enchanté, gros. Salut, Pierre. Salut, Pierre. T'as 23 ans, c'est ça, de Vichy dans l'Allier. Dans le 03. Voilà, c'est ça. Eh ben, enchanté. Salut à tous les mecs de Vichy. Ouais, les Vichistes. Salut les habitants, les Vichistes. Les Vichysois, non? Attends, les Vichysois, t'as habité à Vichy. Ah ouais, les Vichysois, évidemment. J'ai dit les Vichistes, moi. On dit quoi, Pierre? À l'époque, au moment de la guerre, on appelait ça les Vichistes, et puis maintenant, on appelle ça les Vichysois. Voilà. D'accord. Ah, donc j'ai un peu raison. Eh ben, salut. On avait tous raison. Eh ben, salut. Ouais. Les Vichistes ou les Vichysois? Ouais. On les peut Vichistes dire les à l'ancienne, ouais. Apparemment. D'accord. Ah, ouais, mais Vichistes, mais c'est peut-être à l'époque de... Enfin, tu peux toujours le sortir aussi, mais maintenant, on prononce plus Vichysois que Vichistes. Bon bah très bien, ouais, c'est plus on va dire vichysois, ouais. Vichysois, on va choisir cette option là. C'est mieux vichysois. Stagiaire, merci de ta participation. J'ai pas fait une j'ai pas fait une comme ça. Il avait une chance sur deux, il a joué la mauvaise. Entre nous, programmés et même pas font semblant, c'est chelou, je suis armé, cœur de pierre, abonné, je suis mouclé, je suis Simba, animal, ça s'entend. M, dans leur mère, tu connais. Bah les couilles pour eux, je suis Nta. Bah les couilles, c'est pété même pas. Allez, 10h du soir, 1h du matin sur Énergie là. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. À Jean Monnet à Strasbourg et au collège Marcel Marceron et à Jean Cocteau. Bon anniversaire à Flo des cadeaux de l'aigle du 29. Merci. On parle un peu. Julien Stagiaire, est-ce que t'as déjà essayé quelque chose que tu n'as pas aimé dans ta vie? Ouais, j'ai essayé le cigare et la coloc. Ah ouais, le cigare, c'est Ouais, le cigare, c'est de la grosse merde. Eh, le cigare, c'est hardcore. Hein. Franchement, tu fumes. Ah ouais. Un peu, j'ai crapoté un peu, j'avais mal à la gorge, ça puait, je pue de la bouche. Toute la soirée. Et puis la coloc aussi. 10 à 20 grammes d'explosifs par mètre suffisent pour détruire un bâtiment, mais ça soufflera les fenêtres et les portes. Melvin Massiac. Tu vois, ça va nous mettre à la tronche. On le fait au bout du couloir, on s'en fout. J'ai envie de te dire. Mais Julien Stagiaire, t'as la connerie. Non, mais j'ai envie de le faire, je sais pas pourquoi. Mais moi aussi. On va le faire. Et une fenêtre, c'est qu'une fenêtre. Bah oui, on la remplacera demain matin. Non, mais c'est qu'une fenêtre. Et puis voilà. On dira pas que c'est nous en plus. Hein. Il va arriver, il y aura plus de fenêtres dans le bâtiment et tout. On aère en fait. Vous écoutez en direct du glacier des Deux Alpes. Eh, énorme. Salut François. Salut. Eh bah merci gros. Eh, le buzz et le shit sont différents. Une est naturelle et l'autre est malléable. Je veux y introduire. On peut y introduire. Je veux dire substance avec des pas naturelles. Voilà. Je les ai vers Serge. C'est pas JRM du standard. Ouais, non, non, ouais. C'est Jean-Marc, c'est JM déjà, mais c'est pas lui qui est né aujourd'hui, c'est Flo des cadeaux là. Ouais. Salut Mathilde du 17, c'est gentil à toi. Bisous, bisous. Au collège du Pertuis d'Antioche. Je vais stagiaire à part le cigare. La coloc. La bite, Guillaume. Okay. Ça, j'ai aimé, j'ai essayé. Non, j'ai jamais essayé la bite. La coloc, en fait, on m'a imposé de faire une coloc à Londres. Quand j'étais parti, j'avais 17 ans et on était 10 dans une maison. Et franchement, j'aime pas du tout. Hein. C'est vrai, mais combien de temps? Bah, une semaine. Bah, franchement, faut partager. Non, attends. Attends, il y avait des mecs, il y avait des ongles de gens par terre. Tu te balades pieds nus, tu te marches sur un ongle de quelqu'un qui n'est pas. Enfin, c'est pas ton ongle, là, c'est chaud, tu vois. Ouais. La salle de bain, il y a des poils partout. Enfin, c'est bon. Non, mais c'est crade, c'est des crados. Mais tu parles d'ongles, parce qu'il y avait des mecs qui se curaient les ongles, je sais pas quoi, ils se rongeaient les ongles et ils étaient par terre. Il est fou, mais t'as compris. Il se rongeait les ongles, je sais pas quoi, il les laissait par terre traîner. Tu te coupes les ongles. Bah voilà, il se coupait les ongles et du coup, moi je marchais après pieds nus pour aller à la salle de bain et bam, je me les prenais dans le pied. Oui, bah ça s'appelle des salles, mais c'est parce que tes copains sont comme toi, j'ai essayé. Non, mais j'aime pas partager comme ça le quotidien. T'aimes pas être en coloc. Non, mais la salle de bain, le frigo, c'est chaud. Non, après, ça peut se comprendre de ne pas aimer la coloc. Ça, c'est je te jure, putain, une fois, mais pas deux. C'était une semaine. Ah bah c'est long, une semaine. J'y aime du standard. Ouais, Guillaume. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pareil d'essayer un truc que t'as pas aimé? Ouais, moi c'est les lentilles, Guillaume. Aujourd'hui, j'ai eu mon rendez-vous en plus pour les essayer. Ouais. Et en fait, je suis allé chez l'opticien. Ah, il est content. Hey, depuis tout à l'heure, je vais vous dire un truc. On a commencé l'émission, il m'a dit Guillaume, j'ai super truc à dire. Guillaume, tu vois, je vais époustoufler l'antenne. Non. Et un mec, il est arrivé, il était content, quoi. Ouais. Attends, excusez-moi, si tu vois. Gling. Gling. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une réservation au nom de Play, s'il vous plaît. Vous êtes combien de personnes, monsieur? Ah, bah, je suis. Attendez, je me retourne. Je suis seul. Ah, parce qu'il y a marqué deux personnes, donc je vois tout seul. Bah oui, mais j'espérais pécho, mais mon abonnement Tinder s'est terminé ce soir. Pas de problème, monsieur. Donc je suis seul, voilà. Play, P-L-E-Y. Très bien. Puis-je prendre votre veston, monsieur? Oui, non, non, non, c'est ma carte d'identité qu'il faut demander. Ah, ok, bah écoutez, je suis nouveau. Je suis pas au restaurant, je suis à l'hôtel. Ah, c'est. D'accord, je croyais ça. Ah, non, attends, commence. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur, j'ai une réservation s'il vous plaît pour une chambre. Oui, c'est à quel nom s'il vous plaît? C'est au nom de Play, P-L-E-Y. D'accord, une chambre double pour 3 jours avec les petits déjeuners, c'est bien ça? Je vais penser à quelqu'un ou pas, non? Oui, vous me dites quelqu'un. Non? Non? Vous me dites quelqu'un, non? Je me demande si je voulais penser à quelqu'un. Ah non, pas du tout, pourquoi? Bah c'est normal. Ah d'accord, pardon, je démarre. J'aurais aimé réserver une chambre d'hôtel pour le... Ah. Ce soir, mais j'avais fait une petite réservation sur Booking. Oui, c'est ça, 3 jours. Et non, une nuit. Ah bah écoutez, je démarre. C'est vraiment de la merde. C'est mon premier jour. jour, hein. Vous êtes mon premier client, c'est pour ça. Et le prix est affiché à 325. Ah, 300. Ah, bah écoutez, on n'a pas le même prix. 3 fois, c'est normal. Ah oui, pardon, j'ai pas fait la multiplication. Vous divisez par 3. Vous êtes diplômé ou vous venez de tomber par hasard? Non. Oui, stagiaire, premier jour en fait. Après, ah oui. Voilà. Bonsoir, bienvenue dans notre établissement. Merci voilà. Monsieur. Mais peut-être que vous auriez dû commencer avec quelqu'un pour être formé, non? Bah justement, on a fait un essai avec une collègue et apparemment c'est un hôtel 5 étoiles. Et faisait quoi dans la vie votre collègue? Bah rien, je sais pas, elle est arrivée comme ça et puis on m'a dit faut lui parler donc moi je vais parler. C'est pour ça que vous êtes pas formé, monsieur. D'accord, en tout cas, bienvenue, monsieur, dans l'établissement. Merci beaucoup. J'espère que l'accueil s'est bien passé. Mais très bien. Puis-je vous servir un petit cocktail de bienvenue peut-être? Un petit cocktail de bienvenue, alors oui, j'ai. Vous voulez un petit cocktail, un mojito? Viens de dire que c'est l'hôtel et pas un bar. Vas-y, mais je peux te. Attends, 5 étoiles, non, c'est vrai, le standing. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il doit y avoir des hôtels. Bah oui. Ah, là, un jus de tomate. Alors, attends, fais un direct, Guillaume. Salut, les gars. Salut. Bah, c'est un rêve qui se réalise. Eh bah, salut, les copains. Alors, on va le faire dans 2 minutes. Merci hein, pour les messages. Guillaume et votre message aussi, sans doute, si vous voulez venir avec plaisir, les gars, là, sur Twitter, hein, Guillaume PlayPLY. Et je vous ai mis une photo sur Facebook du plus gros pétard du monde, JM du Standard, a acheté. Il a fait une connerie aujourd'hui, on va le dire. Hein. Ouais, on peut le dire. Il a fait une connerie, il a acheté le plus gros pétard de la planète et il m'a dit voilà, écoute, j'ai envie de le faire péter. Je lui ai dit t'es complètement con et voilà. Et donc j'ai dit bon écoutez après tout on peut essayer. Mais j'ai peur, franchement j'ai peur de le faire. C'est pour ça. Franchement j'espère que ça ne le sera pas. Faut vaincre ta peur. Ouais, il y a que 13 000 likes à mon avis, on n'y sera pas. Bah si. Et non, on n'y sera pas. Il est que 22h42. On n'y sera pas. On n'y sera pas. Et si on n'y est pas, et ben c'est tant mieux. Voilà, je vous dis un truc. J'ai commenté sur Twitter. Salut les gars. Là. Salut. Et ben salut. Gros bisous. Gros bisous les mecs. Vroom vroom, je fais des wheeling dans le cul. Non mais non. Attends, on a dit le soir pas de. Ah mais c'est pas calé. C'est la mode et ça peut arriver. Ouais, c'est cool. Attends, on n'envoie plus de messages sur les sœurs de personne. Ouais, ça y est. Soso, la sœur de Julien Stéphane, vous arrêtez avec ces messages. Ouais, s'il vous plaît. Moi, je suis à Blois, tranquille demain. J'ai pas cours dédicace à ceux qui habitent à Blois. Ouais, bon, faut mieux avoir cours que d'être franchement inondé. Hein. Voilà, pensez aux victimes des inondations et courage à eux. Ouais, bon Florian, il y a eu un mort aujourd'hui. Ouais, un gros bisou. Apparemment. Encore un, ouais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'était pas hier, la mamie, là, j'ai vu là. Ah non, c'est un monsieur, je crois. Encore, là. Je suis pas sûr, mais ouais. Ah oui, c'est pas un mec qui a essayé de. Il y a marqué un cavalier, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça, dans un champ, c'est ça. D'accord. J'ai essayé de fumer, j'ai détesté Virginie du 13. Salut. Alors qu'est-ce que t'as fait que t'as pas aimé toi Pierre? Eh ben moi si tu veux, j'avais passé une soirée donc chez un pote à moi. Ouais, tu fais quoi dans la vie toi Pierre? Moi là je suis à la recherche de travail. À la recherche de travail. Ouais, et puis autrement je fais de la radio aussi sur le web. Ah énorme. Énorme. Sur quelle web radio? Parce que JM du Standard il a fait de la web radio à Vichy. Ouais c'est ça ouais, elle a fermé depuis. Ah bah c'est pas... Donc c'est pas la même. De quoi? J'en ai entendu parler, mais je sais plus ce que c'est le nom, celle qui était sur Vichy, là, la web radio. Mais j'en avais entendu parler, ouais. Ouais. En plus, t'es ouais. C'est quoi le nom? T'es de Vichy, toi, c'est ça? Ouais, je suis de Vichy. Enjoy Station, ouais, c'était, ouais. Enjoy Station. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est américaine. Ah, oui, ouais, ouais. Voilà. Parce que j'avais, Enjoy Station. J'avais des collègues à moi qui avaient bossé, donc. Ah bah super. C'est un peu le milieu de la web radio Vichy. Ouais, ouais, c'est ça. Rencontre. Le milieu médiatique Vichy. Ah, c'est rigolo, ouais. Salut Guillaume, moi j'aime pas Paris, mais malheureusement j'y habite. Ah, c'est beau quand même. Oui. J'ai, pire, hein, ouais. J'ai essayé l'école et j'aime pas. Salut Anthony. On se raconte les trucs qu'on n'a pas aimé. Ouais, je me suis bourré dans un tube de dissolvant pour ongles, j'ai eu très mal. Ah, bah, oui. Ah, bah, non, mais on se raconte les trucs qu'on n'a pas trop aimé. Alors qu'est-ce que t'as essayé, Pierre? Explique. Eh ben donc moi j'ai donc comme je disais donc j'avais un pote à moi et qui je devais donc essayer justement de faire une soirée. Et si tu veux donc au moment où j'étais passé à la soirée, il y a mon pote en fait, il a pas derrière mon dos, tu vois, il m'a mis du comment ça s'appelle il m'a mis un cacheton si tu veux dans le verre, tu vois. Et du coup juste après en fait il m'a fait en fait juste après tu vois il m'a fait fumer de la drogue, tu vois, alors que à l'origine à la base tu vois j'ai horreur de ça. Ouais. Et sachant que bon il avait tout préparé justement avant que je sois là. Ouais. Et bah du coup ça fait une en gros j'ai passé une soirée que j'ai vachement regretté, tu vois. Et donc du coup pourquoi? Parce que t'as fumé, t'as pris un médicament, c'est ça? Ouais, parce que bah, en fait tu sais, il m'a fumé à mon insu, toi, et puis il m'a fait fumer de la drogue alors qu'à la base je suis anti ça, toi. Ouais, ouais, mais ça c'est toi qui as bien voulu ou... Ah non, mais tu l'as bien vu que tu fumais sur un vélo quand même. Le cachet, ok. Non, mais tu vois, au moment qu'il l'a fait, tu vois, j'étais complètement défoncé. Ah déjà. Et j'étais complètement défoncé, et donc il en a profité à mon insu, tu vois. Et du coup, bah, ça fait que ça s'est mal terminé à la fin, genre. Ouais, ouais. Il a abusé ton pote, en fait. Ouais, j'ai pas compris, hein, moi je suis désolé. J'ai pas compris, le bédo, tu savais bien que c'était un bédo. Ouais, mais le cachet avant, il savait pas. Ouais, mais il était défoncé. C'était quoi le cachet? C'était quoi le cachet? Alors ça, je sais plus le nom, parce que je sais que ça, moi au niveau des cachets comme ça, tu vois. Mais genre, c'était quoi? C'était un extra, un truc illégal? Non, c'est vrai, c'était un truc illégal, ouais. Ouais. La drogue. Ah oui, donc c'est de la drogue. Ah oui, c'est pas un cachet, parce qu'un cachet, c'est pas un dafalgan, quoi. Ouais, comment on dirait un cachet, c'est-à-dire un médoc. Ah oui, toi, c'est un cacheton. Voilà. Ça change tout, ça change tout. C'est pas la même chose. Moi, j'ai essayé les femmes et j'ai pas aimé vivre les bites, j'ai essayé. Salut, j'ai essayé de manger des gâteaux sans gluten et c'était vraiment pas bon, je regrette. Salut, Jérémy du 05. Mais il paraît que c'est pas mauvais quand même. Ouais, de pas manger. Moi, j'ai essayé les femmes, j'ai pas aimé. Voilà. C'est quoi ta page Facebook? Il y en a trop, je trouve pas laquelle. Ah bah, c'est celle où il y a une petite virgule bleue. Ah oui. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. Et je vous ai mis une photo du plus gros pétard du monde de JM du Standard. Ouais, c'est ça. Et on va tenter de le faire péter. Si on arrive à 50 000, 17 000 déjà quand même. Ah, on y arrive. Avant minuit, si jamais on y arrive, on le fera, on verra. On verra si on le fait ou pas. Là. Beaucoup 17. Je t'aime, Agathe B. Salut à toi. Salut. Bisous. Pour un pari, je me suis rasé la tête. Je suis mat de peau et j'avais le crâne tout blanc, l'air con. Salut Loïc du 50. Ah ouais, salut. Ah merde. Amina du Standard, qu'est-ce que t'as déjà essayé que t'as regretté? Bah, c'est un peu moins grave que du GHB tout ça. C'est du gangbang. Non, je crois à 17-18 ans, en fait, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, de me couper les cheveux et je me suis retrouvée avec une frange, mais c'était la catastrophe. Mais vraiment, non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'était un carnage, c'était un manque de respect visuel. C'est vrai que ça va être chelou, quoi. Non, non, mais vraiment, et du coup, en fait, le temps que ça repousse, bah après, tu te retrouves avec la frange sur les yeux, donc t'es obligé de la recouper et après, c'est l'engrenage. Ouais. Ça sort plus, tu vois. Ouais. Pendant des années pour se débarrasser. Non, bah non. Ouais. Ah, c'est trop long. C'est très long à repousser une frange comme toi, là. Bah oui, oui, oui. Mais ouais, franchement, c'était une obsession toute l'année, quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Bah, dès qu'il pleuvait, ça ressemblait à un épouvantail. J'étais tout le temps avec la laque, machin et tout. Avec la laque, la meuf, elle se prend pour un couloir. J'étais tout le temps avec la laque. Ah, ouais. Non, je te jure, c'était vraiment dégueulasse. Je m'aspergeais, Guillaume. Ah. Petite faciale de gluten. Mais ça va pas ou quoi? Non, non, ouais, plus jamais. J'ai essayé de manger une fleur et c'est parti en caca, on va t'appeler, ouais. Venez nous dire, est-ce que vous avez déjà essayé un truc et que vous avez pas kiffé du tout? Juste après, sur Énergie, on va se faire Isa Jésus. Ouais. Je vais me faire passer pour un voyant chelou, on sera avec Boubou le Marabout. Bonsoir, je suis Boubou le Marabout, présentement à la radio. Voilà, on va le faire dans deux minutes. Tu peux me faire passer pour un voyant, on va faire une vanne à une mère. Ouais. Si vous piégez votre mère, on le fait juste après. Unique, merci, merci, merci, on se le cale. Merci d'être là, les potos, sur Énergie. On fait de la radio ensemble, c'est le plus gros plaisir de notre vie. 22h48, vous voulez venir avec nous, on est ensemble, les gars. Ok. Move me. Shy, yeah, me wanty. Only he can make me ayah, fire, bang, bang dans le cœur des heures. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Et je slalom entre toutes tes belles paroles. Je laisse mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, t'as beau parler, je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lord, have mercy. Your money them in a party. The all of them sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. Man, I have no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ayah, sur tous ces beaux bars-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te cache tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh. C'est ton écho. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Guillaume Radio 2.0. J'ai envie de me prendre un cactus dans le fion aussi et puis la chatte à ta mère dans mon fion. De 22h à 1h sur Énergie. Parfois je tourne, je suis brave et j'en bave. Toute l'année ça droite, ça se balance à gauche, à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. Toute l'année. Dédicace à Erwan, mon poteau Marceau de Valenciennes. Salut Marceau. Là. Amina, tu es trop gentille, c'est ni mon style. J'ai un stagiaire ici, un produit pour faire pousser les cheveux, ça l'a rendu teubé. Ben, n'importe quoi. Je suis pas teubé. Guillaume, j'ai failli l'ascenseur à la foire du trône, j'ai failli vomir. Ah salut ouais, man. C'est bien ça. On se raconte les trucs qu'on a essayé et qu'on n'a pas du tout aimé. On va en parler dans deux minutes. Là. Est-ce que vous avez déjà essayé un truc pareil et dans votre vie en général? Est-ce que vous avez essayé un métier, vous n'avez pas kiffé? Est-ce que vous avez essayé une ville, vous n'avez pas kiffé? Un pays? À manger, à boire. Est-ce que vous avez essayé le libertinage? Est-ce que vous avez essayé un sport? C'est de la merde. Ouais, c'est possible. Ça vous a fait rire parce que c'est à la télé, mais c'est nul à chier en vrai. voilà, est-ce que vous avez essayé quelque chose et vous n'avez pas du tout kiffé là? Moi, je mange au McDo de temps en temps, mais je regrette tout le temps car je suis toujours malade après, ça m'empêche pas d'y aller. Salut Karim du 80. Là. Ouais, mais t'aimes ça, tu vois. Ah, c'est vrai que c'est bon quand même. Il va plus, ils sont forts. Là, ça fait penser à un bon Big Mac là, putain. Avec les chips, ils vont sortir le triple cheeseburger là. Ah, c'est vrai, ouais. Et plus gros encore. Encore plus gros. Ils rétrécissent le Big Mac soi-disant parce que c'est pas bon pour la santé. Ils sortent le 280 à côté. Les autres sandwichs sont encore plus gros. J'ai un stagiaire, il se met des radis dans les fesses de ses pêches. Salut les gars. Demain, j'aurai un scooter parce que c'est mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Moi, j'ai couché avec une vieille dame et je regrette. Avec une vieille en mer. Ah non, j'ai couché avec une vieille en mer. C'est quoi ça, en mer? Grand-mère. Ah, une vieille grand-mère, c'est possible. Hein. Ouais. Une grand-mère, c'est pas jeune. Bah non, mais il y en a qui sont chaudes. Oui. Il y a des catégories comme ça. Les grand-mères. Je suis allé voir l'autre fois. Oui, c'est pas bien. Non, parce qu'on en avait parlé. Et c'est Flo des cadeaux qu'on avait parlé. Ouais, bah on en avait et après l'émission, ça fait un peu de la peine. Ouais, franchement, moi, ça m'a pas trop. Ça fait pas de la peine. Ah non, elles ont envie. Non, mais elles ont envie, oui, bien sûr. C'est sûrement des gens qui ont pas de retraite, malheureusement. Ah oui. Après, il y a des actrices de cul, donc il y en a. Même le corps, il est bizarre. Hein. Je vous le déconseille, il y a beaucoup d'accidents avec des pétards mal utilisés. Ah ouais, non, c'est sûr. Salut le Rasta du 35. Salut le Rasta. On a dit qu'il y en avait à 50 000 sur la page Facebook, sur la photo, ce qui est inatteignable en 2016 parce qu'ils ont rétréci les quotas Facebook. Il y a moins de gens qui voient les publications. Mais s'il y a 50 000 likes, on le fera péter avant minuit. J'ai dit bien avant minuit et pas après minuit. Hein. Ah, j'espère. Voilà, et pour l'instant, nous sommes que à 20 000. Ça ouais, va. Oh. Non, ça va, on sera easy. On sera easy parce qu'il y aura moins de monde après 23 heures, vous inquiétez pas. allez, vous bougez pas. Il est 22h52. On parle des choses qu'on a essayé. Guigui de la régie, tu bouges pas. Ouais. Il a trouvé des trucs sur internet, on en parle après. Okay. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au Champ de Mars, le 9 juin, avec Énergie. Sur scène, en direct, sur Énergie et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Disney présente. Bonjour, Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Alice, tu es revenue. Chapelier. Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Taouet, Sacha Baron Cohen. Jeune fille, votre temps s'est écoulé. Alice de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec Énergie. Unreal, votre série inédite continue tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Deux productrices sans pitié, prêtes à tout pour leur émission. J'aurais jamais fait un truc pareil. C'est ça le problème avec toi, il faut toujours que t'ailles trop loin. Mais cette fois, Queen et Rachel ont-elles dépassé les limites? Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site, l'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Leclerc. Ce soir, c'est soirée tuche. Soirée quoi? Le film Les Tuches, maman. Le 1 à mourir de rire et maintenant le 2, le rêve américain, réuni dans un double DVD édition limitée que papa nous a acheté chez Leclerc. C'est parce que vos coups de cœur ciné sont aussi les nôtres qu'à partir du 3 juin chez Leclerc, l'édition limitée de 2 DVD Les Tuches 2, le rêve américain, avec le film Les Tuches inclus, est à 9,99€ après réduction immédiate de 3€. Dans la limite des stocks disponibles, modalité et vente en ligne sur www.culture.leclerc et dans les magasins participants. Deux films à ce prix-là. Et là, on va se marrer. Énergie, it's music only, avec Koé et son nouveau One Man. Salut, c'est Koé sur Énergie. Retrouvez le tout nouveau spectacle de Koé le 16 juin au Feu de la Rampe, en avant-première exceptionnelle de sa tournée et avant son retour à la Cigale. Infos et réservations, énergie.fr et point de vente habituel. Bon, j'espère que vous allez venir, je compte sur vous. Koé en tournée, un événement Énergie. Fifth Harmony, les cinq filles qui enflamment la pop. retrouvez le tube Work From Home sur leur nouvel album 727. 727, le nouvel album des Fifth Harmony est maintenant disponible. Guillaume Radio 2.0. Guillaume Radio 2.0. Tu t'es cru où là? Tu t'es pris pour un cowboy? De 22h à 1h sur Énergie. Allez, 22h à 1h sur Énergie. Et j'avais dit que avant minuit, si nous atteignions 50 000 likes sur la photo, je n'ai pas envie que ça arrive, je précise. Non, mais franchement, ça me ferait chier. J'ai peur que ça fasse une connerie. Mais JM du Standard m'a amené un pétard dans l'émission. Il a commandé le plus gros pétard du monde. Ouais. 800 grammes. Ça serait dommage de ne pas le faire péter dans le studio. Enfin, juste à côté du studio, dans le couloir avec la petite. Ça va faire une fois. Bah oui. C'est sûr qu'à mon avis, c'est pas à faire deux fois. Ouais. Ça va être compliqué, quoi. Bon, on verra bien ce que ça donne dans deux minutes, hein, en tout cas. Mais voilà, si vous arrivez, on est 21 000 à avoir liké la photo. Pour l'instant, la moitié. Quasiment la moitié. Bah, franchement, il reste une heure. Mais attends, ça va être la plus dure. Hein. Ouais, bon. Je compte sur vous, les amis. Non. Attends, franchement, si on le fait pas, c'est pas dramatique. Ouais, mais c'est. Non, on va pas se mentir. Ah, c'est un échec. C'est un échec. Franchement, c'est pas grave. Voilà, on le fera. Ça fera juste du bruit, hein, c'est tout. Hein. Je tiens pas forcément à le faire, je vous le dis. Franchement, on en fait des caisses parce qu'il y aura rien. Voilà, je vais me sentir mal avant que ça pète. C'est sûr, pas un peu. Hein. Ouais. Ah si. C'est ça qu'on aime, c'est avant. Non, mais c'est sûr. Ah, la montée de pression. Bon, allez, hey, je vous file des places pour aller dans le carrière dans un instant. Il va tomber ce soir le double hit, un flot des cadeaux. Ouais, normalement. On a vu, c'est bon. Bon, on va le dire. Il va tomber. Parce que j'ai déjà moitié dit, donc c'est bon. Et on va vous filer les places pour aller voir le show, le pré-show de l'Euro, s'il fait beau. Hein, parce que merde, pour l'instant, c'est l'hiver ici. Et ça va se passer le 9 juin. Mais attends, le 9 juin, c'est quand ça? Dans une semaine. Dans une semaine. Ah bah oui, pile poil. En plus, c'est pas couvert. Jeudi prochain, il y a David Guetta qui a mixé sous la Tour Eiffel. Je vous file des places carré or, premier rang. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est stylé. Ah ouais, c'est un beau cadeau. Elles sont introuvables. Voilà. Ah bah oui. Donc, voilà. Si vous les voulez, on vous les file ce soir. Vous pouvez écouter. Si jamais vous entendez à un moment donné un double hit, c'est deux morceaux enchaînés de David Guetta. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Et ben, vous enverrez votre coordonnée. On vous le dira évidemment. Avant, ça va tomber ce soir, je vous l'annonce dans quelques minutes. Sur Énergie, ça va tomber juste après. J'ai essayé de voler une bouteille de coca dans un carrefour, sauf que je me suis fait cramer. Le mec m'a insulté de tous les noms, il m'a donné une grosse baffe et après j'ai regretté parce qu'il n'était pas allé mollo, le mec, et je me suis fait mal. Salut les gars. Oui, il a pas le droit non plus. Hein. J'ai pas aimé la coloc parce qu'une partout a mal tourné depuis, j'ai l'anus déformé, sinon je suis un stagiaire. Guillaume et votre message au 6-11-12. Pas du tout. Moi, je me suis tendu les cheveux, un vrai caillou, mais en été, j'étais bronzé du visage et tout blanc sur le crâne, c'était horrible. Du coup, j'ai mis de la graisse à traire sur la tête pour bronzer rapidement. J'ai passé l'après-midi en plein soleil et c'est brûlé. Bah oui, il a mis une casquette. Laisse-moi ton numéro parce que j'ai pas la suite de ton message. Bonsoir, Mounir Bilka, j'aime Amina Morito. C'est Amina du Standard. C'est ça. Chez nous, les pétards, on les fume, on n'éclate pas. Salut les gars. Salut. Bonsoir, fais pas péter pétard à terre. Je connais quelqu'un qui a perdu 3 doigts. Ah ouais, non, mais c'est sûr, il faut faire attention. Oui, hein. Mais ça, c'est JM Zah qui prend sa responsabilité. On prendra les précautions. Et voilà, moi, faut pas le tenir en main. Une fois, j'ai voulu changer la couche de mon frère de 3 ans et il y avait un beau paquet dedans. Salut à toi. Il a pissé quand j'ai ouvert, j'avais plein de pisse sur moi. Après, il a bougé la couche pleine de merde et est tombé sur mes pieds. Depuis, je change plus le petit. Après, il a pas fait exprès. Ah ouais, putain, t'as de la pisse sur la tête et de la merde sur les pieds, t'es dégoûté. Ça doit arriver. Je vais stagir après une partout, je t'étais déjà retrouvé. Avec de la pisse sur la tête et de la merde sur les pieds. Elle est chiante ta question. Elle est respectueuse. Non, mais c'est là, mais c'est pas irrespectueux, c'est une vraie question. Moi, je te donne une vraie réponse. Jamais fait une couche pissée dessus. Ouais. Sur quelqu'un? Non, toi, est-ce qu'on t'a déjà fait pipi dessus pour essayer? Ah non, jamais. Un délire. Mais ça peut être un délire futur. Ça fait 10 fois que t'en parles. Voilà. Mais dans la douche, attention. Ouais. L'armée américaine, en 1980, je sais pas si vous avez vu, a fait des tentatives de bombes nucléaires dans les fesses de jeunes stagiaires. Putain, la bombe n'est toujours pas tombée au fond. Jérémy du 08. Merci Jérémy, j'étais pas au courant. Vraiment. Bon, ça va, Guigui de la régie là? Ça va très bien. On va parler des problèmes d'argent dans deux minutes. Vous êtes nombreux à nous appeler, on va en parler avec plaisir, les gars. Bon, Guigui de la régie, tu trouves des trucs sur internet à chaque fois? C'est ça. Il nous trouve tous les sons. La petite musique d'hôtel qu'on a utilisée tout à l'heure, petite musique réception d'hôtel. Bonsoir, j'aimerais une chambre. Hein? Une quoi? Une suite? Non, pas une suite, non, une chambre normale. Non, quoi? Deux lits? Non, un lit tout court. Hein. Non, avec un oreiller seulement. Ouais. Ouais. Des mouchoirs, beaucoup de mouchoirs. Voilà, ces petites musiques-là, c'est lui qui me les trouve. T'as trouvé quoi aujourd'hui de marrant un peu sur internet? Il n'y avait pas grand-chose quand même. Mais ah, bah c'est bien, merci. Ah, voilà, moi je suis franc, je suis tout ça. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai. Quand même... Le mec se vend. Ah ouais, moi je suis franc. Là, mais j'ai trouvé. Moi je suis jeune petit, moi. Je suis bien élevé, moi. Très bien. Il n'y avait pas grand chose, mais quand même, j'ai trouvé deux trucs sympas. Ouais. Ça concerne la musique, les deux, donc c'est ça qui est cool. La première, c'est un groupe suédois. Ça s'appelle les Between Music. En gros, eux, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils font tout sous l'eau. Donc ils ont des gros aquariums où tu pourrais mettre des gros poissons en mode requin. Et en fait ils mettent tous leurs instruments, leurs micros et tout. Et ça fait 10 ans qu'ils adaptent leurs instruments pour les jouer dans l'eau. J'ai rien compris. Bah quoi, c'est la musique aquatique quoi. Ouais c'est ça. Comme du waterpolo. Mais ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur leurs instruments pour qu'ils puissent jouer dans l'eau. Ah ouais d'accord, c'est le premier instrument aquatique. Non, plusieurs en fait. Il y a batterie, violon, il y a même. Ah oui, c'est des vrais instruments, ils ont réadapté. Ah ouais, c'est ça. En plastique ou quoi? D'accord. C'est classe. Du coup, c'est leur premier single qui sort. Sous l'eau. Ouais, sous l'eau. C'est énorme. Tout est sous l'eau. Ils font des bulles ou quoi? Ah là, j'ai envie d'écouter là. Ouais. Ah là, tu m'as vendu le Big Mac. Eh oui. Là, tu m'as vendu mime. Et voilà, et ça s'appelle Aquapolis et ça fait quand même déjà 100 000 vues sur YouTube. Ah ouais, ouais, c'est ce qui est de la merde. Hein. Déjà, c'est pas mal. Le mec, il te le vend, t'as pas c'est YouTube quoi, le mec. Il est shopping. En plus, il a fait les gros yeux. C'est ça, 100 000 vues, Guillaume. 100 000 vues. Ils ont bossé 10 ans pour les instruments. Ah ouais, c'est français, non? Non, suédois. Ah, bah alors, on peut critiquer. Parce ouais. C'est... On va pas se faire casser la gueule à la Suisse. Non, mais c'est pas beaucoup 100 000 vues. Ouais. C'est vraiment un single. Un single de Jean-Claude, même de Tal, de Kenji, c'est 45 millions. Oui, non, mais bien alors, sûr. Ouais, peut-être que c'est vraiment pourri et 100 000 vues, c'est super. C'est bien ou c'est pas bien? Donne-nous ton avis avant d'écouter. Non, franchement, moi j'aime bien. C'est original et tout. Non, mais c'est original. C'est pas un adjectif. Non, mais je veux un adjectif qualificatif de bonheur sur l'échelle de Richter. De qualité, quoi. Non, mais c'est sympa. Je veux que tu me dises, est-ce que dans la voiture, tu achèterais l'album et t'écouterais ça en rentrant du boulot? Dans la voiture? Ouais. Bah, dans la voiture, je dors, donc. Il fuit la question, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est de la merde. C'est vrai. Non, comme je pense, c'est bien. C'est vrai. Bon, franchement, c'est bien. Alors, je vous propose d'écouter. Allons-y. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe en a entendu parler déjà là? Non, jamais. Moi, j'ai entendu parler, j'ai écouté le truc, j'ai dit que c'était chelou. Ah, c'est vrai, Aurore, tu m'entends, Aurore, des Nains Beaumont? Oui, je t'entends. Bonsoir, Thomas Chéri, dans le 62. Dans le Pas-de-Calais. Ouais. Salut. T'as 17 ans. Salut. On va parler dans 2 minutes avec toi. Sois la bienvenue. T'as entendu la musique aquatique ou pas? Non. Alors attendez, on va écouter juste avant de se faire l'énigme et de vous filer des cadeaux. Et Isa Jésus le voyant, le gros fourreur de la semaine, le jeudi soir, on se le fait après. Je me ferai passer pour un voyant accompagné d'un marabout. On appellera une maman de l'un d'entre vous pour l'énerver. On le fait juste après, mais d'abord, musique aquatique, à quoi ça ressemble? C'est mou quand même. Ah c'est chiant. Alors, c'est pas en fait, ça fait un peu musique de. Ça fait un peu musique du Grand Bleu, ouais. Du film. Ah non, c'est perché. Un peu, ouais. Ah parce qu'en fait, il souffle de l'air. Ah oui, donc ça fait des bulles d'air et tout. C'est pas très agréable. Ça va être sympa le clip. Ouais, en fait, mais ça va être beau à voir. Ça va être beau d'être dans une piscine avec un tuba et de regarder ça, c'est rigolo. Ouais, mais bon, là, t'écoutes ça en rentrant chez toi. Après, je me vois pas, tu vois, je préfère mettre du Kinvé. Je peux le mettre du. Ah, c'est sûr. Flo des cadeaux. T'es en voiture, il y a la police qui t'arrête et t'as ça, tu passes pour un psychopathe. Et tu les regardes dans les yeux comme ça. C'est un killer. Et il te demande tes papiers, tu les regardes, tu réponds pas et tu les regardes avec des grands yeux. Ouais. Je pense que c'est bon. Je cherche même pas à comprendre. C'est vrai que c'est chaud. Non, c'est vrai que ça peut faire un peu chelou. Ouais, ça fait musique d'aquarium, quoi. C'est vrai en plus. Musique d'aquarium, nouveau mot. Après la musique d'ascenseur. Voilà, c'est ça. La musique d'aquarium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Guy Lingier? Bah, après, c'est dans le incroyable talent américain. En fait, j'ai trouvé une fille qui a 13 ans, elle s'appelle Laura Britain. Et on s'en bat les couilles, quoi, ça s'appelle. Envoie la sauce, là. À chaque fois, il nous sort les noms, on s'en bat les couilles. Je crois que je vais la retrouver sur Facebook. On sait pas, non, mais elle fait quand même beaucoup de vues, elle, sur YouTube. Du coup, voilà, je préfère situer le hasard. Ouais, d'accord, vas-y, si tu veux. Hasard. Le mec, il a pris l'accent hongro, normando, nordo-parigo. Je préfère situer le bazar. Il n'y a pas de problème, il arrive. Et resituons le bazar. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Et du coup, en fait, cette fille, elle a un don pour le chant. Et avant de vous montrer ce qu'elle sait faire, je vous ai découpé un petit bout de l'interview pour vous montrer un peu sa voix. Sa voix normale. Voilà. Laura, how old are you, Laura? I'm 13. J'ai 13 ans. Are you a singer? Tu es chanteuse? Yes. And have you been doing this for a long time? Well, my mom always liked to sing and tu chantes depuis longtemps, avec ma maman depuis que je so she helped me practice. On va dire une voix normale. Voilà. Ouais, normal. De fille de 13 ans. Et le truc c'est que dès qu'elle chante, bah c'est plus du tout la même. Elle s'appelle comment? Laura Britain. On s'en bat encore les couilles. Si j'en avais envie. Ça changerait quoi. Non, on va rester dans 2 minutes. Hein. Ouais, voilà. Je suis prêt. D'accord, alors vas-y, maintenant on l'écoute chanter. On peut l'écouter. Écoutons. assez ouf. La Castafiore. Oh my god. Wow. Ouais, il vient de dire oh mon dieu là. Ouais. Je traduis hein, au cas où. Ouais, c'est très bien, merci Guy la régie. Mais c'est avec plaisir. Mais nous aussi on a un déformateur de voix, on pouvait faire de refaire. Je sais pas, l'amour est enfant de bohème. D'accord, merci. Je sais pas. Il y a Karim qui dit j'ai trouvé la musique pour mon enterrement, la musique sous l'eau. Ah ouais. Karim du 80, salut gros. Salut. C'est chiant, cette musique sous l'eau, ça fait. Oh, film d'horreur, c'est chiant. Ah ouais, j'avoue, ouais. C'est de la merde. Salut. Ah ouais, putain. 10 ans. Salut Guillaume, pour un mariage, j'ai fait péter une grenade en remplaçant la poudre par des confettis. J'ai pas compris. C'est possible, mais non. Non, c'est pas possible, parce que c'est la poudre qui fait péter la grenade. Ouais. Thomas Frappier. Mais non, c'est à mon avis autre chose que t'as enlevé. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, hein, non, on va le dire ça. Prendre une grenade de l'armée et remplacer les confettis, la jeter pendant un mariage, tu peux avoir un doute. En ce moment, tu peux avoir un doute. Ouais. Le mec il se lève, tu sais. Il balance une grenade. Il était comme ça. Je pense que tu le prends mal. Voilà. Ah, si oui. C'est une blague d'un petit moment. Tu te sens un petit peu mal, quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez venir, hein, Guillaume et votre message aussi sur ce 12, vous voulez venir délire avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. On va se faire l'énigme. Il y a des cadeaux. Et Aurore qui appelle 17 ans d'abord avant de parler de l'énigme et de se faire Isa Jésus, le faux voyant. Je vais me faire passer pour un voyant tout pourri dans 2 minutes. JM du standard, tu vas prendre l'une d'entre vous. Ouais. Ou l'un d'entre vous. Exactement. Qui veut piéger sa mère. Donc voilà, si c'est vous voulez piéger votre mère, dans 2 minutes, je serai le plus beau de tous les voyants. Je serai la voix du futur. Je serai le plus bel enfant de la terre. Je serai celui qui lit dans les lignes de la main et pas que. Je serai moi voyant. C'est pour faire comme moi, président. Moi, voyant, j'instaurerai un climat de confiance. Moi, voyant, je ne serai pas tout seul. Dans un instant, je vais faire l'émission de voyant. Je serai avec Boubou le Marabout. Oui, bonsoir. Ici Boubou le Marabout. Enchanté présentement. Content d'être là ce soir. Boubou le Marabout, vous êtes très content d'être avec nous. Ça me fait très plaisir, Boubou. Le plaisir est de partager par ma figure. Boubou le Marabout, dans un instant, vous allez nous dire comment nous allons utiliser les iPhone 7. Quelles fonctionnalités dans l'iPhone 7 nous aurons qu'il n'y a pas encore présentement en 2016, mon gros. Et je la connais, car Steve Jobs, un Camerounais blanc, me l'a dit avant de partir de l'au-delà. Et quelle est la nouveauté? Quelle est cette option, Boubou le Marabout, que nous allons pouvoir utiliser dans l'iPhone 7? L'iPhone 7 fera un papier toilette 4 épaisseurs. Une évolution hygiénique camerounaise. Merci, Boubou. Merci à vous. Rendez-vous dans 10 minutes. Avec plaisir. Pour Boubou le Marabout et Issa Chessou. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire pour piéger votre mère, mais c'est gentil, hein, on l'énerve pas, c'est juste une blague. Bah, c'est mignon. Vous dites qu'elle est passée dans une mission de voyance et en fait vous me balancez des doses sur elle, enfin des doses. La marque de voiture, des conneries. Ouais. Quoi. Puis moi, elle est à l'antenne et je vais comme par hasard tout découvrir. Voilà, et vous lui ferez croire que vous avez gagné 10 minutes de voyance. Donc si vous voulez vous inscrire, Guillaume et Jeux, avec votre numéro de téléphone au 612, voilà, c'est jeu du soir, Guillaume et Jeux, ça s'appelle le jeu Isa Jésus. Voilà, ouais. Ce que je me fais passer pour Isa Jésus et Boubou, le marabout en Boubou, de Bouloun Biancourt. La totale. Boubou, le petit bout, Cédric. Je suis en Autriche, de retour de voyage, j'attends d'être en Suisse pour t'écouter. Hey, gros bisous. Salut. Salut, bisous. Donc tu m'entends pas ça, hein, je te fasse un bisou. Parce que c'est fou de m'envoyer un message sans m'entendre. Ouais, c'est génial, ouf, là, je t'embrasse. Alors, il y avait Aurore, 17 ans. Tu appelles du Nord, Aurore, 17 ans. Sois la bienvenue. Salut. T'es mineur. Comment elle s'appelle la chanteuse qu'on a écoutée tout à l'heure, qui guide la régie là? C'est Laura Britain. Toujours. Ça ne vient pas, l'envie ne vient pas. Hein, disons, on s'en va. Lui, il est content de le dire. Guy la régie nous a sorti un nom d'une vie, on s'en va tous écouter. Ah ouais. Intéressant de le savoir, voilà. Bon, en tout cas, sois la bienvenue, Aurore de Hénin-Beaumont. Tu avais une petite réaction, tu voulais rajouter un truc et il t'est arrivé quelque chose, toi. Oui, bah en fait, je suis partie chez mes parents, j'habite chez mon copain. Oui. Et c'était pour avoir des conseils car on a des problèmes d'argent, bah fin de mois, quoi. Et voilà, c'est assez difficile en ce moment. Attends, est-ce que t'es parti? J'ai pas compris. T'es parti de chez toi, pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va dire que j'ai été séquestrée. Non, c'est vrai? Ah, ouais. Ah merde. Ouais. Séquestrée, c'est-à-dire enfin, Bah, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de téléphone, j'avais pas le droit à Internet. C'est vrai? Ah, t'es en prison, ouais. Quoi. Ouais. Après, c'est parce que t'as pas le droit au téléphone que t'es séquestré. Bah ouais. Oui, oui, séquestré, c'est violent. Les parents qui décident de pas donner de téléphone avant 18 ans et tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu chelou, mais bon, après, on respecte. Chacun élève ses enfants comme il veut et tout. C'est bon. Ça. Après, en 2007, c'est pas de la séquestration. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais bon, après, c'est pas à nous de juger. Non, ouais. C'est pas de la maltraitance. Pas, en tout cas. C'est pas de la maltraitance de pas donner Internet, même si aujourd'hui, bon, c'est clair que. Même pour travailler, t'en as besoin. C'est quand même. Voilà, mais bon, après, chacun. Pour les cours. On ne juge pas. Mais. Et attends, il t'empêchait de sortir, c'est-à-dire. Bah, j'avais pas le droit de demander à m'interdiser ou. Quand, par exemple, j'avais des mauvaises notes ou des trucs dans le genre, elle m'enfermait dans ma chambre, quoi, carrément. Ouais. Mais quand tu dis qu'il t'empêchait de sortir, c'est-à-dire tout le week-end, t'avais pas le droit de sortir? Voilà, même pendant les vacances, bah, comme là, ça fait 10 mois que je suis avec mon copain, pendant les vacances, je le voyais jamais. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais quand tu dis pas le droit de sortir, c'est-à-dire t'avais pas le droit d'aller en boîte ou t'avais pas le droit d'aller dans la rue, même l'après-midi, te balader? Non, bah, j'avais même pas le droit de sortir devant chez moi. C'est vrai? Merde, ouais. C'est pas bien ça. Ah ouais? T'es fille unique? Non, j'ai un frère. Ah ouais? Tu peux parler avec ton frère? T'as un fils, 17 ans, déjà? Comment? T'as un fils, t'as dit? Un frère. Comment un fils? mais j'aurais pu, attends. Oui. J'ai eu mon meilleur pote qui a eu son. Non, c'est possible. Ouais. À 16 ans, donc c'est possible. Et alors, attends, et résultat, t'es parti habiter avec qui? Comment? T'es parti habiter avec qui, du coup? Avec mon copain. D'accord. Ouais, avec ton mec. Il a quel âge, ton mec, si toi t'as 17 ans? Comment vous avez fait pour habiter ensemble? Bah, il y a 27 ans, et puis il y a son appartement tout seul, enfin, avec son frère, mais voilà quoi. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez 10 ans d'écart. Tu l'as rencontré où, ton mec? Sur un site. Sur un site, c'est-à-dire? Sur un chat, en fait. Ah ouais, sur un chat, d'accord. Ah, c'est bien, ça marche. Ah. Lequel, le chat? 10andegar.com. Non. Oh non, je ne sais pas. C'est pourquoi? Non, c'est lequel, Aurore? Bah oui. C'est un truc sexuel? Sur Coco, quoi. Ah. Mais c'est le chat, là. Alors, nous, c'est le mardi, tu le savais ou pas, Aurore? On appelle des pervers sur Énergie le mardi et on se sert du chat Coco pour récolter des pervers. Et je me fais passer pour une femme, on les chauffe à l'antenne. Il y a des vraies filles, c'est ouf. Bah ouais. De quoi, j'ai ça là? Ça veut dire qu'il y a des vraies filles? Oui, il y a des vraies filles, ouais. Il n'y a pas que nous, hein. Attends, mais donc il y avait 27, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, ça va faire 10 mois. 10 mois, ouais. Donc t'avais 16, il avait 26, quoi. Ouais. Ouais. Et donc maintenant vous êtes. Non, non, non. Là, je vais avoir 18 ans et puis lui, il va avoir 28. Ah oui, d'accord. Bon, pareil. Tu vas être majeur, quoi. C'est juste ça. Donc, vous aviez déjà 17 et il avait déjà 27 ans. Voilà. Ouais. Et alors, vous n'avez pas d'argent, il ne travaille pas, lui? Bah, il est en recherche de travail et puis, en fait, il donne des cours de guitare entre deux, mais ça suffit pas, quoi. Il donne des cours de quoi? De guitare. De guitare, ah, d'accord. Ah, cool. Trop bien, c'est juste de guitare. Un guitariste. Mais c'est, son métier, c'est genre guitariste dans un groupe, il a envie de faire ça, c'est cool aussi. Mais c'est son métier? Non, bah, il n'y a pas de. Pour l'instant, il cherche un métier, mais il travaille un peu dans tout. Ouais. Comme là, il a été embauché pour la semaine prochaine, distributeur de publicité. Ah ouais, d'accord. Il fait des petits boulots, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, distributeur de pub, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est bien. Après, le principal, cherche, c'est de gagner de l'oseille, pour payer le loyer et tout. Parce que c'est qui paye le loyer, là, si t'as pas d'argent, lui non plus? Bah, son frère, il nous aide, et puis là, on s'est déclaré à deux, donc on va sûrement recevoir une aide. Ouais. Ouais, il y a les APL. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais c'est-à-dire, t'as un loyer de combien, Aurore? Il est combien le loyer? Ouais. 490. Ouais. Ouais, donc ouais. À 3, ouais. Donc ça te fait 150 par personne. À peu près, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, faut les sortir quand et t'as pas d'argent. Les aides et tout. Et qu'est-ce qu'il y a, du coup, vous avez des problèmes d'argent, mais sévèrement, là? Comment? T'as des problèmes d'argent, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est-à-dire, t'as quoi comme problème? Bah, là, comme là, ça faisait deux jours qu'on n'avait pas mangé, quoi. C'est vrai? Ah, tu te prives, ah ouais. Ah ouais, là ça devient vital l'argent là. Ah ouais, faut manger. Et, tes parents ils peuvent pas t'en envoyer là? Essayer de les appeler pour qu'ils te filent une pension, un truc? Ou ses parents? Non, bah, je suis plus en contact avec eux. Et ses parents à lui, ouais? Ses parents à lui, bah son père, non, bah. Et puis sa mère elle habite dans le sud donc. Bah c'est pas grave, hein. Ouais. Tu peux envoyer par la poste, hein, ouais, par la banque. Ouais, ouais. Ouais, ça aussi, c'est des faux problèmes, hein. Et parce que toi tu fais quoi de tes journées du coup là? Bah moi je suis encore lycéenne donc je vais en cours. Ah ouais, tous les jours tu vas au lycée. Ah, tu passes le bac du coup? Ouais, attends, tu te gères toute seule à 17 ans quoi, c'est dingue. T'es autonome. Ouais. Ah ouais, et tes parents ils sont pas gentils avec toi du tout? Non, du tout. Ah c'est triste, hein, putain. Et ils te laissent comme ça? Là faut arriver, t'es costaud, hein, si t'arrives à te gérer toute seule et tout. Hein. Ouais. Et t'as galère d'argent, etc. Et y a pas moyen de trouver un boulot pour le week-end, etc. pour essayer de trouver quelque chose? Bah moi je devais donner des cours de chant et puis bah ça a dégommé au dernier moment, du coup bah pour l'instant j'ai rien. Ouais, putain, c'est ouf. Va chez McDo au pire. Bah oui. Et ouais, et en tout cas, bon, dans un bar. Qu'on va en parler, hein, comme Aurore. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver vraiment comme Aurore de Hénin-Beaumont, de vous retrouver du jour au lendemain comme ça, sans argent, mais vraiment un problème d'argent limite vital. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé, JM du Standard? Ben moi, je touche du bois jamais trop parce que j'ai toujours travaillé. Oui. Et quand je suis arrivé à Paris, c'est là où ça a été la galère parce qu'en fait, j'ai pris un appart, un tout petit appart de 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, ouais. 13 mètres carrés, le loyer était de 500 euros. Et ben, je suis arrivé, j'avais pas de boulot ni rien. Et il a fallu aller bosser, faire plein de petits boulots. J'ai bossé dans des bars, j'ai distribué des prospectus, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai réussi à m'en sortir. Mais voilà, après c'est vrai qu'il faut aller peut-être autour de toi, voir dans des bars, dans des trucs comme ça, des McDo. Ah, il y a peut-être moyen de trouver un. Dans les McDo et tout, t'es allé voir, il y en a un bon moment là. Ouais. Non. Pour bosser peut-être le week-end, tu vois, c'est ça, tu dans les magasins étudiants. Parce que attends. Bah après, je sais pas si ils peuvent prendre vu mon âge, quoi. À McDo, je sais pas. Ouais. À Quick et McDo, ils te prennent. C'est vrai, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, mes potes au lycée, ils bossaient là-bas. Parce que moi, j'ai postulé, ils m'avaient jamais rappelé. Hein. Ah, mais ça, c'est parce que c'est toi. Ils ont vu le CV, ils ont dit. Oula, c'est Amina du Standard, là. La buveuse de Morito. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, Amina du Standard. Bah quoi? Quand on voit ton CV. Ouais. Non, en fait, Amina, ça, c'est contraire. C'est quand on voit son CV. Parce que franchement, t'es bonne élève et tout. T'étais bonne élève. Oui, j'ai un CV qui est pas mal. Quand on voit son CV, ça donne envie. Quand on voit sa photo, beaucoup. Ah, bah oui. Ouais, c'est pour l'embêter. C'est pas vrai du tout, elle est toute mignonne. En et quand on la voit en vrai, bah, c'est pour faire de la radio. Amina du Standard, ça me fait plaisir parce qu'elle a ressorti son haut de. Son haut de foot, le cœur d'entraîneur de foot. Je vais pas la jeter quand même, je l'aime. Salut Guillaume, j'ai un stagiaire, c'est une piste à mouche. Salut, c'est Régulus. Quoi? Une piste à mouche, ça vient quoi? Vous savez quoi, les gars? Déjà arrivé, moi je suis routier, une fois j'ai pas mangé du lundi au vendredi. Waouh. Il faut boire alors? Ah ouais, non, tu mais là pas. C'est franchement triste. Hein, mais... Et moi déjà ce soir j'ai mangé que deux fruits là pour essayer. Ah, tu le sens? Oh là là, putain. Ah, c'est compliqué de pas manger. Ah, je me sens de. Ah, t'es fébrile en fait. Je sens que j'ai pas mangé, ouais, déjà. Bon, en tout cas, on va se faire l'énigme dans deux minutes. On va parler des problèmes d'argent parce que ça vous est déjà arrivé pareil. Guillaume Play, PLEY. Vous êtes à la maison si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus les mecs. On va essayer d'atteindre 50 000 likes sur la photo du pétard. Si on n'atteint pas 50 000 likes, on ne fera pas péter le plus gros pétard du monde, JM du Standard. Ouais, Guillaume. J'ai dit avant minuit. Ouais, nous reste... Si on a 50 000, moi j'ai fait exprès un gros chiffre pour qu'on n'y arrive pas. On est à combien pour l'instant? Oh, on est à 29 000, Guillaume. Ah, c'est bientôt. Oh, putain, on a fait la moitié du chemin. Oh, ouais. Il reste moins de la moitié du temps. Alors si c'est 50 000, je le fais. Je le ferai. Je suis un homme de parole. Et je suis un homme de parole, ce qui insinue que si nous ne sommes pas à 50 000 à minuit pile, je ne le ferai pas. Ah. Voilà, sur ma page Facebook, Guillaume PLEY. Je ne vois plus la photo, elle a disparu. Moi, je la vois, Guillaume. Il y a eu un bug. On recommence. Malheureusement, il y a un bug. Moi, je la vois plus, j'aime son art. Non, il n'y a pas quelqu'un qui l'a effacé quand même. Attends, non, ça, elle n'y est plus pour de vrai. Si, si, hein. si, je la vois, Guillaume. Je la vois, toi. Ouais. Aussi, ouais. Sinon, ça veut dire qu'on s'est fait pirater. Non, mais j'ai plus internet en Wi-Fi, là, j'ai un bug. Ah merde. On va faire aussi l'énigme en deux minutes. Alexandre, tu m'entends, Alex, de Paris, 17ème. Ouais, c'est qui le papa? Salut. Chanté, hein. C'est toi qui as inventé la fausse manette de play que tu donnes à ton pote qui va jouer chez toi. La base. Ouais, tu vois. Bon, pour garder la vraie, quoi. Bon, ça va, ma gueule? Tranquille ou quoi? Ouais, ça va. Ça va, bro. Bon, ouais. T'appelles du 17ème, hein. C'est bon, ça. C'est ça. Bon, dis donc, ça habite dans le 17, hein. Ouais, tranquille. Ah ouais. C'est une belle, bah ouais. Une belle région, hein, de Paris. Hein. Ouais. À quel métro tu es? Vagram. Eh ben salut à tous. Ouais. C'est juste à côté de l'Arc de Triomphe. C'est une route qui descend. C'est la avenue de Vagram. Il y a une Décathlon là-bas. Et on est content. Merci. J'ai mon standard, le casse-couille de la soirée. Il te raconte des trucs. Allez, on y va. On va faire tourner la roue des phrases, ouais, Alexandre. T'es en quelle classe, Alex, toi? En quatrième. Ah, donc cette année, ouais, tu t'en bats les couilles aussi. T'as pas d'examen. Ouais. Tranquille. Et c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ça va en termes de cours, t'es une grosse tub ou t'es bon? Bah ça dépend. Ouais, c'est vrai. Ça dépend dans quelle matière. Ouais. Vraiment, ouais. T'es un gros sexe dans quelle matière? Oula, maths. Ah d'accord. Nul. D'accord. Ah, vraiment. Ouais. Ah ouais, maths, ouais. Ah, c'est dur les maths. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Hey, juste Aurore qui cherchait du boulot dès d'un moment là. Il y en a un qui dit: ma mère à moi, on a galéré à tel point qu'on habitait pendant 3 ans dans une chambre d'hôtel grâce au SAMU social. On t'embrasse très fort. Ah, bon courage. Tu m'entends, Aurore? Oui, oui. Il y en a une qui dit, Fabrice, qui dit à Decathlon à noyer les godots, tu vois où c'est? Ouais. Il recherche des personnes pour les jobs d'été un peu avant, après l'été, ça lui fera au moins 3 ou 4 mois de boulot, ils ne le trouvent pas, je viens d'y aller. Ah, c'est ouf. Et ils m'ont dit qu'ils en cherchaient. Et c'est des mineurs aussi, c'est à partir de 16 ans, c'est juste à côté de chez Zell. Voilà. Ah, bah c'est bien, Decathlon. Pour les soldes et tout, bientôt. Ah, ouais, c'est pas mal, Aurore, non? Pas de hasard. C'est cool, Decathlon. Ouais. Bah ouais, faut aller bosser. En plus, tu peux avoir des réductions. Tu fais des rencontres après. Ah, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis après, là, on va emmener l'autre. Tu veux faire quoi après tes études d'ailleurs, rapidement? Bah normalement après mes études je devais faire passer mon concours d'aide-soignante. D'accord. Mais vu ma situation je pense pas que je pourrais. Ouais. Bon, en tout cas, comme Aurore qui est avec nous ce soir, et Alexandre de Paris hein, qui avait lâché, qui va lâcher l'énigme de ce soir. On va faire tourner la roue des indices, la roue des phrases. Ça va nous donner un chiffre entre 1 et 10, c'est le nombre de phrases que tu vas donner pour l'énigme. Et juste après, on fait Isa Jésus. Ouais. Et Boubou le Malabou, enchanté. 5 phrases. Très bien. Eh ben, tu sais quoi, je vais mettre la petite musique de fond, Alex de Paris. T'es okay. Déjà, est-ce que tu es déjà passé avec nous à la radio ou jamais? Non, jamais. Jamais, c'est vrai? Ah putain, ouais. Énorme. Eh ben, attends, vas-y, enchanté alors gros, je te mets la petite... Eh ben vas-y, dépucelage radiophonique alors. Bienvenido. Première fois, c'est quand même la meilleure, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Amine Sandard? Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit bienvenue. Non, ah, bah, non. Très bien. Non. Bah. Il a claqué les maracas, il a fait bienvenido. Bah, Amine du Standard a le droit de se penser bah, espagnol. Ouais. J'ai mis un peu de piment dans la radio. Refais-le, Amine Sandard. Bienvenido. Bah, c'est nul. Hein. C'était nul. Voilà. Au poteau Marceau, le tapeur, Erwan de Valenciennes. Allez, vous envoyez Guillaume et le mot, les copains, on se la fait ensemble, hein, l'énigme. Je suis là, dans la radio, dans ce petit micro en fer, dans le 6ème étage d'énergie, on se fait une énigme. C'est pas compliqué, dès qu'il y a la bonne réponse qui arrive, on fait un tirage au sort parmi les bonnes réponses et on appelle un numéro au hasard. Je vous offre des PS4 ce soir, des tablettes Samsung Galaxy Tab A, des tablettes Arcos. Vous envoyez Guillaume au début du texte, c'est obligatoire pour qu'il arrive dans mon studio. Guillaume, un espace, et vous mettez la bonne réponse avec votre numéro de téléphone et vous me l'envoyez au 6 11 12. On t'écoute, mon Alex, quand tu veux. Ok. On peut être sur son pied. Celle des boutons est un film. Au cinéma, il y en a une des étoiles. On peut enterrer sa hache. Il y en a eu deux mondiales. Qui suis-je ? Deux mondiales. Alors attends. On peut être sur son pied. Celle des boutons est un film. Au cinéma, il y en a une des étoiles. On peut enterrer sa hache. Il y en a eu deux mondiales. Voilà, Guillaume et c'est le ça. Mot. Voilà, tout simplement, Guillaume et le mot. Guillaume et le mot qu'on cherche avec votre numéro au 6112. On peut être sur son pied. On peut être sur le pied de... Putain, je suis sur le pied de... Celle des boutons est un film, là, un des boutons. Au cinéma, il y en a une des étoiles, là, un des étoiles. Star Wars, là, un des étoiles. On peut enterrer sa hache, on peut enterrer la hache de 1. Et il y a eu les deux premières 1 mondiales. Voilà, qui suis-je? Guillaume et ce putain de mot avec votre numéro au 612 pour gagner ce putain de cadeau ce soir. Et juste après, la fausse voyance, on va rigoler sur Énergie. Je suis Koï sur Énergie. Allô, je ne veux pas en dire. Hein Renaud, c'est toi. Elle manque des mots. Comment votre nom? Koé. Koé, comment? Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Le 12. Va te faire enculer, moi. Ah bon? 19h, 22h. Sur Énergie. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe. C'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe. Partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Unreal. Votre série inédite continue tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Deux productrices sans pitié, prêtes à tout pour leur émission. T'aurais jamais fait un truc pareil. C'est ça le problème avec toi. Il faut toujours que t'ailles trop loin. Mais cette fois... Queen et Rachel ont-elles dépassé les limites? Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. Rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. INRJ et TF1 présente le grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars. Sur scène, jeudi, à la veille du premier match de l'Euro, Will.i.am, Christophe Maé, Louane, Florent Pagny, Soprano et Kenji Girac. Puis David Guetta prend la relève pour un concert exceptionnel pour danser toute la nuit. UEFA Euro 2016 à 20h55, le grand show d'ouverture. Présenté par Alessandra Sublet à 22h55. Le grand show de David Guetta. Jeudi, en direct sur TF1, avec Énergie. Fixing up a cottage driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed, angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say we go. Radio 2.0, on est ensemble chaque soir de 22h à 1h sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, on avait lâché l'énigme avec Alexandre, on va se faire Isa Jésus. Le voyant là, est-ce que tu peux juste redonner l'énigme en speed Alexandre, en sachant qu'il y a le double hit qui arrive aussi, ouais. J'ai des places carré or pour le concert de David Guetta pour le lancement de l'Euro sous la Tour Eiffel. Avec il y aura un show exceptionnel avec Luan, Kenji, Soprano, Will.i.am et David Guetta qui va mixer. C'est vraiment très très gros, je vous file des places devant en carré or. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau cadeau, ça va tomber dans le double hit de David Guetta. Ça va tomber dans quelques minutes, mais d'abord on termine l'énigme en deux secondes les copains. Voilà, je vous file cinq phrases, il faut trouver un mot et on va faire un tirage au sort pour gagner des PS4, des tablettes Samsung Galaxy Tab A ou des tablettes Arcos. Voilà, Guillaume est le mot que je cherche avec votre numéro dedans, dans le message, dans le texto, et vous me le balancez au 6 11 12, 61 112. Essayez une fois, vous allez voir. Juste Alexandre, est-ce que tu peux redonner, oui, les cinq phrases avant de se faire Isa Jésus le voyant, s'il te plaît là. Pas de problème. Vas-y. On peut être sur son pied. Celle des boutons est un film. Au cinéma, il y en a une des étoiles. On peut enterrer sa hache. Il y en a eu deux mondiales. Qui suis-je ? Est-ce que c'est ma bite ? Voilà, message qui t'arrive chaque soir. Est-ce que c'est la bataille ? Non. Non, c'est pas la bataille. 06 20 24 84, etc. Salut les gars. Salut. Eh ben, si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être ? Guillaume, donc, a la bonne réponse aussi sur 12. Ben, c'est pas la bataille. Qu'est-ce que c'est ? Réfléchissez bien, il est 23h29. On peut être sur son pied. Celle des boutons est un film. Au cinéma, il y en a une des étoiles. On peut enterrer sa hache. Il y en a eu deux mondiales. Les deux, un mondial. Voilà, Guillaume est le mot. En deux secondes, on fait un tirage au sort. Bim, bam, boum, c'est terminé. Bonne chance. Juste après, on fait le jeu. On va piéger une maman. Je vais me faire passer pour un voyant bizarre. On va l'appeler dans 30 secondes sur Énergie. On se fait Erais Trefi, bonne, on se le cale maintenant. On est en direct, il y a du tennis aujourd'hui, j'ai un stagiaire. Ouais, Djokovic a gagné, il est en demi-finale. Très bien, Djokovic, ouais. Donc demi-finale c'est à Roland Garros. Non mais je sais ça, mais qui joue? Ah, il joue contre un Autrichien, contre Dominique Thiem, là, un inconnu. Okay. Non mais il est énorme. Non mais il je savais pas ce que je devais dire, moi. Il est magnifique. Ah, alors je savais pas, on n'a pas répété. Il est magnifique. Vas-y alors. Donc c'était qui le truc là? Là il joue un nouveau, un jeune en fait qui est pas connu. Dominique Thiem, là il s'appelle. Personne le connaît en fait. Et bon bah voilà, on est content de le savoir. Il y a pas Nadal et tout, donc il y a une surprise. Ouais. Et il y a pas comment il s'appelle le premier là, le 4 mondial ou je sais plus quoi là? Wawrinka. Wawrinka. Ouais, il joue demain. Ah. Il paraît qu'il est très très fort. Il a gagné l'an passé donc. C'est un Suisse. Il parle français. En plus, c'est ouais, marrant. Ouais, francophone, ouais. Elle représente les mecs de Ronsard. Salut les mecs de Ronsard, la 4ème A en prof. T'as prof de maths, c'est. Je vais pas dire le nom, les gars, parce que. Les gars, c'est la merde. Alors, on peut être sur son pied. Je suis sur le pied de quoi, on dit? Celle des boutons est un film, la 1 des boutons. Au cinéma, il y en a une des étoiles, la 1 des étoiles. On peut enterrer sa hache. La hache de quoi? La hache de 1. Il y en a deux mondiales. Il y en a eu deux mondiales. Voilà, Guillaume, le mot, je cherche avec votre numéro 612, PS4, tablette Samsung ou tablette Arcos. On se fait Erais Treffy, bonne. Juste après Erais Treffy, Isa Jésus, Boubou le Marabou, enchanté, bonsoir, présentement. Enfin, une fois ces missions de voyance, on va faire des vannes à une mère en deux minutes et dans la foulée, on vous file le cadeau sur Énergie et double. Ouais, je suis là. Je suis habillé en voyant Isa Jésus. On est beau. Nous sommes habillés en tunique et nous allons retrouver Kevin de Toreil. Tu m'entends, Kevin, dans le 66 à côté de Perpignan. Vous allez bien? Ça va, Kevin? Salut Guillaume. Oui. Ça va ou quoi? Salut mec. Salut. Tranquille ou quoi, Kevin? Déjà passé à la radio ou jamais? Oui, j'ai déjà passé. Bon, bah, en tout cas, enchanté. On va faire une blague à ta mère. Je me fais passer pour Total Voyance, une émission de voyance, avec un boubou le marabout. Ça sera boubou le marabout, un boubou de Boulbi, le cousin de Bouba. Voilà. Après, ah ouais, merde. Boubou le marabout maintenant, et moi je me fais passer pour Isa Jésus. Kevin, on va faire un numéro de téléphone, c'est Véronique, ta maman. Oui. Elle a 55 ans, elle est au chômage en ce moment. Et moi je vais lui dire des choses sur sa vie pour lui faire croire que je suis un vrai voyant, genre comme si ça marchait. Et ensuite je vais dire des fausses choses sur toi, d'accord? D'accord, ça marche. Alors. Tu nous as proposé, alors je lis un peu hein, pour comprendre. T'avais un frère qui était gendarme, mais il a arrêté parce qu'il fumait du shit, c'est ça? Oui. Alors t'as une vie originale, ouais. Hein, je préviens. Ça change. Attends, ta maman, elle est séparée depuis 12 ans et divorcée depuis 9 ans de Bruno, ton papa. Elle est célibataire, elle a essayé de passer dans l'amour et dans le prêt. Elle est d'origine espagnole, elle est sortie avec beaucoup de jeunes. Et ça, avec des plus jeunes que lui, c'est ça? Plus jeune qu'elle? Oui. Ouais. Genre elle a 55 ans. Un truc qui m'a fait un peu chier depuis le début, mais bon, c'est bon, maintenant je l'ai pardonné. Ouais, t'as accepté. Pourquoi elle est sortie avec un mec de quel âge? Ben plusieurs, le plus jeune c'était 23 ans. 23 ans. Ouais, comme toi, le dernier avait 26 ans. 26 ans. Et ils sont plus ensemble et il y a un truc qui pourrait l'énerver, c'est lui faire croire à ta mère que c'est toi qui as cassé le couple en fait. Ouais, parce ah bah que bon, j'avoue, ouais. Elle essaie de le reprendre à chaque fois, elle essaie de le récupérer, mais. Bon, on peut dire que t'as filmé ta mère et lui en train de coucher, que t'as vendu une vidéo à cet internet, que t'as couché avec la meilleure amie de ta mère qui a 32 ans, elle en a 55. Sa meilleure amie, elle a 32 ans, elle s'appelle Aurélien, on peut lui faire croire qu'elle a couché avec aussi. Je note un peu tous les trucs. Elle a des tatouages, tu as fait des tatouages parce que t'es très bon dessinateur et maintenant tu sais tatouer depuis un an. Un tribal avec trois roses, un papillon, une souris, enfin plein de trucs. Elle a elle a un elfe aussi sur l'épaule, il n'y a pas de problème. Un papillon en relief, un tribal. Elle a déménagé il y a un mois et demi de Toraï. Elle habite à Villang de la Salanque. Elle adore la paella. Et on l'appelait Betty, car avant elle s'habillait comme Betty Boop. Et bah c'est parfait. On fait le numéro de ta maman, Kevin. Et puis dès que ça répond, tu lui dis qu'elle a gagné de la voyance avec Jean-Pierre Foucault et Isa Jésus, d'accord? Ah, bonne chance. Ok, que ça passe sur la radio et sur TF1 en même temps. Allez, comme ça tu l'embrouilles. Et bah c'est parti, on fait le numéro. Voilà, dès que, voilà c'est bon, ça répond. Dans un instant, c'est à toi de parler direct. Il est 23h36. D'accord. Allô. Allô, maman. Oui. Ouais, c'est Kevin, ça va? Ça va, et toi? Ouais, je t'ai dit que je t'appelais là pour passer à la mission que j'ai gagnée, Radio Locale. Ah ouais. On va passer c'est ce serait avec TFM, Jean-Pierre Foucault et Isa Jésus. Total Voyage. Ah ouais. On va bientôt passer à l'antenne là, par contre, on va bientôt passer. Ouais. Ouais, d'accord. On va bientôt passer là. Faut qu'on reste en ligne. Faut qu'on reste en ligne. On va voir. On va voir. Oh là là, c'est quoi ça? Bonsoir et bienvenue dans l'émission Total Voyage. Je suis Isa Jésus, en direct pour le plus grand plaisir des petits et des crus. Nous allons commencer l'émission de Voyage dans un instant. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Ce qui manque en France... Non pas de l'essence, mais de la vraie voyance. Quand l'argent est superflu, donne-le à Isa Jésus. Il lit les grandes étendues. C'est Isa Jésus. Je suis accompagné ce soir de Boubou le Marabout. Oui, bonsoir, je suis Boubou le Marabout, enchanté présentement, assis sur mon petit siège en osier. Il a lu tous les pixous, c'est Boubou le Marabout. Il a mangé Riri Fifilourou, c'est Boubou le Marabout. On y va pour la première candidate ce soir. Elle s'appelle Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Boubou le Marabout. Véronique, Véronique, Boubou le Marabout. Bonsoir, femme blanche. Bonsoir à tous. Bonsoir, Marabout. Bonsoir. Nous allons répondre à des questions sur l'avenir. Véronique, vous êtes au chômage? Oui. Je l'ai senti tout de suite. Je vois que vous fumez du cannabis de temps en temps, Véronique. Ça m'arrive. Je l'ai vu. Merci de votre honnêteté, Marabout. Vous l'avez senti aussi? C'est une droguée. Une fille qui fait n'importe quoi. La débauche est signe de vie chez elle. Véronique, on y va. Attention, c'est parti. Allez. Je vois tes tatouages. Oui. Je vois des animaux. Je vois des souris. Je vois des roses. Je vois des fleurs. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je rentre. Laissez-moi une minute que je rentre dans la vie transmorgifique. Le safran utopique. La guillotine milanaise. Il résout les crimes irrésolus, c'est Isa Jésus. Qui lit dans les boutons pleins de puces, c'est Isa Jésus. Qui boit que de l'absolu, c'est Isa Jésus. Boubou le Marabout. Je suis là, toujours. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de Véronique à Cougar? Elle gagnera l'émission Top Chef grâce à un mafieux de poulet camerounais. Et voilà, bravo madame. Elle est à vous la victoire. Véronique. Oui. Vous allez déjà participer à une émission de télé ou vous avez voulu participer à une émission de télé, on le sent. Je vois de l'herbe, je vois de la chlorophylle, je vois les... L'amour est dans le pré. N'est-ce pas, Véronique? Oh. Oh. Alors là... Oui, je sais plus quoi dire. Oui. Comme le disait Jérôme Cahuzac, les bons comptes font les bons ministres. Comme le disait le chef d'Al-Qaïda, sa femme en avril ne te découvre pas d'un fil. Comme le disait Doc Gynéco, l'herbe n'est pas toujours plus vête ailleurs. Boubou le Marabout. Toujours présent. Comment va finir Loana dans 2 ans? Elle va exploser et sera la première femme bombe humaine. Ça va faire boum boum de la chair partout. De quoi va-t-on se nourrir dans quelques années, Boubou le Marabout? Des crevettes au combo, spécialité congolaise que j'aurais amenée avec Monsieur Sankaré. Véronique? Oui. Est-ce que vous me permettez de rentrer dans le chakra de votre fils? Oui. J'ai envie de voir des choses, la constriction manichéenne qui est en lui. Pour 60 euros, je peux vous faire monter l'aiguille de votre réservoir d'essence plus haut. Allez, on y va, c'est parti. Concentration mystique, je vais prendre ma boule de cristal. Il dessine votre fils, je vois des dessins. Oui, il est très fort. Mais je vois aussi qu'il a couché avec une amie à vous. De quoi? J'ai l'impression qu'il a couché avec une de vos copines plus jeunes que vous. Attendez. Oui. Non. Kevin, tu te tais, Kevin. Je me concentre, s'il vous plaît. Nous sommes en pleine émission directe. Jean-Pierre Foucault arrive dans un instant pour lancer la publicité. Je vois que vous avez couché avec une fille qui s'appelle Aurélie ou Aurélia. Je sens un truc en vous. Non. Vous connaissez Véronique, une certaine Aurélia ou Aurélie? C'est ma meilleure amie, oui. J'ai l'impression qu'elle l'a foqué. Non, vous êtes sérieux, là? Je sens une sodomie bien profonde. Je sens une Jacques face après. Je sens des choses sales. C'est pas possible. Véronique, je vous laisse avec votre fils 10 secondes pour parler. Nous nous retrouvons juste après une période de publicité. A tout de suite, dans Total Voyance, l'émission qui prend les sous-sous. Oui. Ouais. Maman, T'es sérieux, là? Je t'avais pas dit ça, oui, j'ai... T'es sérieux, là? Oui, je couche avec Aurélia, oui. Ah, mais t'es sérieux, là? Tu me demandes, déjà, tu m'annonces que t'as couché avec ma meilleure amie, hein? Vous me l'avez caché, et que je dois rien dire à ta copine. Et moi, je vais aller chez toi, et je vais pouvoir la regarder en face. Non, mais t'es sérieux? Bah, j'ai deux enfants. Tu te fous de ma gueule, là? Comment t'as fait? Et comment j'ai fait à ton avis? Comment j'ai fait? Ouais, t'as niqué, ouais, ça, d'accord. Comment t'as fait? Mais comment t'as pu faire ça? Mais t'as pas honte? T'as pas honte? Retour dans Total Voyance. Quand il prend pas sa douche, ça pue, c'est Issa Jésus. T'es fichu, si tu l'as pas vu, c'est Issa Jésus. Retour en direct avec Véronique et Kevin. Véronique, vous me permettez de rentrer encore plus dans votre fils? Oui. Je reprends les prédictions. Attention, nous passons à la magie blanche et la magie grise. Magie blanche, magie grise. Attention, stupéfaction. Il a couché avec une fille qui s'appelle Aurélia et il l'a mise enceinte. Quoi ? Je vois un bébé, un garçon. Deux jumeaux même, deux garçons. Boubou le marabout, est-ce que vous confirmez la prédiction? Je confirme en ayant touché les ventres de Aurélia par distance, des petits bouts de choux. Et bravo madame, vous êtes une mamie heureuse. Ah non, je crois pas, non. Vous n'êtes pas content que ce soit votre belle-fille maintenant, votre copine? Mais j'en ai une de belle-fille déjà. Et il en a deux. Il y en a qu'un de mari, d'autres de paire de couilles, d'autres de paire de seins. Et vous avez deux belles-filles. Avec non, non, non, non, non. Non, non, non, c'est pas sérieux, là. J'ai l'impression que votre fils, Kevin... Vous aviez un copain beaucoup plus jeune, Kevin, Véronique. Je sens quelqu'un de plus jeune dans votre vie. Oui. Je vois 25-30 ans environ. C'est ça, ouais. Je crois que c'est Kevin qui lui a mis un coup de pression pour terminer le couple, car il n'aimait pas que vous le sortiez avec. Starfurak. Non. Non, j'ai l'impression que c'est une erreur. Je viens d'avoir un flash cosmique. Ah laissez-moi oui, regarder, laissez-moi regarder dans mon coucou. Laissez-moi encore approfondir. Plus loin. Oh, la Suisse est rentrée en moi. Laissez-moi faire rentrer mon chat qui pète. Oh, je viens de voir un flash. Un flash. J'ai l'impression que Kevin vous a filmé en train de faire l'amour avec un briquet caméra. Et qu'il a vendu la vidéo sur un site internet. De quoi? Il vous a filmé. Non, mais passez-le moi, là. Je vous le passe, Kevin. Oui. Mais tu sais, sérieux, là? Tu sais, le stylo et le briquet que j'avais acheté sur le site. Oui. Il est filmé en train de faire. Voilà. Non, mais t'es sérieux, là? Qu'est-ce qu'il y a, Véronique? Vous avez l'air sur le cul. J'ai l'air très en colère là. Il est où Kevin? Kevin est là avec nous, je suis avec Boubou le marabout. Je présente. Boubou le marabout, vous allez chanter pour faire venir la pluie. Avec pour grand faire plaisir. Nettoyer. Je me prépare. Cette saleté. Boubou le marabout, non. Vous allez chanter ah sur non, la pluie chanter, maintenant. On vous écoute. Premier gao net ma gao a nangara nangara wa nangara nangara wa a il va pleuvoir a Abamako à Douala, à Yaoundé, à Dakar, et puis chez nos amis français, les babes, tous les blancs fragiles, la la la papa la pa. Voilà, voilà. Ah non, j'ai pas envie de chanter là. Il est où Kevin? Boubou le marabout! Présentement, je suis il là. Il se branle dans les suites, c'est Boubou le marabout. Quand il jouit, il fait miaou, c'est Boubou le marabout. Que sera la France dans 5 ans, Boubou le marabout? La France sera annexée à l'Afrique. La France sera un pays noir. Je veux reparler à Kevin, là. Il est où? Mettez-vous à quatre pattes maintenant. On va relier nos yin et nos yang. Vous allez avaler mon jus divin, Véronique. Non, je crois pas, non. Je vais lire votre thème astral dans les vergetures de vos fesses. Dites-moi, Boubou le marabout. Que voulez-vous savoir? Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, Boubou le marabout? Il est noir, et bien noir. C'est une mythomanie. Il n'était pas blanc, en fait, il était bien noir. Une escroquerie menée tout droit des États-Unis. Mais Dieu, grâce à Nelson Mandela, la vérité a été rétablie. Rétablie tout court. Pourquoi Allô. Maître Gims cache ses yeux, Boubou le marabout? Car il veut faire comme Amadou et Mariam. Il est jaloux de leur carrière. Quelle sera la prochaine découverte scientifique, Boubou le marabout? Omar Sy est une dame. Il fait pipi assis. Je l'ai vu de mes propres yeux. Désolé d'annoncer un tel désastre. Qui sera le prochain président de la République, Véronique? Taisez-vous une minute. Boubou le marabout, qui deviendra le prochain président de la République dans 5 années? Je me concentre et je vois Claude M.C. Solar à l'Élysée. Voilà l'information de la soirée. Boubou le marabout. Véronique? Oui. Est-ce que vous êtes bien assise? Oui, je suis bien assise, oui. Je vais vous révéler un gros secret sur votre fils. Encore? Kevin, votre fils est en train de vous piéger sur énergie. Véronique, c'était une blague. Ah oui, c'est pas vrai. Ça va ou quoi, Véronique, c'était une vanne. Mais j'ai failli mourir là. Ah non. Eh mais bon, tout va bien, d'accord, Véronique. Tout va bien, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai, il n'a pas couché avec votre copine, elle n'est pas enceinte. Je suis chez moi, tranquillement, je suis chez moi. Eh voilà, donc à la cool, Véronique, d'accord? D'accord, je vais redescendre un peu là. Ah ouais, non, mais je suis désolé, je vous ai vu un peu triste, c'est pour ça d'arrêter le jeu là. Bon, et en tout cas, on s'excuse, vous avez permis à Kevin de gagner un beau cadeau, on va voir ce qu'on lui envoie à la maison là. Ouais, d'accord. Ah ben tant mieux. Bon, je vous fais une grosse bise, Véronique. Oui, grosse bise. J'embrasse très fort, ouais. C'était Guillaume en direct sur Énergie de 22h à 1h. Gros bisous à vous, bonne soirée, Véronique. Au revoir, bisous. Bisous. Bonne soirée. Allez, salut. Bonne soirée, j'embrasse très fort, on va rappeler après. Attends, merde, et Kevin? Oui. Attends, je rappelle ta maman, j'ai coupé là sans faire exprès. Je voulais passer à Minel Standard, j'ai mis sur le mauvais bouton. Juste si tu peux lui dire que tu l'aimes, elle sera contente. Ouais, ça le fait toujours bien ça. Ouais, ça fait toujours plaisir. Allô. Oui, Véronique. Oui. Ouais, il avait un truc à vous dire, votre fils. Ouais, désolé, je t'aime, maman. Hein. Oh, t'inquiète. Oui. Moi aussi, je t'aime, mais recommence plus. Hein. Voilà, je vais pas y mourir. Eh, le je t'aime et le sourire revient. Bon, je vous fais une grosse bise. Au revoir, Véronique. Oui, au revoir. Allez, bisous, au revoir. Et Kevin, tu veux faire une dédicace? En tout cas, bien joué, gros. Tu veux faire une dédicace, on t'écoute. Eh ben, une petite dédicace à ma femme, Angélique. Eh ben, y a pas de problème. Eh ben, casse dédié à Angélique, à tout le monde. Hein. Y a pas de problème, mon Kevin. Je t'en passe à Mina au standard pour un cadeau, d'accord? Ok, merci. Ok, merci, allez, avec plaisir. Ciao. Merci à toi. Hey, 10h du soir, 1h du matin, on fait Boubou le barabou et Isa Jésus tous les jeudis sur Énergie là. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt. Water, yeah. I couldn't make it any more harder. That's why I cry. I hate that he looks at you. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. back, come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone. That's why. Toute la semaine de 22h à 1h. Il y en a qui aiment les chats, les chiens, les serpents. Moi, je préfère l'être humain. Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h sur Énergie. Allez, et sur Énergie, dans 30 secondes, on termine l'énigme, on parle de cul. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au Champ de Mars, le 9 juin, avec Énergie. Sur scène, en direct, sur Énergie et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les pop, R&B, dance. Unreal, votre série inédite continue tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Deux productrices sans pitié, prêtes à tout pour leur émission. J'aurais jamais fait un truc pareil, c'est ça le problème avec toi, il faut toujours que t'ailles trop loin. Mais cette fois, Queen et Rachel ont-elles dépassé les limites? Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu tous les mardis à 20h55 sur Énergie 12. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe. C'est samedi. Partez à Orlando pour la sortie du film Alice de l'autre côté du miroir avec Énergie. Alice, tu es revenue. Quel est votre souci? C'est le chapelier, le souci. Connectez-vous sur la page Facebook de Manu dans le 6-9 et gagnez un trip pour deux à Orlando. Alice de l'autre côté du miroir avec Johnny Depp, actuellement au cinéma avec Énergie. It's music only. Amour, travail, santé, tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12 et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, INRJ. Toute la semaine de 22h à 1h. Il y en a qui aiment les chats, les chiens, les serpents, moi je préfère l'être humain. Guillaume Radio 2.0 de 22h à 1h sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, sa mère, j'ai pas de chance, putain. Et ouais. J'ai le câble dans mon micro qui a me cassé, putain. Ah ouais? La poisson. Non, mais. Mais du scotch. Non, c'est mort. Il est cassé. Voilà, ça fait claque et il tombe. Arrive le micro. Qui est cassé. Pardon, mais descend. Il y a tout qui se casse. Ah non, mais il y a tout qui regarde, se casse. Regarde, moi aussi, quoi. J'ai cassé mon casque. C'est vrai? Enfin, l'émission en tenant mon casque, ouais. Déjà que l'autre jour, on a cassé l'enceinte. Ouais, il va pas être content. Ah, et de toute façon, heureusement, on ne fera pas péter le pétard ce soir. Nous n'avons pas eu 50 000 likes sur le Facebook. Pour la peine. Mais nous avons eu quand même. Attends, il reste 5 minutes chrono. Mais nous les aurons pas. J'ai fait exprès de pas trop en parler parce que ça me faisait un peu flipper. Ouais. C'est 37 000, il manquait, c'est malheureusement 13 000 likes. En 5 minutes, 13 000. Oh là là. En 5 minutes chrono sur est-ce ma page Facebook. Mais bon, je ne les aurai pas. Non, maintenant, je peux faire le beau, aller teaser, en parler. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y, venez liker. On n'arrivera pas à 50 000. On aurait pu faire quelque chose de beau. J'aurais pu casser les vitres en plus de casser le micro. Ah ouais, t'imagines. Ouais, non, putain, ça va être chiant. Putain, mais c'est pareil, le tien, j'aime son art. Ah, je sais ce qu'il me faut. Il me faut une ramette de papier, s'il te plaît. Ah, il est là, juste là en plus. Ah, je sais, je vais. Ouais, non, mais je vais caler un truc. Je sais ce que je vais faire. Excusez-moi, nous faisons du rafistolage. Bricolage. Ah bah le pétard. Il va me faire. Ah, tu vois. Eh bah ça sert pas. Ah non. Ah si, attends. Ouais, c'est bon. Eh, le pétard, il me sert. Ah merde. Eh bah, grâce au pétard. Comme quoi. Mon micro s'est pété. Il y a pas de hasard. Eh ben, je peux faire l'émission normalement. Voilà, c'est bon, j'ai le standard. C'est bon. Non, c'est bon. Ah bah non, mais il faut que je parle. Il m'amène 20 grammes de papier. Il y a la table devant moi, il faut quand même que je pousse les boutons. Le mec, il n'est pas logique. Attends, juste on va filer les cadeaux d'abord. Il y avait Alexandre pour l'énigme, pour la terminer. Ouais. Putain, j'ai mon pied de micro qui a une bête. Ils vont me saouler demain. Ah ouais, on va la réparer. On va essayer. Parce que le technicien, il m'a dans l'œil là. Ouais. Ah merde. Ah ouais, non, mais là, après, il me dit que j'ai... ça fait trois fois que je casse les enceintes. C'est comme quand t'as fait une connerie avec un prof, tu sais. Ah ouais, là, il est sur toi. Là, tu viens de refaire une connerie. Hey, je vais mettre la queue entre les jambes demain. Je suis désolé. Quand je m'entraîne à frapper comme ça, gâte. Rico, Rico, je débarque. Ratatata. Fais gaffe, faut hype, c'est pas patatata. J'connais le million, mais chante toujours pas. La la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouclé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Allez, de retour hein, sur énergie du coup. 23h57, 2 juin aujourd'hui. Pas les couilles pour eux, j'suis Enta. Bon anniversaire, Flo des cadeaux. Merci beaucoup. Pas les couilles, c'est pété même pas. Et bon anniversaire à tous les concernés. Hein. Les Gémeaux. Alors, avant d'écouter. Qu'est-ce que c'est pas écouté? Calvin Harris et Rihanna, on se calera tout à l'heure là. Bon, vous inquiétez pas, de temps en temps, il y aura mon micro qui va tomber, je l'ai calé qu'un pétard. Donc, ouais. pas très rassurant d'ailleurs la chaleur. Ah ouais. À l'arrache ah le truc. Oh, imagine, ça te pète à la tronche, c'est fini là. Ah ouais, alors là. Mais non, ça fait peur. Et c'est vrai que c'est quand même risqué hein, ce que je viens de faire. Non, mais le pire, ça serait qu'il y ait un briquet à côté, tu vois, comme moi j'ai la main là. Ça brûlera pas là. C'est quoi, je vais quand même caler avec autre chose. Excusez-moi, j'ai mon micro qui vient de péter. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces merdes là. On a la poisse. Hein, non, c'est vrai. En même temps, c'est parce que nous, on passe 4 heures par jour. Je te dis aussi. Hein, un gobelet peut-être. C'est normal qu'il. Un gobelet, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, un gobelet retourné. mais il faut au moins 40 centimètres. Un truc dur. J'aime ça. Un gobelet de 40 centimètres. Merci, j'aime ça. Avec plaisir. Bon, c'est pas grave. J'ai rien trouvé de mieux que putain. Attends, je vais me mettre par-dessous, voilà. Ouais. Je vais me mettre par-dessous. Non, mais là, j'ai peur, pareil, qu'il y ait un faux contact, mais tu vois. Mais non, t'inquiète. Imagine, oh là là. En 5 ans, c'est jamais arrivé. Ah ouais. Mais non. C'est pas... Imagine une petite flamounette. Ouais, bah, t'auras le temps de là, non, mais qu'est-ce que je fais là? Je le jette en partant. Non. Si, on court. Je le jette vers le stagiaire. Non. À partir du moment où je vois qu'il est allumé, je le pousse avec ma main et je le laisse tomber. Ah ben oui. J'ai pas le porter, là. C'est un truc à perdre sa main, ça. Non, il faut le. Non, il faut quand même. On est derrière, on a un énorme pétard. Bon, Alexandre, excuse-moi, mon con. J'étais un peu chaud, disait Jésus ce soir. Bon. T'as cours à quelle heure demain, Alexandre, de Paris 17 là? 8h. À 8h, oh putain, quelle heure tu te lèves gros là? Moi, 6h50. 6h50, hein. Ah, c'est tôt. C'est quand que les cours terminent pour toi là? Comment? Non, c'est quand que les cours terminent? Ah, le... Juin. Le... Juin. Le 20 juin. Le 20 juin, d'accord, ok. Ouais. Bon, ça va, t'as de terminer quand même ou pas là? Ouais. Putain, c'est pas fini encore, 20 juin, c'est relou hein. Il reste encore un peu de temps. Ouais, bon courage à tout le monde d'ailleurs, à tous les poteaux là. Ouais, bonne chance. Qu'est-ce qui t'arrive du coup, Alex, tu voulais lâcher l'énigme, hein. T'avais donné 5 phrases. Redonne-les une dernière fois et on prend le gagnant maintenant, s'il te plaît. On parlera de cul. Ok. Vas-y. On peut être sur son pied. Celle des boutons est un film. Au cinéma, il y en a une des étoiles. On peut enterrer sa hache. Il y en a eu 2 mondiales. Voilà qui suis-je, n'est-ce pas? Je viens d'arriver comme ça, je vois Julien le stagiaire en train de se masturber. Oh non, je rentre dans ce studio et là qu'est-ce qu'il fait, diantre? Il est en train de se masturber. Ah, monsieur Lucas, pas ça, c'est pas bien. À qui je ne sais pas. Ah bah personne. Non, arrête de m'appeler. Ah si, c'est ça. Oui, mais on a compris, t'as compris. On a compris, t'as compris. Ah oui, mais je passe à t'appeler. C'est l'enfant, cadeau. Mais là, je sais pas si c'est Guillaume ou Fabrice. C'est un peu le. C'est un peu le petit neveu qui a 5 ans mais qui a pas grandi. C'est ça, ouais. C'est gentil ça. Tu sais qu'il est content de trouver la bonne réponse, qui va le dire, qui connaît la fin du film, qui va la dire à tout le monde quoi. Je spoil. Ah là là, bon en tout cas, je suis déçu Guillaume, faut que tu le fasses péter. 37 000 c'est déjà énorme. C'est vrai, mais j'ai un engagement, il reste 10 secondes malheureusement. Ouais, c'est mort. Nous sommes à combien, JM du standard? Ah bah là je vais regarder Guillaume, je vais regarder. C'est fini. On aurait dû dire 37 000 je crois. Ouais. On a été trop bon. On est combien là? À combien? 38 000 malheureusement. Ah là là. Et ben ce pétard qui est là. Et d'ailleurs, je sais même pas comment je ferai pour tenir mon micro avec un micro, avec un pied de micro cassé. 38 000 ouais. Bon en tout cas il est minuit pile. Bon anniversaire au 3 juin ceux qui sont nés aujourd'hui. Bon anniversaire. Est-ce que c'est la guerre la réponse qui est arrivée là? Ouais c'est la guerre. Eh ben très bravo. Bien vas-y. Bravo. Et tes parents ils savent que tu passes à la radio ou tu passes en mode discret là? Là il y a ma mère qui vient d'arriver. Ah merde. Et donc elle est au courant que je peux le passer à la radio du Ah coup. Oui d'accord, ça va, et t'as pas mis trop de pression et tout? Comment? Et t'as, pas mis là, trop, ouais. Et t'as pas mis trop de pression? Non, ça va. Non, ça va, ouais. Et tu fais les gros yeux ou pas en ce moment là? T'imagines? J'entends très mal. Ah ouais, bah je sais pas pourquoi. Tu te caches ou... Je sais pas pourquoi tu entends mal parce que j'ai pas changé moi. C'est peut-être le pétard sous le micro. Et non, mais je sais pas, rien n'a changé. À part une blague vaseuse. Ah, rien n'a changé. Non, ça va. Tu m'entends mal, Alexandre? Là, ça va mieux, là, mais. Peut-être qu'on a pas de raison. Ah, bah, c'est peut-être parce que j'ai rien changé. Là, ouais, ça doit être ça. Hein. Bon, écoute-moi, Alex, on va prendre un gagnant ensemble, d'accord? On avait une nouvelle règle depuis quelques jours qu'on a oublié. Ça fait 48 heures. On appelle quelqu'un et c'est toi qui l'accueille, d'accord? Ah, ouais. Ok. Ok, bon, par contre, faut que tu aies un tout petit peu de réaction, mon Alex. Un peu vif. Tu accueilles quelqu'un, salut, c'est Alex et tout, t'as gagné l'énigme et tout. On va faire tourner la roue des cadeaux. Tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu lui poses des questions, d'accord? Ok. Et ensuite, vous faites tourner la roue. Moi, je n'interviendrai que quand la roue sera tournée. Allez, on y va, c'est parti. Je fais sonner et c'est toi qui l'accueille, gros. Allez, faut bien parler par contre. Allez, faut d'abord bien répondre. C'est sûr, c'est ça. Ouais, bah je crois qu'on va appeler un deuxième numéro. Ouais. Amina du Standard a deux numéros. Ouais. Elle a toujours un numéro de secours. Là, on a un numéro de sœur et ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ouais, putain, il diminue une. Messagerie orange. Ah, on va parler de problème d'argent et les mecs sont. Il y en a un qui a fumé un truc qu'il a trouvé par terre, je vais vous raconter. Oula. Il a fumé un truc qui s'appelle de la. Je pourrais peut-être pas dire le nom et tout, ouais. Mais. Bah, du coup, il a été interné et tout, on va en parler. Oh non. C'est complètement février. C'est un truc qu'on trouve dans la nature, donc il y a surtout pas fumer. Hein. Les trucs qu'on peut fumer, les trucs qu'on peut pas fumer. Hein. Ah, il y a des trucs. Ah, non, mais attends. Bon, ça répond pas. Mets-moi le. Ah, si, ça y est. Allô? Allô? Allô? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ta belle? Quoi? Allô? C'est. T'étais sur énergie, là? Sur énergie? Ouais. Bah, il capte mal, Alexandre. Ah, merde. Par hasard. Bonsoir à toi, c'est Guillaume d'Energie. Tu as joué à l'énigme tout à l'heure, non? Non, pas du tout. Ah bah c'est une erreur de numéro alors. Attends, non mais attends, c'est pas possible. Vous avez pas joué sur Énergie ce soir? Non, non, il y a personne d'Énergie chez moi. Non, non, ça j'ai compris parce que c'est moi qui suis Énergie. Mais on fait un jeu à la radio, vous avez pas un fils qui a pris votre portable ou une fille? Non, non, là il y a personne. Ah ouais. Ou vous-même? Ah bah ouais, c'est quoi votre prénom? Patricia. Eh ben on est en direct à la radio. Bah, je vous fais une bise, Patricia. Bravo, ouais. Excusez-moi, vous a dérangé. Il y a un problème de logiciel. Ouais, vous êtes passé à la radio, voyez, il y a un million de personnes. Ouais. Eh ben voilà, je suis désolé si je vous ai réveillé. Vous êtes de quelle ville, Patricia? De Siphon-les-Plages, dans le Var. Ah bah dans le Var. Ouais, eh bah, ouais. Il fait beau dans le Var ou pas, Patricia? Oui, ça va. Ah oh, putain, quelle chance. Bon. Ouais, profitez-en. Faites quoi dans la vie, vous, Patricia? Pardon? Faites quoi dans la vie, vous, Patricia? Aide-ménagère. Bon, bah, on vous fait un bisou. On s'excuse de vous avoir dérangé. Hein. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit à vous. Au revoir. Patricia qui était là. Voilà, oui. C'est énorme. En fait, je vous explique. Amina du Standard, elle n'a pas les numéros d'envoi. Hein. C'est-à-dire que c'est les numéros que vous donnez. Et parfois, c'est déjà arrivé, il y a eu des erreurs. Ah ouais, c'est-à-dire que vous gagnez, en fait, vous avez mal marqué votre numéro de téléphone. Un chiffre près, peut-être. Voilà. Donc, alors, je vais donner le numéro, sauf le dernier chiffre, ouais. Que vous puissiez vous reconnaître. C'était le 06 60 40 16. Voilà. 06 60 40 16. Ah non, Amina du Standard, excuse-moi, il y a 11 chiffres dans le numéro, regarde. 06 60 40 16 852. Ah, non, regarde, je te mets celui que moi j'ai là du truc, regarde. Attends, on a un problème. Ah. Voilà, il y a des problèmes ce soir. Attends, 06 60 40 16 82. Ah oui? Bah, moi, c'est ça que j'ai. Bah, là, attends, pourquoi il y a un autre numéro là? Bah, ça avait 11 chiffres, pourquoi ça a décroché juste avant? Ouais, moi, je comprends plus rien. Eh ben, je ne sais pas. On va rappeler le numéro. Bah, normal. Je vais peut-être redéranger Patricia. Ah, mince. Et attendez, on a un bug de logiciel. Putain, c'est énorme. Et ça nous rajoute des chiffres en plein milieu. Allô? Allô? Allô, Guillaume? Non. Non, bon, je me suis trompé, alors au revoir. Tu viens d'où? Alors, je suis du 95. Ok, là, t'es sur énergie. Ouais, j'ai bien compris, ouais, j'ai gagné un petit T'as gagné, ouais. Des cadeaux. Ah, moi j'aurais bien voulu une petite PS4. Guillaume. À la radio. On t'entend. En fond. Ah, je suis content d'avoir gagné en tout cas. Tu fais quoi dans la vie, toi? Agent de sécurité. Attendez, mais il y a un écho, les gars, c'est rassurant. Non, mais c'est qui a laissé la radio derrière? Ça va, mon con? C'est toi qui a la radio derrière toi, là? Ouais, c'est moi, mon con. Ah ouais, putain. Mais il t'a dit de la couper, Alexandre. Eh oui, eh oui. Oh là là. Il écoute pas. T'as fait comme si tu l'avais pas entendu. Attends, t'as fait comme si t'avais pas entendu, salopard. Allez, tu me coupes ça, tu me coupes ça immédiatement. C'est quoi ton prénom? C'est Thierry, moi. Ça va, Thierry ou quoi? Salut, Thierry. Salut, Thierry. Ouais, tranquille, mon Thierry. Thierry, quel âge il a, Thierry, là? Ah, il a 46 ans, Thierry. 46 ans, vas-y, bienvenue, hein, Thierry, 46. Boule. Tu viens de quelle ville? Je suis un Daubonne dans le 95. Eh bah salut à toi, gros. Tu fais quoi dans la vie, Thierry? Agent de sécurité. Agent de sécu, eh bah salut à tous les mecs de sécu d'ailleurs. Bisous. Voilà, petite casse dédiée pour tous tes, bon tes, courage. Tes collègues de toute la France, hein, tous ceux qui font de la sécu et tout. Gros bisous à tout le monde, hein, les mecs. Hein. Voilà, dans 95, 46 ans. On fait tourner la roue des cadeaux ou quoi? Ouais, j'aurais bien voulu une petite PS4 pour mon frère. Mais eh bon, je vais croiser les doigts. Soit une PS4, soit une tablette Samsung Galaxy Tab. Ah d'accord? D'accord. Allez, d'accord. Vas-y, j'aime du standard, tu prends tout ton élan. Ouais. Tu prends de l'élan. Ça fait combien de temps que tu connais l'émission, Thierry, là, en général? Ouais, ça fait 4 ans. C'est vrai? Ouais, 4 ans, ouais. T'étais jamais passé avec nous? Non, avec Michael, mais pas avec vous. Ah, c'est vrai, bon, bah, c'est gentil d'être passé avec nous en tout cas. Bienvenue. Ah, okay. Ah bah, merci beaucoup. Hein. Première fois que tu joues ou t'avais déjà joué? Ah non, je joue souvent, je joue tous les jours. Ah, c'est vrai? Ah, bah d'accord. Bon, ouais. Bah, tu vois que ça marche au final quand même. Ouais, bien joué. Ah ouais. C'est pas un trucage et ça fonctionne quand même. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai besoin de prendre ton élan. Ouais, j'ai pris la lame. Vas-y. 1, 2, 3. Ah, il a fait ton effort. J'ai fait tout le studio là. Allez. Une tablette Samsung Galaxy Tab A. Bon, eh ben c'est la tablette. Ouais, bravo. Cette tablette à 500 euros. On te l'envoie demain matin, d'accord Thierry? D'accord. Ok, je te repasse Amina du standard pour prendre l'adresse, d'accord? Je pourrais faire une dédicace évidemment. Pour une petite radio qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Radio Anguin. Et voilà quoi, c'est des émissions qui passent de minuit à 6h. Et puis c'est pas mal quoi, c'est une bonne petite radio quoi. Ah bah c'est gentil, hein. Bah merci beaucoup. Ouais, ouais voilà. On a raison, et bah faisons de la pub pour nos concurrents face à nous. Face à nous la nuit, face à nous, merci à toi. On te laisse, on t'ouvre la radio. On t'ouvre les bras des médias français. Non, je l'ai plus là. Un petit peu quand même. Alors qu'on te laisse voilà. Les médias français, toi tu en profites pour sortir des folie. Insanités. Tu en profites pour déblatérer des saloperies sur notre standardiste. En plus, il parle comme ça. Oui. Ah, attends, je l'ai. Hein, il est démo comme ça en plus. Bon, attends, t'as remis la radio derrière toi par contre, mon Thierry. Là. Le Thierry joue pas jamais. Ah ouais. Thierry joue pas jeu du tout. Il a gagné son. T'as mis le haut-parleur et tout, on entend l'écho. Non, j'ai éteint la radio. Alors attends, baisse le son poteau. Parce que ça, c'était pas comme ça il y a deux secondes. Là. Bon, on te repasse Amina du standard, on prend ton adresse et on t'envoie ça en 95. Okay, allez, gros bisous à toi. Bisous. Avec plaisir, mon pote, et merci à toi. Et tu veux faire une dédicace à Alexandre juste avant qu'on parle de Fion là? Ouais, bah, gros dédicace à Maxime, Merlin, Colin, Gabriel, Hugo, à tout le collège de Ronsard. Eh bah, très bien. Il n'y a pas de problème, gros. Eh bah, je t'embrasse aussi, hein, moi, Alex. Merci beaucoup pour l'énigme. Je t'en passe Amina. On va t'envoyer un petit cadeau quand même avant que tu te couches, d'accord? Ok. Merci. On va pas te l'envoyer avant que tu te couches. On va prendre ton adresse avant que tu te couches. Hein. Ouais. T'es dans quel collège, toi, d'ailleurs, à Vagram, là? Pierre de Ronsard. À Pierre de Ronsard, bah voilà, bah, c'est connu en plus. Voilà, si on a qui sont à Pierre de Ronsard aussi, comme ça vous avez peut-être reconnu votre pote. T'as prévenu des potes que tu passais ou t'as pas eu le temps? Ouais, j'en ai prévenu un ou deux. Ah, c'est vrai, ah, pas beaucoup, d'accord. Dans deux, ouais. Comment ils s'appellent? Il y avait Maxime et Clara. D'accord, très bien. Et ils t'ont envoyé des messages et tout, c'est bon? Ouais. Vas-y, y a pas de problème. Et je sais pas si vous avez vu Kim Jong-un, là, il a fait un Facebook en Corée du Nord. Non, c'est quoi? Qui s'appelle Starcon. Voilà, S-T-A-R-C-O-N. Ah, ça me dit un truc le nom. Est-ce que vous pouvez savoir son mot de passe ou pas? Bah, c'est Kim Jong-un. Eh ben, le mot de passe, c'est password. Voilà. Ah, il est bon, lui. Bah, ouais. Mais en fait, il a dit que de toute façon, s'il y en avait un qui se connectait à son compte. Comme ça, il peut regarder. Oui. Et ouais. Non, mais c'est en fait, le mec, il fait tellement peur à la population qu'il peut dire, vas-y, essaye. Bah, je peux essayer. Connecte-toi. Nous, on peut essayer du coup. Non, ouais, en fait, on peut pas se connecter en dehors. Ils ont bloqué les accès. Ah ouais. Et c'est un Facebook qui est. En fait, ils ont pas le droit de se connecter à un Facebook international. C'est dingue. Ah, moi, je l'aurais fait. Oui. C'est dingue. C'est comme si dans une cage immense. Ils ont pas le droit de sortir quand même. C'est fou quoi. Ouais, c'est. Mais pour partir en vacances. Ils ont pas le droit de sortir. Ils ont interdiction de sortir. Ils ont pas de passeport. C'est pas une dictature. Et c'est-à-dire que c'est une cage humaine. C'est dingue quand même. En 2016. Attends, franchement. Je comprends pas les gens. Comment ils se rebellent pas tous quand même? Mais un jour peut-être. Ouais, mais en fait, c'est parce que justement, les médias sont bridés. Ouais, c'est ça. Et c'est par les médias que tu arrives un peu à communiquer, à communiquer un million de personnes d'un coup, quoi. Voilà. Ils sont formatés de toute façon depuis tout petit, en vrai. De quoi? Bah parce que c'est notre culture, donc eux ils se rendent pas forcément compte peut-être. Ouais, c'est comme un roi, ils savent peut-être, ils savent pas ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est, ouais. Ouais, c'est possible. Donc, c'est partout pareil. Ils ont pas la télé. Ouais, c'est possible. Flo des cadeaux. Il a fait aussi un concours national pour trouver un mari à sa sœur. Ah ouais, c'est dingue ça. Ah, c'est marrant, le bachelor. Ouais. Mais moi c'est vraiment. Ouais, bah alors là, mon beau-frère, j'y vais pas, mon pote. De quoi? T'imagines le beau-frère que t'as? Ah ouais. Kim Jong-un. À Noël. À table et tout. Tu ramènes un cadeau. Putain, t'as pas intérêt. Ah ouais. Putain, tu imagines, tu mets une gifle devant lui. Ah ouais. C'est terminé. Tu t'embrouilles et une claque qui part devant lui. Tu la trompes, sa sœur. Et c'est fini. Ah bah là, c'est fini. Non mais déjà, pour se dire, je mets un password qui s'appelle password, essayez de vous connecter à mon compte et que personne ne le fait, c'est que vraiment. Le mec, il est plus simple. Il s'en bat les couilles. Franchement, mais tu te rends compte un peu? Non mais c'est-à-dire que imagine, il y en a un qui se connecte, il le retrouve, il le tue quoi. Ouais, bah c'est ça. Il devrait essayer. Hein. Moi j'aimerais bien, tu vas à la frontière. Ouais, tu peux pas. Tu captes le wifi. Non, mais c'est pas le wifi, je sais, il y a pas le wifi en Corée du Nord. Ah bah, je sais pas. Hein. C'est juste que le réseau il est justement il est fermé quoi. Oh là. Salut on va parler de QQ dans deux minutes, il y a Ismaël qui voulait parler de la taille des tubs. Bonsoir Ismaël. Ah. Salut. C'est rigolo ça. Bonsoir Ismaël. Salut. Bonsoir, bienvenue sur cette radio nationale. Ah bah ouais, là tu l'as tué sur le... Bon, ça va ou quoi Ismaël? 16 ans du 16, hein, c'est ça? C'est ça. Eh ben enchanté, Ismaël. On ne saura pas ta ville, Ismaël, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, eh ben vas-y, sois le bienvenu, Ismaël. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, ce qui m'arrive, c'est que... Bah depuis un an, là, environ... Ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs filles. Ouais. Quasiment toutes les filles avec qui je fais, enfin, je suis sorti. Ouais. Et elles voulaient absolument coucher avec moi parce qu'il y a le cliché du noir, enfin, tout ça. Et du coup, bah, maintenant. Elles voulaient coucher avec toi parce que. Merde, j'ai pété mon micro. Parce qu'il y avait le cliché du noir, c'est-à-dire. Parce qu'en fait, pour elles, il y a un forcément, sur moi, je suis un renoi et du coup, bah, pour elles, c'est, elles ont eu en tête le cliché du noir, bah, qui forcément avait une grosse vie et qui voulait forcément. Le meilleur au lit, tout ça, mais sauf que le problème, c'est qu'en fait, j'ai que 15 ans. Ouais. Et je me rends compte que, enfin, à cet âge-là, enfin, je sais pas, elles ont déjà cette idée en tête, et du coup, ben, j'ai l'impression d'être un peu un objet. Pourquoi? Parce que, et te drague, t'as l'impression que c'est uniquement pour la taille de ta tub? C'est ça. Pourquoi elles te le disent? Ouais, c'est ça, elles me le disent. C'est vrai, attends, par contre, il y a un truc qui frotte, ouais, sur le tel, Ismaël. Ouais, non, en fait, c'est parce que je suis dans mon lit, là. D'accord, ok. C'est parce que c'est pas ta bite, hein, parce que. J'aime le standard qui m'a fait le geste. Ouais, voilà, hein. J'ai donné la blague. Non, non, mais fais gaffe, il y a un truc qui frotte. Ouais. Tu parles de la cour en disant que les médias sont bridés. Ah, salut Yann du 25. Ouais, salut. Trop content de vous retrouver, les mecs, trop excités à l'approche de l'euro. En plus, les Anglais vont venir dans ma ville. Salut. Ah, mec. Salut, ouais. Non, et franchement, c'est vrai, il y en a qui disent, ouais, genre les médias sont bridés en France. C'est clair qu'il y a des journalistes là qui sont trop, genre, en mode bobo et qui pensent pas du tout comme le peuple et qui nous inversent et tout. Mais dans le sens où les médias sont pas trop quand même bridés, c'est que nous, on peut faire une émission quand même. En France, on a de la chance. Et franchement, moi, j'ai jamais eu un mec qui a un coup de pression par rapport à un sujet. Hein. On pourrait pas faire ça en Corée du Nord, par exemple. Ah ouais, putain, non. Grave. Putain, Guillaume, je viens de mettre BFM TV, elle est trop bonne, la fille qui présente la nuit. Et bon, on l'embrasse. Hein, salut, ça lui fera plaisir. La fille qui présente la nuit. Il y a pas que les médias qui sont bridés en Corée du Nord. Blague raciste, ah, merci. Ah, bravo. Vous êtes toujours, vous faites toujours l'énigme à minuit. Ah non, alors, Julien du 59. On va en parler dans deux minutes. Les tailles de bites, est-ce que voilà, c'est vraiment un problème pour vous? Ouais. Non, mais vous, les filles, est-ce que vraiment vous êtes tombées sur des mecs qui vous ont fait des fissures anales? Voilà. Est-ce que Mina du standard, on peut avoir une fissure au niveau du vagin si le sexe est trop gros? Oui, ouais. oui. Même des, comment ça s'appelle, merde, descente d'organes, tout ça. Hein, il peut se passer des trucs hyper graves. Des descentes d'organes. Ah oui, des prolapses. Ouais. Ah ouais? Ah bah oui. Mais pas avec le vagin. Ah si. Si, c'est vrai. Ah, ça peut partir loin. Tu peux avoir l'intestin qui passe par le vagin. Mais non. Mais le prolapse, en fait, c'est ton utérus. Du coup. Alors, un prolapse, c'est quand en gros le cul éclate et qu'il y a tous les organes qui sortent par le cul. Voilà. C'est un peu joufflu. Le cul, justement. Bon. Je vais te dire un truc, Guillaume. Je vais te raconter mon expérience. On va en parler dans deux minutes. Guillaume et votre SMS là aussi, 612. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à cause de la taille de la bite et tout? On se fait le double hit. On se fait Zara Larsson maintenant avec David Guetta et David Guetta avec Nicki Minaj. Voilà, Nicki Minaj et Zara Larsson avec David Guetta, donc les deux featuring de David Guetta. Donc c'est-à-dire que c'est un double hit de David Guetta. J'ai eu du mal parce que mon micro est tombé. Envoyez Guillaume et votre numéro au 612, c'est le double hit de David Guetta. Et je vous file des places Carré Or pour le concert. C'est des places sèches, hein. C'est-à-dire que c'est juste les places, il n'y a pas le transport et tout. C'est juste les places, mais dans le Carré Or pour l'ouverture, la veille de l'Euro, le 9 juin, au pied de la Tour Eiffel, avec Luan, Kenji, Soprano, Will.i.am et David Guetta. Voilà, Guillaume, un espace, votre numéro de téléphone au 6-11-12 et vous serez devant pour le lancement de l'Euro. On vous les file maintenant sur Énergie, les places sonores avec dehors. appelez Énergie 3937. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Truth. My screams is the proof, them other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new, I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you, just tell them to make a you, huh? That's how it be, I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. So I make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure mama's toes on my knees, keep them please, rub them down. Enfin, le double hit qui est tombé sur Énergie, double hit David Guetta. Je vous fais les deux places pour être dans le Carré Or. C'est vachement bien quand même de l'Euro. Vous serez dans les premiers rangs. Ouais. Carré Or, donc c'est-à-dire pour le premier concert de l'Euro le 9 juin. La semaine prochaine. Voilà, juste avant l'Euro. Donc c'est la veille. Hein, du coup, c'est le concert de lancement. Avec, il y a dedans, il y a Luan en pré-show. Il y a Kenji, il y a Soprano, il y a Will.i.am. Quand tu vois que c'est juste le pré-show. Et qu'il, il y a Luan, Kenji, Soprano, Will.i.am. Et après, il y aura du coup David Guetta. Voilà, le 9 juin. Et ça va être vachement marrant à voir. Je vous dis, c'est dans une semaine. Putain, dans une semaine, c'est le lancement de l'Euro. Ouais, ça va être dingue. Il est minuit 20 sur Énergie. Passez une bonne nuit. Vous envoyez Guillaume et votre numéro de téléphone aussi, 112. Je vais faire un petit tirage au sort après. Et puis, on parlait de taille de bite hein, avec Ismaël qui était là, qui était embêté parce qu'il a l'impression que les filles s'intéressaient à lui que pour ça. Par intérêt quoi. Ouais. Voilà, non, pas par intérêt parce que t'as, pas une, t'as pas une grosse bite toi, Ismaël en plus. C'est pas ça que tu disais. Hein. Mais si, enfin, pas un elle pense énorme, en fait. Quoi. Bah, je suis. Parce que t'es Renoir, tu disais, j'ai l'impression que les filles viennent vers moi pour ça. Ouais, ça. Qui est une sorte de cliché un peu du noir et que c'est ça. Ouais. Bon, moi j'ai pas l'impression. Enfin, si, c'est sûr. Bah, nous on connaît pas. Est-ce que vous avez vraiment une plus grosse tub Non, franchement, je trouve que c'est normal. Il y a pas de. Bah, voilà, c'est normal. Alors, est-ce que vous les filles, vous êtes déjà tombées sur des sexes trop gros, genre Amina du Standard, est-ce que t'es déjà tombée vraiment sur une big tub Non, mais c'est vrai, une vraie question. Ouais. Est-ce que t'es tombée sur un sexe trop gros Nous les mecs, on n'a pas ce sentiment parce qu'on a que notre. Pour comparer, il y a que nous. On sent qu'il y a des AZ plus serrés. Mais ça change pas grand chose. Ouais. Mais tu vas nous raconter ça dans deux minutes. Ouais, je sens que ça te brûle les lèvres. Non, j'adore parler dans deux minutes. On est là jusqu'à une heure. Et juste après, j'ai envie de refaire le jeu des hôtels. Ça fait longtemps. Ouais. Le jeu du pardon. Il faut que je parle comme ça. Puis à un moment donné, il faut que le mec arrive à me dire pardon. À chaque fois, ça marque un point. Ouais. On se le fera dans deux minutes. On se fait le jeu du pardon juste après. Et venez réagir sur Énergie. Problème de taille de sexe. Ah non, il n'y a pas de gens qui veulent pas l'en dire. Renaud, c'est toi. Allez, manque des mots. Comment votre nom Coé. Coé comment Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Le 12. Va te faire enculer, bon. Ah bon. 19h, 22h. Sur Énergie. Partez à Orlando pour la sortie du film Alice de l'autre côté du miroir avec Énergie. Alice, tu es revenue. Quel est votre souci? C'est le chapelier, le souci. Connectez-vous sur la page Facebook de Manu dans le 6-9 et gagnez un trip pour deux à Orlando. Alice de l'autre côté du miroir avec Johnny Depp. Actuellement au cinéma avec Énergie. It's music only. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Allez, de retour à l'antenne là. Je vais quand je m'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico, rico, je débarque. Ratatata. Fais qu'à, faut hep, c'est pas patatata. Je connais le million, mais je chante toujours pas. La la la la. Entre nous, programmé, et même pas, font semblant. C'est chelou, je suis armé, cœur de pierre, abonné. Je suis mouclé, je suis Simba, animal, ça s'entend. M, dans leur mère, tu connais. Salut Guillaume, certains mecs pensent qu'avoir un gros sexe c'est bien, une grosse bite. Mais moi, sans me vanter, j'ai une taille assez grande et bien souvent ça fait peur aux filles. Ah bon? J'ai même eu un problème avec une de mes ex que je n'ai jamais pu rentrer carrément. Oh là là! À ce point-là? Putain, c'est incroyable ça, c'est relou, ouais. Allez, je vous file les places pour l'ouverture de l'Euro la semaine prochaine avec David Guetta. Voilà, Guillaume, et juste vous mettez votre numéro, vous mettez pas un texte compliqué. Hein. Guillaume et votre numéro au 612. Fred de Strasbourg qui dit: salut Guillaume, moi je suis Black et j'ai trouvé un moyen de faire en sorte que ma bite ne mesure que 20 cm. J'ai la plus grande de merci, mon Fred. Ah, connu celle-là. Ouais. JM, juste là, est-ce que t'as eu un problème avec la taille de ta bite? Non, moi par contre, c'est les capotes. Je prends des king size, tu sais, malheureusement. T'as le oh là là! Mais Excuse-nous, gros sexe. Et en plus, c'est le grand dame. Je dis pas qu'elle est épaisse. pas qu'elle est. C'est vraiment magnifique. J'ai pas qu'elle est grosse. Non, mais j'aime du standard. Et putain, c'est ça le problème, Guillaume. Eh ouais, mais c'est j'ai pas de taille big. Même les king size, elles me font une grosse. Oh là là. Bah parce que c'est. Ouais, elle est passe. Non, mais arrête. Bientôt, il va nous dire qu'il a une scoliose tellement sa bite est lourde. Il prend une brouette pour la mettre. C'est quoi ? Arrête, j'aime le standard. Non, mais le mec, il en rajoute. C'est un tuyau, quoi. Non, arrête, arrête. J'aime le standard. Elles sont un peu sérieuses, là. Non, mais je dis pas qu'elle est énorme. Attends, je dis pas qu'elle est longue, qu'elle mesure 25 cm. Ça se faisait un carreau, une capote. Non, mais attends. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Ah, les grosses en capote king size. Après, j'ai jamais essayé de capote king size. Mais c'est vrai, les capotes normales me font mal. Ah, bah oui, je l'ai. C'est un peu serré. Non, mais attends, mais pourtant, moi j'ai un gros souci, mais je comprends pas. Mais... tu l'as dit. J'ai un stagiaire, ah, t'avais dit. Non, toi qui étais long et fin. Moi, elle est longue et veineuse un et peu. Et Flo des cadeaux, elle est fine. Ouais, enfin, elle est normale, elle est plutôt patate en fait. Elle est plutôt patate. Ah, elle est pas très longue, mais elle est large. Il s'est donné envie, Flo. Ouais, t'as vu. Une grosse patate. Quand tu rencontres une meuf sur Tinder, tu dis j'ai une grosse patate. Ouais, c'est ça. Tout le monde t'en touche ma patate là. Viens manger ma patate. J'ai une petite patate là. La pataterie. Il faut aller faire une échoue, il y a la patate. C'est en tant qu'il n'y a pas vu une fille, il y a patate. Ah ouais. Et plus là. Ouais. Attends, mais quand tu dis que t'as une. C'est-à-dire, c'est quoi une patate? Non, mais une patate, c'est pourrir. Non, mais en gros, elle n'est pas hyper longue, mais elle est large. Ouais. C'est un diamètre quoi. Ouais. Non, elle est pas longue, mais elle est large. Non, c'est un petit wrap. Mais par exemple, Amina du standard, moi j'ai un pétard dans la main, un gros pétard. Ouais. T'as déjà pris une table aussi grosse, gros, non? Non, je peux pas. Non, c'est un film. Même dans le film, non, c'est pas. Ouais, pas loin. Ah, c'est un film, un film d'horreur. Non, non, franchement, c'est pas un film. Mais ils se dopent, les mecs, ils font un truc. Ah non, non, non, tu peux arriver à une bite pas loin. C'est 30 cm, c'est dangereux. Non, franchement, c'est un rouleau de sopalin là. Venez de m'appeler, j'espère être appelé. Salut, gros. Alors, bon. On va faire maintenant. On va faire finir le double hit, filer les cadeaux là pour l'UEFA pour aller à l'ouverture de l'Euro. Mais est-ce que vous avez déjà eu comme Ismaël? Ismaël, il fait combien ta tub environ en large et en long? En largeur, ouais. Je sais pas. Largeur, je sais pas. 4 cm, je sais pas. Largeur. Combien? Ouais, 4 cm, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est normal. Ouais. Enfin, j'ai pas mesuré, mais bon. Si moi j'ai mesuré, c'est 5-5. Ah ouais, c'est large, ouais, c'est ça, 5. Ouais, ouais, chapeau, bah si, bah. Ouais, je sais pas. Attends, j'ai un gros nez, un grand pied, une grosse. Ouais, voilà, pareil, j'ai aussi un gros nez. Non, mais si, je pense que ça rapporte. Oui, je pense aussi. Il paraît que c'est les doigts en fait. Ouais, ça quand va. Quand tu regardes, quand tu fais un L avec ton index et ton pouce, ça donne la taille à peu près. Toi, tu crois encore au Père Noël? Peut-être. Non, mais alors. C'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Non, mais pas du tout. Je veux bien, Amina, mais alors, pas du tout. Bah, c'est bon, ça. Moi, je dirais plutôt, je regarde mon avant-bras et je regarde. Mais n'importe quoi, moi, je regarde ta jambe aussi. Attends, ça a rien à voir. L'avant-bras. Non, pas l'avant-bras, mais ça fait pas ma bite non plus. Hein. Je sais pas. Je regarde le L avec mes doigts et non, franchement. Bah heureusement qu'on a des bites plus grosses que nos doigts quand même. La longueur normalement. Bah au repos ça sert à rien parce que ça veut rien dire le repos. Bah, si, ça en est raison. Ah non, pas du tout. Parce que moi je peux avoir une bite de 5 cm, je rentre dans l'eau froide et en faire 3 et je bande et en faire 19. Ah oui. C'est magique quand même, c'est rigolo. C'est magique. J'adore toucher les choses magiques. T'en as jamais vu ou quoi? Non, c'est marrant. Bon, et donc. JM du standard. Et donc, non, ça va. Fait une... Donc, déjà tombé sur des filles qui t'ont dit t'as une trop grosse bite. Peut-être pas trop grosse, mais ouais. C'est marrant aussi, content. Ah, ouais, tu sens que le mec, ça fait longtemps qu'il voulait en parler. Ah, non, pas du tout. Il attendait ce jour comme un jour du Seigneur. Il y a juste un truc drôle en plus. Tu nous as pas raconté ton histoire de lentilles. Ouais, mais j'en ai tu t'en foutais, Guillaume. Qui a des petites lunettes. Tu sais bien que je me fous pas de toi. Le pauvre Cosette. Ça fait une heure et demie, je l'ai. Moi, j'ai un pote à l'armée, il s'habite au repos. Franchement, c'est un vrai rouleau de sopalin. Salut, Fred. Ah ouais. Il y a des mecs. On est très gros. Même au repos? Ah ouais, bien sûr. Oui. Mais bah oui. Non, il y a des mecs qui ont des serpents. Ouais, repos, ils ont une queue de chien, quoi. Non. La queue de chien, je parle de la queue, pas la queue. J'ai Flo des cadeaux. Moi, je suis allé en Estonie voir mon meilleur pote. On a fait des saunas avec les gens qui l'accueillaient là-bas. Et là-bas, c'est des saunas à poil. Et j'ai vu un Estonien, mon pote, il avait un braquemar au repos. Non, non, mais vraiment, c'était. Franchement. Regarde. Mon pote, il avait un braquemar. J'ai envie de me bifler avec. Elle faisait au moins 15 cm au repos. C'est vrai, tu l'as mesuré quand même. Non, mais je vois quand il s'est arrêté. Après, moi, ça m'arrive quand je fais l'amour, par exemple, quand j'éjacule après, elle devient molle, mais elle reste grosse. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Oui, parfois je m'impressionne moi-même, je regarde, je dis putain, c'est gros. Ouais, bon, t'abuses. Genre, t'es fier. Ah non, non, bah alors là. Non, mais attends, tu te rends pas compte. Parfois, je me regarde dans la glace et je me dis waouh. Je fais un selfie avec. Ah ouais. Moi, ça m'arrive de me prendre en photo et de me remasturber dessus. Mais là, c'est pour rire. Ouais. Ah bah attends, commence pas à croire ce que je dis, Smile, on est mort. Sinon. Ah ouais. Non, mais tu irais mon voisin de chambre, tu dirais pas ça. Pourquoi? Non, mais lui, c'est un monstre. Non, c'est vrai, mais pourquoi vous montrez les tongs ou quoi, je crois. Il est blanc. Ben, non, il est pas blanc, il est blanc, il est normal. Ouais. Mais oh là là, mais c'est un monstre. Putain, c'est ouf. Horrible. J'aime du standard. Ouais. Est-ce que pareil, ça t'est déjà arrivé, toi, de d'éclater un vagin, vraiment de faire l'éclater, à cause de ton gros sexe apparemment. Non, non. Est-ce que ça t'est arrivé de je sais pas qui est un petit comment expliquer ça, un accrochage, un saignement, un accrochage et que un accident. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé que la fille est mal le lendemain. Quoi. Non, mais vraiment, de, je veux dire de la saigner, ça sent un bain de sang. De lui casser. Oui, c'est déjà arrivé. C'est une boucherie. Parce que vraiment que le truc, ça n'avait que vraiment la fille. Se faire recoudre, ça peut arriver. Non, pas se faire recoudre, mais j'ai déjà eu du sang sur la capote, ouais. Alors qu'elle avait pas du tout ses règles. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Ouais, d'accord. J'y crois pas. Vraiment de faire saigner la fille. Ouais. Quoi. Bah, c'est possible. Ouais. J'ai stagiaire, est-ce que t'as déjà fait saigner une femme avoir une patate dans la gueule? Est-ce que non, mais je sais bien, je plaisante. Bah évidemment. Oui, j'espère. C'est vraiment grave, on en rigole parce que sinon. Oui. Non, est-ce que t'as déjà pareil eu un problème à cause de la taille d'une bite? Bah, de ma bite à moi, tu veux dire, de mon sexe. Je pose la même question pour tout le monde. Non, bizarrement, la mienne, c'est pas pareil. Non, t'as pas eu de problème, ouais. Mais moi, ça va, en fait, elle est juste un peu veineuse, en fait. Ouais, un peu veineuse. T'arrêtes pas de dire qu'elle est veineuse. Mais malheureusement, c'est ça. Mais je crois que c'est un complexe que j'ai parce qu'il y a une veine. Enfin, on a la veine dessus, mais je crois que la mienne, elle est en relief un peu, tu vois. Je fais une fixette dessus, moi. Mais moi, je fais une fixette dessus de ouf. Il a la même veine sur son front. Non, mais c'est pas. Mais n'importe quoi. C'est vrai que t'as une veine. Ah ouais, J'ai été déjà, il est encore en braille. Ah, j'ai, mais le flanc, je le vois pas, donc je m'en fous. Bah pourtant. Quand tu le touches, t'as l'impression de tenir une poignée de. Non, le flanc. Alors vas-y. J'ai la veine là, merde. Ah, je me touche le front maintenant, tu m'as. Ah putain, pourquoi j'ai dit ça, moi? Et alors, vas-y donc, ton avant-bras fait la taille de ton pied du coude au poignet. Merci beaucoup. Quoi? Ton avant-bras fait la taille de ton pied du coude au poignet. Bah, il faudrait que je mesure, quoi, pour être sûr. Hein. Merci pour les messages. Les gars, vous me fiez trop, surtout Amina Morito, son air atomique. Merci Kylian. Salut. Chose du 48, je te laisse imaginer ma teub. Merci Dimitri Diab. L'instant poésie. C'était un gros mytho 5-5, tu te prends pour un roco. Et je viens te montrer ma teub, hein, franchement. On va la mettre sur Facebook. Moi, alors, c'est ma bonne idée du conseiller Bad Buzz. Ah, oui. Amina Morito. On t'a story sur Snap. Sur ma story, sur mes snaps. C'est week-end au calme. Mais sur Paris Story. J'attends de voir si c'est validé. Attends, j'ai un stagiaire. J'avais le problème de taille de taille. Bah non, mais parce quand tu as une teub veineuse, c'est-à-dire. Ah, je sais pas pour moi. Genre elle est le gland, il y a des veines sur le gland. Non, bah non, quand même pas. Mais t'as des varices sur le gland. Non, mais moi, même quand je suis excité, quand je suis bien dur, tu vois, bah la veine elle ressort pour moi. C'est normal. Bah oui, bah évidemment que c'est normal. Mais dans les films, tu vois, j'observe les acteurs aussi dessus. Je peux même, non. Je crois que c'est normal, c'est la grosse veine de bite. Mais tu la sens. Comment elle s'appelle cette veine? C'est une sorte d'artère. La veine de bite. Non, mais l'artère teub ou quoi? Oula. Merci pour des cadeaux. Vous comprenez pas que quand vous faites ce système de vannes, de prendre deux mots et de les mixer, ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas. Il l'a dit comme ça. Il a la bite sur la veine en fait. Oh. Non, c'est pas vrai. Il a une énorme veine avec une petite bite. Mais n'importe quoi. J'ai un stagiaire, elle est tellement grande qu'il peut se la fourrer dans le cul. Bonsoir, non, j'ai essayé, ça marche pas. Tu pourrais refaire un bonsoir, c'est Alphonse. Bonsoir, c'est Alphonse, les enfants, on va faire dans deux minutes. J'ai un chat, mais j'ai pas de soeur. Oh là là là. C'était un jeu qu'on faisait avant où j'avais des téléphones roses et tout là. Ismaël qui a été lui. Venez nous raconter, excusez, j'ai eu des problèmes pareil. Amina du standard, t'as déjà eu pareil? Un problème avec un homme vraiment qui te massacre le vagin? Non, il n'y avait jamais eu de massacre, heureusement. On a arrêté ça avant. Mais c'est vrai qu'une fois, je suis tombée sur un mec qui était assez bien fourni, on va dire ça comme ça. Et sur le coup, j'ai flippé. Mais c'est-à-dire bien fourni pour toi, c'est quoi? C'est genre 13-14? Franchement, j'ai pas de notion. Moi, j'ai une notion visuelle, donc c'est compliqué, tu vois. Mais j'ai pas mesuré. C'est quand mes yeux sont obligés de loucher pour la voir. Comparé à ta taille, ça doit être quoi? Mais non. C'est genre ta tête. Non, mais ça va, on est comme on est. Mais non, mais c'est des fous les gens. Moi, non, je pense que ma mine fait la tête de ta tête. Mais non. Et de la tête de ton père. Mais non, déjà, c'est pas bien. On a qu'à comparer. Ça va, oui. Tu mesures. C'est dégueulasse. Mais ça n'a rien à voir. Mais je veux pas. Attends. Une tache, c'est gros quand même. Tu passes un truc. Prends le mien, mais tu vas parler comment, toi? Bah, avec lui, mais je le tiendrai. Ah non, ça va pas marcher. Hop. Mais non, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Regarde, regarde. Il me donne son micro. Ah, le bordel. Alors là, les amis, on est dans la merde. Radio système B. Et pas du scotch, non? Un micro, ça infile. Je vais faire l'émission debout. Parce que moi, c'est que si je le touche, ça fait du bruit. Alors, je suis obligé de faire comme ça, quoi. Bon, attendez, je vais tant pis. Je vais tenir. Il faut un porteur de micro. Ah ouais, tu veux c'est ça... Guillaume, moi, elle fait. Ah ouais, elle fait venir un stagiaire en avant. Allez, ah ouais. Jordan Apprenti. Fais venir Jordan Apprenti, là. Fais venir Jordan Apprenti, il va tenir mon micro. Il va me tenir un micro, là. Comme le pape, il y a un mec qui C'est drôle. Il y a un mec. Attends. Jordan Apprenti, tu peux venir, s'il te plaît. Attends, je sais pas s'il m'entend. Il fait genre, il entend pas. Dépêche-toi. Allez, viens en courant, là. Parce que maintenant, même notre apprenti, il a des stagiaires à lui. Il y a n'importe quoi, quoi. Il a la même veine sur le front. Attends, Jordan Apprenti, viens s'il te plaît. On a un truc pour toi. Je vais te donner la alors, la plus grosse responsabilité. Mets-toi à ma droite. Je sais pas de quoi ça parle. Mets-toi à ma droite. Le job de ta vie. On va te donner la possibilité de faire de la radio. Écoute, Jordan Apprenti. T'as une promotion aujourd'hui. Non, mais dans la vie, il faut commencer par toutes les étapes. Tu le sais. Bon, et ben là, tu vas tenir mon micro. Mission, on tient le micro. Faut pas que tu bouges, ça s'entend. Et respire pas. Mais là, ça s'entend pas. Voilà, tu ne bouges plus. Merci beaucoup. Alors, je disais, salut Guillaume qui a écouté de nouveau Gims, ma beauté. Salut Ibrahim, exactement. Ouais. Salut. Alors, on va en parler avec Cyril. En plus, il fait de la muscu, le garçon. Ça va lui apprendre à dire qu'il fait de la muscu. On va s'écouter Chris Crabbe. Allez, on se revoit aussi Gims. Mon message est passé, j'ai enfin vu que vous étiez en direct. Je vous suis depuis 4 ans et de plus en plus de jour en jour. Merci pour les fois. Ah, gros bisous à toi, mon poteau. Moi j'en ai une comme un bébé, 52 cm, 3,5 kg. Salut à toi. Arrête de bouger, Jordan Apprenti. Ouais. Ah, il fait que là. Même ça, il sait pas le faire. J'arrive pas à me concentrer. Ça m'énerve, ça. Jordan Apprenti. Alors, Cyril, 27 ans. Bonsoir, Cyril. Ouais, bonsoir, ça va gros. Et juste après, on file les places pour l'UEFA là, pour aller à l'ouverture de l'Euro. Et dans la foulée, on se fait le jeu des hôtels. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Cyril, toi? Juste pour dire à tout le monde que d'avoir un gros sexe, en fait, c'est beaucoup plus contraignant qu'avantageux. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'expériences en fait, vouées à l'échec à cause de ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire, t'as eu des expériences Encore dernièrement, il y a à peu près un mois et demi en arrière, en fait, je suis tombé sur une fille qui, soi-disant, est un infomane. Elle commençait à me dire que comme quoi elle allait me faire pleurer et tout, parce que j'allais devoir la supplier d'arrêter. Donc moi j'avais pas trop dit et c'est elle qui au bout de la deuxième fois elle m'a supplié d'arrêter parce que c'était beaucoup trop mal en fait. C'est vrai? Oh là là. Trop gros quoi. Mais c'est quoi genre trop gros? Enfin, et ton sexe c'est quoi? Parce que Cyril quand t'en parles, on a l'impression que c'est vraiment un ordinateur. C'est une flûte. Et ben, c'est 23 cm sur 5 de large. Quoi. Ah ouais. 23. Ouais. Ah ouais. En fait le problème c'est que le vagin il est pas aussi grand sur ça. Ah ouais. C'est pas adapté longueur, en longueur. Ouais. Moi j'ai 19,5, voilà. Et parfois je tape dans le fond de certaines filles. Bah, le problème c'est que moi avec la plus grande des classes. Avec la plus grande des classes. Non mais c'est la vérité, c'est qu'elle tape dans le fond, ça veut dire quoi? Tu vas trop loin. Mais c'est hyper dangereux. Comment tu sais que tu tapes dans le fond? C'est hyper dangereux, comment on peut mourir empalé? Non mais c'est vrai le but c'est pas de le retrouver avec le truc dans le ventre, hein, ça. Non, c'est clair. Amine, on t'a déjà touché le fond et t'as dit stop. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Oui, c'est quoi le fond? Il y a un mur. Et en fait la bite faisait quoi? 19-20. Franchement, je sais pas, moi j'arrive pas avec mon mètre non plus, tu vois, c'est pas les travaux. Oui, mais à peu près, tu te rends compte. Ouais, mais. Et je crois que c'est le max, hein, 19-20, et après, ça commence à toucher. J'ai besoin de toi, t'es plus large que long. Ouais, c'est plus un, et plus losange quoi ton sexe. Ouais, c'est plus un rectangle. C'est plus de la lutte quoi. Ouais. C'est et long aussi un peu quand même. Il est un peu long. Ouais. Genre tu tapes dans le fond parfois ou pas? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais elle te le dit la fille. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de taper le fond et de ressortir d'avoir plein de sang sur ton sexe? La question. Bah je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu du sang. Non mais un petit peu, ça m'est déjà arrivé de ressortir tout rouge. Mais pourquoi il y a du sang au fond? Mais c'est quoi, c'est pratique? Bah non mais ça m'est arrivé de taper très fort dans le fond. On va dire un peu comme un dragster d'aller tout droit. N'importe quoi, tu t'es écrasé. De virage, non, mais de dégainer un petit peu fort. Alors, c'était pas à cause de taper dans le fond, c'est parce qu'elle avait pris une pilule trop forte. Voilà, j'ai compris, il y a eu du sang, mais genre, je suis ressorti. Putain, je croyais que je m'étais touché l'interfémoral. Ouais. Ça coulait vraiment partout. Quoi. Flo, des cadeaux, toi, c'était arrivé d'avoir un problème à cause de la taille de ta bite? Franchement, non, jamais. Moi, j'ai une bite moyenne, donc j'ai jamais eu de soucis avec ça. Et ça t'est pas arrivé d'avoir un problème dans l'autre sens, du coup, de pas avoir assez de longueur pour la fille qui demande un peu plus de longueur? Si, enfin, des fois, dans certaines positions, c'est peut-être un peu court. On peut pas trop faire des trucs. Mais une rallonge. Ouais. Mais autrement, non. Ouais. Normal. Bon. Ouais, c'est vrai, t'as jamais éclaté un cul, par exemple, à cause de ton sexe. J'ai déjà éclaté un cul sans faire exprès, mais c'était pas à cause de la taille de mon sexe. Ouais, c'était à cause de quoi? C'était à cause de l'alcool. Putain, l'émission grasse. On me demande. J'ai éclaté un cul. Déjà, cette expression, elle est sale. C'est toi qui m'as demandé. Absolument pas. Non, les deux choses. Moi, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà abîmé une rondelle anale? Ah, pardon. Mais moi, je suis choqué. En faisant l'amour, est-ce que vous avez déjà fait un purite anal? Froissé un anus. J'ai déjà froissé. c'est un anus. Quelle bande de mythos, le fond du vagin c'est entre 8 et 14 cm maxi. Ah bah voilà, bah pourquoi. C'est ça. Bah oui, donc c'est pas du tout du mytho, bah oui. Du coup, bah alors du coup on a dû déjà tous taper dans le fond. Ouais. Hein. Amina du standard, t'es entre 8 et 14. Toi, t'as déjà essayé de mesurer un god pour voir la profondeur du vagin, c'est pas une vanne. Non, hein. Ouais, ouais. Pas du tout. Les filles qui font ça, ouais, qui mesurent leur vagin. Comme un puits. Ah bon, bah, bah oui, vous pouvez faire les filles, vous achetez un god, vous mettez un mètre dessus, vous mettez un petit point au stylo par où il sort, et comme ça vous saurez votre profondeur, mais c'est pas une vanne. Et tu peux grandir ou pas du coup. Et comme ça vous êtes sur Tinder, vous dites 13 cm max par exemple. C'est pas si con que ça ce que je dis. Hein. Tu touches le fond. Comme la veine piscine. S'appelle le spermiducte, Guillaume. Salut Guy du 94. Salut. J'ai un stagiaire quand il baise avec son gars, il lui dit top. Ah, bon, le stagiaire m'a bouffé la bite, il a crié ramène du pain, j'ai trop de viande dans la bouche. Ah ouais, vachement. Guillaume, moi je suis un Renoir, mon sexe fait 22 cm. Tous les blagues n'ont pas des gros sexes, ça dépend des blagues. Moi j'ai cousins qui n'ont pas des grosses, mais souvent c'est vrai qu'on a des grosses. Voilà, encore merci beaucoup. Salut. La veine qui ressort. Alors on va en parler, on se fait jouer des hôtels et juste après, Guillaume et votre message aussi 112. On se fait Jennifer Lopez et Dio Mama sur Energy. Bonne nuit les gars. On est en direct avec le nouveau Gilo. On va se l'écouter en entier là. Alors si je rigole, c'est qu'il y a Baba qui réalise la nuit, qui vient de me montrer un god. Voilà. Ouais, il a un sextoy dans le je pense que Amina du standard, tu vas pouvoir te mesurer l'intérieur. Ah mais ça va pas. Moi je trouverais drôle Baba le réalisateur qui te le mette sur le front. Hein. Ah oui, hors de question. Attends, qui tu lui mettes sur le front un petit coup. Non, c'est pour rire, c'est lui. Il va se faire rire. Malade. Ah mais elle a touché quand même. J'adore Amina du standard. C'est pas. Elle est chouquette, elle est chouquette. Elle va lécher ses doigts. Allez Chris qui arrive à la vie misophane. Eh, c'est la vraie radio à l'ancienne la nuit, putain comme j'ai toujours rêvé de faire. Et Jordan Lapronti me tient mon micro depuis tout à l'heure. Il est minable. Ça congestionne. Tu vois, il n'y a pas besoin parce que Jordan Lapronti, on a un apprenti qui fait de la muscu ici, mais il a pas compris, il met beaucoup de poids. Il faut mieux mettre moins de poids et faire plus de va-et-vient. Je vais faire ça toute la journée en fait. Mais là tu sais que là tu travailles plus tes bras que quand tu prends 60 kilos. Mais oui, gainage. Arrête de faire ça. Gainage de bras. Mais tu vois, là t'es en train de dessiner tes bras. Je sais, je sais. Donc bah il reste 17 minutes et on se fait Gilo, juste après ça, je vous file les places. Vous avez encore 30 secondes. Hein. Guillaume et votre numéro 612 pour réagir par rapport au sexe, problème de taille de sexe. Les filles aussi, est-ce que ça vous est arrivé? Et on vous file les places pour l'UEFA dans 2 minutes pour l'ouverture de l'Euro. Et on se fait aussi le jeu des hôtels qui va déchirer avant la fin de l'émission sur Énergie. Mama, no, I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. 93.0 est avec vous de 22h à 1h, du lundi au jeudi, sur Énergie. Alors, salut Guillaume, on parlait des tailles de Zizi de sexe avec Cyril qui vient d'appeler de Valence. Bonsoir Cyril de Valence. Bonsoir à toi. Salut. On est nombreux à en parler ce soir de taille de sexe. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est mieux quand c'est petit, quand c'est grand? Cyril, 27 ans de Valence, toi tu fais quoi dans la vie, Cyril? Moi je suis routier, moi. D'accord, bah salut à tous les routiers. Salut. Bonne route. Big up. Désolé, l'émission elle est un peu compliquée pour moi parce que je tiens mon micro dans la main droite, un peu comme un animateur de foire, quoi. Enfin voilà, avec la main droite dans le pour tenir le truc. Je peux te dire, Guillaume, qu'une femme est très profonde car je pratique le fist avec ma femme et je lui rentre tout l'avant-bras. Salut Mike. Ah ouais, tout l'avant-bras. Appelle-moi Guillaume, je suis déjà tombé sur un mec et tu m'as pas laissé ton numéro de téléphone tout à l'heure dans ton SMS, donc je peux pas te rappeler. Il faut laisser votre numéro dans les SMS que je puisse vous rappeler quand on parle de ça là. Moi la mienne fait 16 sur 5 mais je l'ai fait saigner toutes. Pourtant je fais pas le bourrin, je sais pas pourquoi. Salut mon Loïc. Salut quand même. Putain, j'ai déjà, il se prend pour Thibaut une chèque avec ta petite veine. T'as dit quoi Cyril? Lui, il prend que des pucelles. Les vagins peuvent s'agrandir en long et en large aussi. Je savais pas là. Bah oui, pour avoir un bébé. Mais n'importe bon, quoi, c'est l'artère dorsale du bébé. Ah bah oui, pour un bébé, c'est oui, vrai. Ouais, bah oui, mais ça dilate. Pas pour des trucs, voilà. Pas pour une levrette, quoi. Bah si, je pense. Bah du coup, ça agrandit, ça s'agrandit pour tout. Hein. Les deux sens. Rien à voir. Ah c'est vrai. Bah non, pardon, excusez-moi. Vas-y, mange tes glaires. C'est bon, j'en ai marre. Non, mais en gros, c'est avec les hormones, etc. Ton bassin s'élargit pour avoir un bébé. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, bah l'utérus aussi. Mais c'est parce que tu sécrètes des choses qui font en sorte que. D'accord. Ouais. Moi, j'aimerais bien mettre mon 17 cm dans les fesses. Je dis merci beaucoup. Moi, quand je le fais, j'ai senti peur de rester coincé à l'intérieur. J'ai vu que ça pouvait arriver qu'il soit petit ou gros. Salut Jonas du 77. Salut. Écoute, faut mieux rester dans une femme que dans une cellule, gros. La veine qui ressort au-dessus de la bite s'appelle la veine dorsale supérieure. Merci beaucoup. Ah, là, c'est un nom quand même. Petite pensée pour ceux qui sont fermés d'ailleurs en prison et tout ça là. Arrêtez avec vos préjugés racistes. Les blacks ont un gros sexe. C'est comme dire les blacks sont feignants ou les blacks sentent mauvais. Les préjugés viennent de la malédiction de Cham dans la Torah qui s'est ensuite répandue. Ouh là là, tu vas loin. On parle pas. Ouais, alors là, on parle pas de religion, sinon on est mal barré, poteau. Ça serait ouf de remporter les places. Bah, on va les filer maintenant. Amina du Standard. Oui. Nous au sort un numéro de téléphone. Ouais. On parle de sexe, Cyril. Tu vas nous raconter ton sexe qui se pose problème. Et juste après, dans la foulée, on va faire le jeu des hôtels. C'est parti. J'appuie sur le bouton et on a fait place. Double idée. Allez, pour l'ouverture de l'euro la semaine prochaine, ça va sonner en numéro caché chez vous là. Allez, faut répondre. Par contre, ça sonne en numéro caché. Allô. Allô. Bonsoir à toi. Ouais. C'est une femme déjà de premier abord. Ouais. Bonsoir, on dirait. C'est une femme de. Salut. C'est une un humain de sexe féminin. Oui. Qui s'appelle comment? Fanny. Enchantée Fanny. Tu viens d'où et tu as quel âge Fanny? Je viens de Lyon. Ouais. Et je vais avoir 20 ans. 20 ans, tu fais quoi dans la vie Fanny? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? En bio. En bio? Ah bah énorme. Eh bah très bien. Eh bah écoute, la semaine prochaine, t'es à la Tour Eiffel. Voilà, c'est gagné. On t'envoie les deux places, d'accord? Bien joué. Oh non, mais c'est une blague. Et tu vas être au premier rang du concert de l'Euro, ma chérie. Franchement, c'est marrant à faire. Ah ouais, t'as de la chance. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tu verras sous la Tour Eiffel Louane, Kenji, Soprano, Will.i.am et David Guetta. C'est pas mal quand même. Ah ouais, il y a pire comme soirée. Ouais. Franchement, c'est énorme. Chaud, hein. Tu feras des photos. Ça va être rediffusé sur TF1, je crois, en plus. Ouais. Voilà. Donc. Bonne soirée. Eh ben, exactement, ça va être génial. Eh ben, écoute, on te fait un gros bisou. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont diffuser en direct sur Énergie. Et nous? Ah ouais? Bah je crois qu'on est baisés nous. Mais ah non. D'accord. Mais non, ouais, je crois qu'on est complètement squeezés quoi. Ouais, c'est pas possible. Alors attends, je veux pas dire la bêtise, je crois que j'ai eu un message mais j'ai oublié. Ah oui, on va diffuser Guetta le 9 en direct à partir de 22h50 en simultané sur TF1. Oh là là, merde. On fait quoi nous alors? Oh là là, bah on fait 50 minutes. 22h? Ah bon. 22h50. Bah voilà, et on rentre à l'antenne. Petite émission, c'est une blague. Alors c'est le record. Ah ouais. Ah merde. De plus en plus court les poteaux. Sérieux? Ah putain, c'est bon ça. Eh bah très bien, écoute. On rendra pas l'antenne à David Guetta nous. On rendra pas quoi? On rendra pas l'antenne à David Guetta. Ah c'est ça, on va pas partir. Ah ça serait drôle. Alexandra Sublette. Ah ouais. Tu attendras qu'on ait fini le sujet cul. Fini de parler de taille de tub. Et il nous aime. Avant de prendre notre place, ils nous invitent. Ouais. Ah, ce qui serait énorme, ce serait qu'en direct. On aille sur scène. Putain. Avec David. Ouais, bien Avec sûr. Sur Stroming. Ah ouais. Et on fait le retour, on va comprendre. Ah ouais. Et on fait évacuer tout le champ de Mars. Et on fait. Ah ouais. Non, mais mauvaise idée, je crois. Parce que... Prison. Ah ouais. C'est Rémi, je suis dégoûté, je croyais vraiment être au coin d'été pour faire la fête avec David Guetta, j'aimerais trop. Hey, salut gros, c'est le tirage au sort, vraiment. Écoute, en tout cas, Fanny de Lyon, je t'envoie les deux places et tu vas aller t'amuser. Tu vas y aller avec qui d'ailleurs, le concert? Bah franchement, mon copain, je pense. Eh bah, c'est une bonne idée. La chance, sinon il va faire la girl. Ah ouais. C'est combien de temps que t'es avec ton mec? 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans de bonheur, ouais. Ou 3 ans d'emmerde avec ton mec? Ah bah 3 ans de bonheur. Ouais. 3 ans de bonheur. Ah, c'est bien. Non mais ça peut être 2 ans de bonheur, un an de fait chier. Ouais. Quoi. Ouais. Non, non. Moi ça m'est arrivé, hein. Parfois les derniers 6 mois ils sont durs avec les nanas. Ouais. Faut avec les mecs, ouais. Enfin avec les en couple en général, quoi. Bah là, il faut 3 ans. Ouais. Ah ouais. Non mais c'est pas la question, mais c'est vrai que les derniers mois parfois c'est un peu dur, quoi. Tu tombes sur des connasses, ouais, ou des connards, hein, qui te font chier à la fin. Ouais. Ouais. Pas, le quotidien. Bah, cette semaine, il faut pas qu'ils s'embrouillent avec toi. Hein, bah ouais, putain. Ah ouais. Mais là, je vais le faire ramper. Là, ah ouais. Ouais. Parce que sinon, t'as quelqu'un d'autre à emmener ou pas? T'as un secours, ton ex? Oui, bah oui, j'ai de la famille, plein de gens qui seraient bien contents, des amis, tout ça. Oui, tu trouveras bien. On est là. Je pense que tu trouveras facilement. Oui. Moi, j'irai voir, je pense. Ah ouais, après l'émission, je prendrai ma moto et je vais aller pas loin. Il pleut, non, je dis, je crois qu'à partir de mardi, il fait beau. Ah, je sais pas. Oh là là, putain, mais et à Paris, les gars, et à cause d'inondations et tout. Il va pas pleuvoir cette nuit. Il pleut pas demain, par contre. Ah, c'est miracle, la bonne nouvelle. Samedi. Par contre, que samedi, dimanche, lundi, voilà, mardi, bah voilà. Quoi. Et pour ce quoi, week-end de 4 jours, dans le cucu. Ah. Et donc, samedi, et vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est pas une blague. Ouais. Et par contre, mardi, il fait beau. Jeudi, par contre, grand soleil, 24 degrés. Ouais. Ah, ben voilà, ah, c'est bien. Ouais, bon, il faut savoir qu'à 10 jours, c'est tout le temps changeant. C'est David Guetta, il a amené le soleil, quoi. Merci, j'ai mis son arrêt. Non, mais rigole pas, j'ai son arrêt nul. Ah, il force sa mère. Oui, j'essaie de l'ambiancer quand même au cas où, tu vois, sur un malentendu, elle peut passer, quoi. Non, c'est, ça passe ni sur un malentendu, ni par erreur. Allez, ma chérie, je t'envoie les deux tickets demain matin, d'accord? Bravo. Ok, y a pas de soucis. Tu veux faire une dédie? Ah bah carrément. Bah dédicace à toute ma famille, à mes amis à Lyon et puis mes amis de lycée avec qui on garde toujours un super contact et voilà. Bravo. J'embrasse tout le monde et puis dédicace à vous l'équipe. Franchement, je vous écoute tous les soirs. Pas depuis très longtemps, depuis début d'année, mais vraiment tous les soirs. Mais vous me faites planer, quoi. C'est vrai, c'est gentil, ça. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Eh ben super. C'est hyper gentil. Bah je te fais un gros bisou et puis je vous rappelle que dimanche prochain on fait une spéciale animals. Ouais. Une spéciale animaux avec dans l'émission, messieurs dames, on a vraiment beaucoup de chance. On a une migale qui va venir. Voilà. Il y a trop la migale. On va lui mettre un micro pour qu'il puisse s'exprimer. Elle va réagir. Il y aura une migale. Il y aura la chance d'avoir un magnifique serpent venimeux. C'est ça. Avec un charmeur de serpent. Ah non. Nous aurons dans l'émission aussi un autre animal que je n'ai pas le droit de dire encore parce que c'est sinon ça va encore faire rager les rageux. C'est quoi? Ah ouais non, c'est encore plus gros. C'est encore plus gros. Ah bon? Et franchement, et le jour où je vous fais rentrer un rhino de 800 kilos, sur 5 mètres carrés, franchement. Tu vois dans l'ascenseur arriver, un hippopotame. Un hippopotame bébé, quoi, putain. Pour qu'il chie partout. Putain, c'est trop mignon un hippopotame bébé. Ouais, bof, ça mange les gens. Non, ça mange pas les gens, un hippopotame bébé. Si, si, les hippopotames, c'est les trucs les pires du monde. C'est plus dangereux qu'un requin. Mais c'est pas pour ça que ça mange les gens. Non, c'est vraiment ça. Non, mais c'est vrai que c'est très méchant. Non, mais c'est mauvais. Ça tue, mais ça mange pas. Et pas les bébés de 2 mois. Aucun animal ne mange des gens à 2 mois. Même les petits lions de 2 mois, ils mangent pas. Il peut être mort quand même. Et on aura un lion dans le studio. On va faire rentrer un lion quelques secondes. Voilà. Non, pas il va te croquer, c'est ça lui changera pas sa vie. Nous, ça changera pas la nôtre. Ouais. Mais ça nous fera plaisir de rencontrer dans notre vie, de faire un face à face avec un lion. On va serrer, on va faire un check. Voilà. Moi, je viens pas. Mais ça va être extraordinaire. Voilà, c'est pas dimanche là, c'est dimanche prochain. Ils seront en direct de 20h à minuit sur l'énergie. Ouais. Voilà, s'il y en a qui veulent venir les voir, on sera là. Venez. Ça sera en haut, vous les verrez arriver. En fait, c'est un peu comme le cirque. Voilà. Ça sera un peu comme, c'est comme un cirque en fait. Voilà. Tranquille. C'est un peu le cirque à la radio, je vais s'agir. C'est une bonne phrase. Moi, je vais jongler. Tranquille. Non, mais c'est vrai, tu pourras juste faire la femme à barbe. Ouais, non, c'est vrai, en fait, ce sera exactement ce qu'il a dit. Ce sera vraiment un. Bah, c'est rien de plus ni plus ni moins qu'un mauvais cirque en fait. Hein, parce qu'il y aura pas de tour de magie. Oui, bah, j'espère pas. On va pas faire monter le lion sur ma table non plus. Je sais pas ce qu'il va faire. Non, mais en plus, je crois que ça pèse lourd un lion. Non, c'est léger un lion. Non, je crois que c'est 300 kilos. J'amènerai pas le pétard, Guillaume. Ah ouais, putain. Ah, t'es malade. Ah non, ouais. Si. Sa stagiaire, elle serait capable de faire péter un pétard. Non, mais on n'a pas des armes au cas où? Des armes, tu veux le tuer? Non, mais je sais pas, on a des piqûres ou un vétérinaire au cas où, je sais pas. Mais il y en a qui disent, vous allez devoir l'abattre le lion, quoi. Bah non, putain, c'est fou, j'ai trouvé ça. Non, mais. Il vient sur nous. Non, ouais, non. Tu veux nous mordre? Ah non, non, attends. S'il me mange, il me poursuit, je fais quoi? S'il te mange, on lui dit bon appétit, on se voit. Ah ouais, ok, je m'en fous, moi, je saute. S'il te mange, je prends un mobilette. C'est chacun pour soi. Je pars à 2 à l'heure. Je crois à mobilette et je me casse, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est, s'il te mange, écoute, j'en sais rien. Est-ce qu'on y a pensé à ça? En termes d'assurance, on va parler de la maillot. Si je me fais manger, il n'y a pas. Écoute, si prévient mon père, du coup. Mais franchement, je vais dire à la matmute, écoutez, j'ai un mec. Stagiaire à poil, là. Demain, je vais aller voir à l'assurance. Je vais aller le faire demain. JM du Standard, il prendra son cheval. Ah, voilà. Il partira à cheval. Moi, je partirai en mobilette. Dans les contrées lointaines. Amina du Standard, elle partira en ski. Skier, descendre un peu les trucs et tout. Chacun se barrer, quoi. Puis j'ai j'arrive à rester tout seul comme un bébé. Et voilà, voilà. Merci. Oh. Ah, il va rester avec lui, quoi. J'ai pleuré. Hein. J'ai loupé l'émission. Vous avez fait péter le pétard ou pas, Thomas de Nancy? Non, on n'est pas arrivé à 50 000 et ça m'arrange, ah ouais, j'avoue. On aurait trop aimé bah, dimanche. Ah ouais, non, mais c'est pour prouver qu'on fait nos, qu'on respecte nos engagements. C'est-à-dire que ouais, si jamais à chaque fois on disait, bon, on fait un truc quoi. Et si on n'y est pas, on le fait quand même. Non, non, il y avait combien de likes là? Il y avait 41 000 hein, quand même. Ah, ouais. À 9 000, quoi. Ah là là là là, j'ai loupé l'émission. Bah, je viens d'arriver. Bah, en tout cas, salut à toi, gros. Bisous. Allez, on se fait le jeu des hôtels dans deux minutes. Je te fais un gros bisou, ma Fanny. Tu veux faire une petite case dédi? Déjà fait. Bah, écoute, tu me contredis pas. Tu me contredis pas. Une deuxième, ça serait plus pas une dédicace. Y a pas de souci, y a pas de souci. Tu connais depuis quand mon émission, Fanny, toi? Depuis le début de l'année scolaire, là, ça va bientôt faire un an. Ah ouais, que depuis septembre? Ouais. Ah c'est vrai, comment ça se fait que t'as découvert si tard? T'étais où avant? Eh bah parce qu'avant, bah déjà j'étais en prépa et j'avais pas la radio. C'est vrai? Ouais merde. Ouais, bah là j'ai acheté un poste de radio puis du coup bah il est allumé 24h sur 24 quoi. Putain c'est sympa, ouais. Écoute. Il y a les téléphones et l'application. Bah ouais, comment ça se fait? Avant t'écoutais pas la radio quand t'étais au collège, au lycée, tout ça? Bah non, mais j'étais à l'internat, tout ça, j'étais jamais chez moi. Ah ouais? J'avais pas la possibilité quoi. D'accord, ok, non, bah non. Écoute, ouais, c'est... Malheureusement, t'as le droit, j'ai envie de t'insulter, mais t'as le droit. Bah ouais, bon, voilà. Non, je plaisante, merci en tout cas d'arriver et tout. Et la première fois que t'es tombé sur nous, c'était comment? Genre vraiment, c'était. Tu t'en rappelles de ce jour magnifique? Le fruit du hasard? Bah, je suis allumée. Tu te rappelles du plus beau jour de ta vie, si tu veux, tu nous as découvert? Mais oui, c'est le jour où je t'ai entendu la première fois. Je sais bien. Il y aura ton mariage et le jour où tu m'as découvert. Voilà, et encore le mariage. Voilà, c'est toujours les deux jours en général, on se rappelle. Et le concert de David Guetta. Ça sera ton deuxième jour, ouais. Le plus beau. Moi, c'est gentil. Tu veux te marier avec ton mec ou tu penses que tu vas le quitter genre dans deux ans? T'as prévu un peu de temps. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as prévu ton plan de vie? Moi, j'ai prévu mon plan de vie déjà. Bah, écoute, se marier, je sais pas, mais j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et on va déjà essayer de passer l'année prochaine parce que. Il part en Erasmus, donc ça va être compliqué. Ouh là là, Erasmus, c'est là. Putain, c'est l'année. C'est l'année où ça baise. Ouais, ça dépend. L'année où ça fornique. Mais non, ça dépend. L'année où tu penses plus à niquer qu'à étudier, Guillaume. Non, mais c'est vrai, après, il va où en Erasmus? Ouais, voilà. Il part à Édimbourg, c'est en Écosse. La bière, c'est compliqué. Ouais. Bah là, ouais. En vrai, c'est compliqué d'eau partout. Ça dépend des couples. Non, mais ça dépend des couples. Ouais. Si, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait un Erasmus. Enfin, j'ai pas fait un Erasmus, mais ma nana avait fait un Erasmus et je suis resté avec. Hein. Tu vois, ça dépend des histoires. Ah, ouais, je me suis branlé pendant 6 mois, c'est tout quoi. Et des fois, il y a pas besoin d'Erasmus et tu vas tromper quand même. Enfin, tu ouais, vois, et puis après, elle est rentrée, m'a quitté, c'est super. Ah, ouais. Voilà. Merci Erasmus. Merci. Et on dit merci qui? Merci Erasmus. Merci Erasmus, adopte un mec. Ouais. Non, mais c'est vachement bien, ouais. Et tu l'as rencontré comment ton mec? Eh ben, on s'est rencontrés au lycée, on était dans la même classe, puis voilà quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Tout simplement quoi. L'amour. Tout simplement. Ouais, vous êtes sortis ensemble même pendant l'année scolaire ou vous êtes sortis après ensemble quand c'était terminé, au mois de juin? C'était un peu compliqué en fait. Au début on se voyait mais on sortait pas trop ensemble et puis après, voilà, ça s'est concrétisé et puis voilà. Ouais, d'accord, et petit à petit quoi. Petit à petit, voilà, petit à petit le mec a. Bah c'est bien. Ah, voilà. Zizi, quoi. Bah c'est bien. Histoire, non, mais bah, c'est une belle histoire, bah, ouais. Une belle histoire de sexe. Non, mais une belle histoire. Vous arrivez toujours à faire l'amour au bout de 3 ans ou ça se termine un peu là? Bah ouais, carrément, on y arrive même plus en plus. C'est vrai? Ah, trop bien. Bah ouais. Pourquoi vous avez trouvé genre un nouveau trou, un nouveau délire? Comment? Non, j'ai dit, vous avez trouvé une nouvelle. Putain, je suis obligé de tenir mon micro, j'ai l'impression que je suis coincé du cul parce que je peux pas bouger. Moi, je tiens mon micro avec il est hyper lourd en plus. Ah ouais. Là, je suis obligé de mettre mon coude et de me le tenir avec l'autre main parce qu'en fait, le pied du micro plus le poids du pied du micro. Franchement, ça fait au moins 5, allez, 3 kilos, mais au bout du bras, c'est lourd quoi. Ah oui. Non, allez, 2 kilos, comme 2 bouteilles d'eau, mais à force, au bout de 15 minutes, t'as mal au petit bras quoi. Et non, je disais, qu'est-ce que vous avez trouvé pour raviver votre flamme sexuelle au bout de 3 ans? Bah, je sais pas, différents lieux, moi je veux des petits objets, des petits trucs, je sais pas, voilà quoi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, au bout de 3 ans, bah on se connaît parfaitement, donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça peut aider. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quoi quand tu dis, tu parlais d'objets, tout ça, c'était quoi comme type d'objet? Non, mais t'inquiète, y a pas de gode ceinture, y a pas de truc. Bah, ça aurait pu, hein. Bah, non, j'ai jamais dit ça, je te demandais naturellement. Ouais, non, je sais pas, par exemple, j'imagine que c'est quand même pas du blanco et des dictionnaires. Putain, mais il est lourd ce mec. C'est une heure de Guillaume, c'est possible. Attends, non, mais ça fait une demi-heure que t'es lourd. Mais non, il y avait pas de blague avant. Vas-y, raconte, pardon. Non, mais j'ai pas, par exemple, du lubrifiant spécial, des menottes, des foulards, des trucs comme ça, quoi. Des foulards, ah ouais. Si, si, le foulard, c'est génial. Ouais, pour se bander les yeux. Pour se serrer les couilles, non. Non, tu sais quoi, le foulard, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'est arrivé de me faire bander les yeux et la fille t'embrasse et je trouve que ça décuple les sens. Ah, tu la vois pas, en fait. Non, non, vraiment. J'ai même une fille qui met un pied dans la bouche, les yeux bandés, quoi. Je dois avoir l'air très con à ce moment-là. Ah, c'est un peu soumis. Ah, j'ai fait des trucs, moi, de ouf. Mais avec le foulard, c'est pas mal quand même. Amina, du standard, tu t'es déjà fait foulariser? Oui, oui, foulard, ça va encore. Bander les yeux, ouais. Oh, ouais, ouais, foulard, écharpe, tout ça. Ça, ça va, c'est cool. Ouais. Bonnet, Guillaume, bonnet. J'aime bien l'hiver. Col roulé, Guillaume. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Ah là là. Attends, c'est rigolo, quoi. Et toi, c'était. Parce que tu disais que vous avivez la flamme et tout ça, c'est ton premier mec ou t'en as eu d'autres avant? Non, non, c'est pas mon premier, c'est ma vraie deuxième histoire sérieuse. Ah, d'accord. Ah, bien, ouais. T'as connu l'amour quand même avant, quoi. Ouais. Ouais. Il avait qui gagne en bibite, en taille de bibite. C'est le premier ou le deuxième? Oui, on parlait des tailles de bibite. Ouais. C'est vrai, on parlait du. L'actuel. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de taper dans le fond, là, avec tes histoires d'utérus, tout ça. Non, c'est pas moi qui parlais ça, non. C'était qui disait ça? Moi, juste avant que t'appelles, je parlais justement de triangle isocèle et de comment trouver. Harvard est en train de chercher un nouveau hypothalamus et on cherchait ensemble à déchiffrer l'hypothalamus du nombre d'or. C'est ça. Parce qu'on a remarqué, si tu veux, que mes boules sont exactement pi au carré sur les chiffres d'or. Et en fait, quand je monte, ça fait exactement un triangle isocèle entre mon gland et mes deux boules. Ouais, une pyramide. Voilà. Et en fait, quand t'inverses, ça fait pile poil un cornet de glace en tirant deux traits. C'est bien ça, foutu. C'est de l'art après. Voilà. Ouais. Donc, du coup, je me suis fait du contouring de couilles pour. Non, non, c'est pour. Oui, oui, effectivement, on parlait de ça. Pourquoi tu voulais raconter un truc? Eh ben oui, parce qu'en fait. Le J'espère que c'est intéressant parce que c'est la fin de l'émission. Ouais, faut finir. J'aimerais ne pas terminer sur un flop. Ah ouais. T'as la pression. Non, parce que le premier copain que j'ai eu. Donc déjà, JM du standard ne fait plus de blagues à la fin. Moi, je parle plus. Pour qu'on reste sur une bonne lancée. Je t'écoute, ma chérie. C'est vraiment une blague, mais le premier copain que j'ai eu, il avait une pas très très grosse bite, disons 13 cm, tu vois. Ah, c'est bien, oui. Alors que celui que j'ai maintenant, c'est 18. Ouais. Et le premier, mais il faisait un mal de chien, tu vois. À chaque fois, il tapait dans le fond et tout. Alors que mon mec maintenant, mais il est hyper doux, quoi. J'ai pas mal du tout. Donc, comme quoi, même 13 cm, ça peut faire mal. Mais ça dépend aussi vachement de l'état de l'excitation de la fille. Parce qu'en fait, le vagin, il s'extend, enfin, il grandit, en fait, par l'excitation. Et du coup, c'est vrai que. Je pense qu'un bon 20 cm ça peut passer si le gars a suffisamment fait le travail avant. Quoi. Mais alors toi t'es venu, t'as joué pour David Guetta et t'es venu parler de cul. Quoi. c'est clair. C'est toi, tu m'as branché là. Et dans les fesses, vous sentez le fond ou pas? Ça doit faire mal. Non mais toi t'as jamais fait mes dessins, je te demande pas. Non, désolé. Mais t'excuser. Non, mais j'ai pas fait mes devoirs. Tu m'as prendre un mot d'excuse. J'ai pas fait ma sodomie ce week-end. Je me rattraperai le cul. Il est jamais trop tard. Toi, calme-toi. Amina Sandra, elle me fait une fellanus, rentre par la bouche, sors par l'anus. Merci. Merci Rock, c'est Mimi. Salut Rock. Oui, bon, allez, bonne arnaque, bonne soirée, bye Amel. Ah non, Amel, on va dire ça. Non, non. Alors, tu vas m'appeler Amel hors antenne, s'il te plaît, Mina du Standard. Oui. Pour comprendre pourquoi elle n'est pas contente. Parce que moi, j'aime pas qu'on vous partez pas content. Que vous soyez pas content parce qu'on fait venir dans l'émission. Des gens. Une souris, par exemple, je comprends, ça me choque. Un animal sauvage, comme ça, comme une souris. Une mouche. Un phasme. Dans un phasme, voilà, des animaux en voie de disparition, comme un pigeon, je comprends. Ah oui, ça vous choque. C'est chaud, ça. Ouais. Ah ouais. Je vous comprends. Et puis un animal a moins de valeur quand il n'est pas en disparition, c'est normal, vous avez raison, les amis. donc je comprends que ça vous choque pas. Voilà, certains animaux vous choquent, certains pas, je comprends. Ouais. Mais par contre, non, ici, je sais plus de quoi je parlais, mais en tout cas, Fanny. On va aller taper dans le fond. Ah ouais, voilà. Merci, Amina du Standard. Désolé. Hein. Non, Fanny, tu t'es déjà fait sodome? Non, non. Tu vas mourir. Non, mais pourquoi pas? Non, mais c'est une vraie question. Une vraie question, j'ai un stagiaire. Ouais, jamais. Tu t'es déjà fait sodome? Jamais. Mais non, jamais. J'aime du standard. Jamais fait sodome. Non, mais on peut se livrer. Il mais est j'ai tard. Sodome. Ouais, nous sommes entre nous. Ouais. Je flot des cadeaux. Non, jamais, jamais fait sodome. Jamais fait enculé. C'est juste pour savoir si on touche le fond ou pas d'un cul. Mais c'est infini. Il y a quoi dans le fond du cul? Moi, je mais non, mais en fait, il y a les intestins, donc ça continue, je pense. Amina du standard qui va utiliser excuse. J'ai un ami qui. Non, mais il est connu de nos services, mon ami. Là, c'est mon meilleur ami qui est gay, justement, qui a eu un problème. Il s'était fait éclater les fesses, etc., par un acteur de cul. Bref. Mais tu es tellement élégante ce soir. Ah oui, il s'est fait éclater les fesses par un acteur de cul. Bah oui, enfin bon, écoute, il a eu une fissure anale par un acteur, voilà. Ouais. Et finalement, un jour, je sais que ça lui a touché presque les intestins. Il m'a dit une douleur, mais pas possible, quoi. C'est vrai? Mais tellement c'est allé loin. Ouais, il a vomi. Mais c'est dangereux, hein. Mais bien sûr que c'est dangereux. Il peut mourir, hein. Oui, oui, oui. Ce serait quand même dommage de mourir avec une sodomie. Bah, ah, là, ouais. C'était moins grave, ça a juste fini avec un peu de caca. Est-ce que le maître, ou le lecteur de cul, se fait inculper de meurtre s'il sodomise quelqu'un et qu'il lui casse les fesses et il meurt? C'est homicide involontaire. Ouais. Non, c'est vrai. Mais il peut rien. Bah non. Si tu fais l'amour. Dans le sexe. C'est homicide involontaire, donc tu tues quelqu'un. Non, parce que homicide involontaire, tu fais forcément de la prison ferme. C'est dégueulasse. Ça va trop loin. Quoi. Si dans un jeu, je sais pas vraiment, tu joues et puis ça a dû arriver sur Terre, quelqu'un qui a un vagin très fragile, un cul très fragile. Et son anus, boum, implose à l'intérieur. Tel le Big Bang au début de la création. Mais t'arrives pas pour faire ça dans les fesses de quelqu'un comme ça. Tu vois qu'il pleure, qu'il crie, tu continues. Franchement, c'est Ah oui, non, mais je veux dire, en un coup, imagine un mec, un zizi. Non, mais ça se peut. Hein. Bah oui, ça se peut. Bah, je suis pas sûr. Hein. Pourquoi, Flo des cadeaux, t'as déjà essayé de tuer une femme avec ta bite? Non, mais j'ai vu un mec qui avait fait du covoiturage. Il a eu un accident, il y a son covoitureur qui est mort, il a été inculpé. C'est vrai? Ouais. Oh. Ah ouais. Et c'est lui qui conduisait. C'est lui qui conduisait, c'est pas de sa faute, tu vois. Mais ça, c'est autre chose encore. Ouais, mais tu vois, encore. Il a pas sodomisé. Non, mais quand c'est pas de ta faute, tu peux quand même être inculpé, quoi. Il a pris quoi, le mec? Je sais plus, j'ai pas eu la. Après, c'est normal, t'es responsable des gens dans ta voiture. Ah ouais, mais là, c'est pour ça que quand quelqu'un monte dans ma voiture, j'y mets ta ceinture, parce que s'il y a un procès un jour, c'est toi qui payes. Ouais. Bah, mais là c'est pareil, tu sodomises quelqu'un. Mais parce que tu ne sais rien, Julien, stagiaire, tu n'as pas le permis. Ah ouais, j'ai pas le permis. Et tu ne mets pas la ceinture, tu es sur le seul qui met pas la ceinture. J'aime pas, je me sens oppressé. Et ouais. Bon, merci hein. Ouais, désolé. Bon, en tout cas, et passez une bonne nuit. Fanny, je te fais un gros bisou, je te repasse Amina au standard. Ouais. On va vous laisser avec le best-of de Mickaël. Je t'embrasse très fort et je te repasse Amina au standard. Gros bisous. Bisous. Fanny qui est là, bonne nuit Flo des cadeaux. Bonne nuit Guillaume. C'était son anniversaire, faites ça bien ce week-end. Bon week-end Amina du standard. Bon week-end, bisous. Bon week-end Justin. À toi aussi, bon week-end Guillaume, salut. Salut Guillaume, bon week-end. Bon week-end à vous, profitez. Tu fais quoi chez du standard ce week-end? Bah, je sais pas trop, je vais peut-être aller faire du sport avec Jordan Apprenti dans sa salle, parce qu'il monte tout le temps, tu sais. Ouais, ouais. Et voilà, je vais voir, peut-être aller boire des coups tranquille, quoi. Ouais, ouais. Tranquille. Ouais, tranquille. Je vais chercher mes lentilles, les fameuses. Allez, je l'ai glissé. Il veut nous raconter une histoire depuis qu'il est à la radio cet après-midi. À chaque fois, on l'a repoussé. Alors, vas-y, raconte-nous ton histoire. T'as des lunettes, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, en fait, je veux mettre des lentilles. Je suis allé chez l'opticien les essayer. Et en les essayant, j'ai fait tomber une lentille sur deux par terre. Donc, je suis reparti sans mes lentilles parce que dès qu'elle touche le sol, eh ben, il te les lâche pas. Ah, t'as réussi à le faire tomber? Ouais. Comment ça coûte des lentilles? Ben là, c'est gratuit, c'est les premières. Après, c'est payant. Combien? Je sais pas. Donc, ouais, tu vas devoir les payer les deuxièmes. Non. La première fois, en fait. 30 euros par mois, à peu près. Ouais, je crois que c'est 30 euros par mois à peu près, ouais. Putain, c'est hyper cher. Non, mais c'est un luxe hein, d'avoir des problèmes de. Ah, moi, il m'a pas donné le prix. C'est la phrase. Il y a eu un bug, vous avez pas vu. C'est un luxe d'avoir des problèmes de. De somme. C'est un luxe d'avoir des problèmes de. Non, mais déjà, c'est pas un luxe d'avoir des problèmes des yeux. Tu te rends compte de ta phrase débile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte beaucoup d'argent quand t'as des problèmes de vue. Ah oui. Les lunettes ou les lentilles ou l'ophtalmo. Pour se soigner. Oui, ça coûte une fortune. Mais c'est pas un luxe, les problèmes de vue. Non, mais c'est un luxe. Je pense qu'il y a des gens qui t'insultent en ce moment. C'est en voiture, un problème à l'œil. Moi, j'ai des problèmes de vue. Je suis pas raciste, moi aussi, j'ai des yeux abîmés. J'ai un ami marocain, Guillaume, je suis pas raciste. Je suis œil. Vivement dimanche pour vous écouter, vous allez me manquer, gros bisous, les gars. Bisous. Tu vas encore zapper de faire le jeu des hôtels. Alors, le dis pas tous les soirs. Putain, je vous mets une patate dans la gueule pour toi, mon pote. Je suis vraiment désolé. Maintenant, on va fonctionner à l'iranienne. Voilà, on va se flageller tout ça, il n'y a pas de problème. Allez, dormez bien. J'ai une standard, donc les lentilles, donc t'en as pas. Et donc j'en ai pas. Je vais les porter dès aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc demain ou après-demain. Enlève tes lunettes pour voir. Ouais. Ta tête sans lunettes, ça va faire bizarre. Ah, ouais, je sais pas, on va voir. Faire avec moi. Ouais. T'as déjà essayé de les porter? Les lentilles, ouais, j'ai galéré. Bon, c'est la merde à mettre. Ça va pas être agréable. Ouais, franchement, c'est la merde. J'ai jamais une lunette. J'ai déjà, t'as pas de lunettes? Ah non, jamais, non. J'ai de la chance là-dessus. Amina du standard. Oui, moi j'ai des lunettes et des lentilles, ouais. Ouais, j'ai des lentilles. C'est la fin de soirée. Elle a plus de voyelles. Et alors? Et alors, j'aime pas du tout les lentilles et les lunettes, ça va, je supporte. Pourquoi t'en as alors? Pourquoi? Bah parce qu'au cas où, par exemple pour aller à la plage. Non, c'est une vraie question. On attend là en ce moment là. Là tout de suite non. Ah d'accord. Ouais. Mais par exemple en vacances ou si j'ai besoin de voir un truc de loin, je vais les mettre. Ah ouais, toi tu vois pas de loin. Ouais. Ah mais je vois rien. Ah, bah, c'est quoi? C'est myope ou astigmate? Non, moi je suis très très myope. Ah, myope, c'est loin. Ouais. Si je te vois dans la rue vraiment de loin, je te dirais pas bonjour. C'est vrai? Là, je vois pas tes yeux d'ici. Non, c'est pas vrai. C'est pas une vanne. C'est-à-dire, quand tu me souris, en fait, tu me vois pas. Ouais, je souris pas. En fait, on est à 10 mètres. Parce que le monsieur est tout petit, mais en fait, on se voit derrière une vitre. Elle fait semblant. Et en fait, c'est quand elle voit mes dents, elle sourit. Non, mais sans vanne. Elle voit un flash jaune. Une ombre. Elle sourit. Un flot des cadeaux. Moi, j'aimerais bien porter des lentilles. Ouais. Ah, t'aimerais bien aussi, ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est pas bon pour les yeux ou c'est bon pour les yeux? Qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? En fait, le mec, il m'a dit, il faut pas les porter plus de 8 heures par jour, normalement. Et il faut les lever 2 heures avant de se coucher. Oh putain, ah ouais, c'est pas trop possible pour moi vu que je me couche rapidement quand je rentre après la radio. Donc ouais, ouais. Ah ouais, c'est contraignant ouais, quand même. Ouais, c'est un peu relou. Et tu ouais. les jettes tous les jours, c'est des nouvelles, non? Ben là, en fait, ça sera des lentilles pour le mois, en fait. Il y a plusieurs manières dans ouais, ça. Oui, t'as mensuel ou alors bimensuel ou tous les menstruelles. Elles sont rouges, les lentilles. Allez, dormez bien, on se retrouve dimanche à partir de 20h. J'ai stagiaire un petit week-end de prévu rigolo. Bah, je sais pas, je devais prendre le train et du coup, c'est un peu annulé parce qu'il y a la grève là. Donc, ah, mais j'allais où? Bah, Aix-en-Provence, dans le sud. Ah, très bien. Pour un anniversaire et apparemment, il n'y a pas de train, donc je sais pas. Ah, oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas de train aujourd'hui. Il y a marqué complet sur la SNCF et du coup, je sais pas si c'est demain. C'est grève illimitée, ils sont chauds avant l'euro. Ouais. Ouais. Ouais. Bah, demain, c'est grève, donc je sais pas. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. On a compris. Ouais, malheureusement. Tu fais quoi ce week-end? Non, j'ai un rendez-vous demain, on verra. Ah, avec un boy, ouais. Ah, bah écoute, on croise voilà. les doigts. Je vous raconterai. On croise les doigts. Elle va dire justement, j'ai pas les tailles de bite. Ah, j'aimerais qu'on en parle pour commencer ce rendez-vous. Surtout pas. Il n'y a pas de malentendu. N'importe quoi. Ah, c'est bien, tu l'as rencontré où? C'est l'ami d'un ami. D'accord, ok. Voilà. Mais tu l'as déjà vu ou pas? Oui, oui, j'ai déjà vu. Ah, et là, c'est son joker, l'appel. Ah ouais. Mais il est beau gosse ou ça? Franchement, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais il y a Anguille Souroche, il y a un problème. Pourquoi? Bah, je sais pas, justement. Il est vraiment cool, donc on va voir le problème. Ouais. Ah, bah, il y a pas Anguille Souroche, il faut croire. En... Non, non. T'es méfiant. Mais faut être positive. Non, non, je t'assure, il y a toujours une couille avec c'est... moi. Ah ouais. Mais c'est bizarre. Il y a toujours une couille dans moi, Guillaume. Non. Qui met ses couilles dans quelqu'un? Flo des cadeaux. Bah, moi, mon anniversaire, là. J'ai des potes qui ont prévu une surprise, ils m'ont pas dit, mais je m'attends au pire. Ah, c'est vrai. C'est vachement bien comme ça, moi, tout ça. J'ai des potes qui ont une surprise. Ouais. Non, non, ça va être bien, mais je sais pas ce qu'ils ont préparé. Ils ont prévu quoi? Bah, je sais pas. Ah bah, mais ils m'ont dit, tu fais rien de ton week-end, donc on va voir. Bah, écoute, on croise les doigts pour toi. Ouais. Amusez-vous je bien. Vous je vous fais un gros bisou, je vous embrasse tous très fort. Et dimanche, 20h, sur Énergie, 20h, 8h du soir à minuit. Vous m'entendez un petit peu parce que je tiens mon micro dans la main depuis tout à l'heure. Et je vous embrasse très fort. Merci d'avoir passé la soirée avec nous, c'était génial. Je vous laisse avec Mickaël, le best-of, et c'est Baba qui va pousser les mix toute la nuit. Voilà, je vous embrasse et à demain, et à dimanche, 20h, bon week-end. Kiffez bien, courage si on vous aide des examens. Et c'est parti pour le best-of. Et à dimanche. Ciao tout le monde. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, changé 20 fois de voiture, fait l'émission à New York, 2 fois sur des pistes de ski, insulté Tof 200 000 fois, dormi 4 heures par soir, changé d'horaire, utilisé 5 studios, recommencé encore et encore, parlé à des millions d'auditeurs sans s'arrêter, tous les soirs sur Énergie. Mickaël et toute la team prennent un peu de vacances, mais ils sont toujours avec vous dans le best-of de 1h à 5h. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, Mickaël officiel. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, dernière du best-of ce soir. Bah oui, on sera de retour dès lundi à partir d'1h du mat sur Énergie en direct. Si d'ailleurs vous voulez participer, vous inscrire, si vous voulez être les premiers à passer pour le retour, bah n'hésitez pas dès maintenant à m'envoyer un mail avec votre numéro de téléphone sur mikl@energie.com. Ce soir, pas mal de choses. On avait reçu, je sais pas si vous vous souvenez, Tini, voilà, Violetta, on les avait reçus quand on avait remplacé Guillaume un soir. Bon, on va vous remettre le moment d'interview. Vous avez été nombreux à vouloir le réentendre pour ceux qui avaient raté justement. Bon, on va vous le remettre. On aura le polo show tout à l'heure. On se fera les appels mal intentionnés, bien entendu. Et puis, bah, on parlera aussi de qu'est-ce qu'on va se faire aussi. Ah oui, si, de bagarre aussi. Si vous avez déjà été, si vous avez déjà eu l'occasion de vous battre, venez nous en parler. Tiens, on est toujours en vacances. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. Si vous voulez voir toutes les photos, surtout les magnifiques vacances de Tof. Du très très lourd, je vous en parlerai évidemment dès lundi en direct, mais vous allez voir qu'il a quand même vécu des vacances idylliques. Donc dès lundi à partir de 1h, faudra être là, hein. Je compte sur vous évidemment. Bon, on va parler de Pipe à l'hôpital aussi dans un instant, vous allez voir un très bon programme. On aura Virginie des Hauts-de-France et puis, ah oui putain, Audrey, t'as vu la chute de Quentin Mosiman à The Voice? Il y a la vidéo qui a tourné un peu partout. Non, bah, je vais la mettre sur le Facebook pour ceux qui l'ont pas vu. Okay. Donc c'était, donc il y a The Voice également en Belgique. Et là il y a Quentin Mosiman, donc vous connaissez, hein, DJ tout ça, qui a fait partie, faisait partie du jury. Il a voulu aller vers une candidate, sauf que bah il est tombé comme une merde. Donc Quentin, si tu nous écoutes, on t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Mais attends, je vais vous la mettre tout de suite. Mais, je crois que c'est une des autres meufs du jury en fait qui lui a défait ses lacets et donc du coup il a zappé qu'elle lui avait fait ça et du coup c'est comme ça qu'il s'est planté. Ah c'est ça l'histoire. Alors attends, voilà, je viens de vous la mettre sur le Facebook de l'émission. Si vous l'avez pas vu, vous tapez M-I-K-L officiel maintenant et puis bah vous verrez la vidéo dont je parle justement de Quentin Mosiman qui se vautre, hein, globalement. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Oui, c'est un chat. Je veux dire, à un moment c'est ça. Hein. Donc voilà, je vous ai mis le lien, vous allez voir et puis bah vous m'en direz des nouvelles, justement. M-I-K-L officiel. Bon, alors Audrey, toi tu... Et dites-nous d'ailleurs si vous vous êtes déjà gamellé. Tu t'es déjà gamellé, Audrey, ou pas, toi? Genre une grosse gamelle, c'était en train de te balader tranquille et puis tout d'un coup, bam, tu te vautres. Quand il y a eu plein de neige, ouais. Ah ouais, genre glisser sur une plaque de verglas, voilà. Ou un truc comme ça devant, voilà, c'est ça, devant le collège, ouais. Oh, ça va, ça date. Tof, déjà des gamelles ou pas? Oui, bah, là, j'en ai fait plein. Il y en a une, c'est mon voisin, il m'avait prêté son vélo. Ouais. Et sauf que tu sais, c'était les vélos. Ah, où tu freines avec les pédales. En allant vers l'arrière. Au rétropédalage. Et donc, du coup, moi, j'avais pas l'habitude. J'avais avec les deux freins sur le guidon. Et bah, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai freiné à fond sur le frein de devant. Avant, forcément, et vlam. Et donc, je suis passé au-dessus du vélo et j'ai fini la tête la première sur le bitume. C'était déjà très sympa. Valentine, déjà une tôle ou pas? Ouais, ça m'est arrivé au lycée. Ouais. Donc, en fait, j'étais en retard en cours. Donc, je cours. J'avais sport. Donc, j'avais mon sac à main, mon sac de cours, mon sac de sport. Et voilà pourquoi, moi, quand j'avais sport, je ne l'allais jamais avec mes affaires. Comme ça, j'étais tranquille pour courir. Non, mais c'est vrai. Et puis? Et donc, je passe devant le mec le plus canon du lycée et je me vautre comme une pauvre merde devant lui. Ah, là, mais juste à ses pieds, quoi, tu vois. C'était pas tof, donc? Non, c'était pas tof. C'était pas tof. Tof également, t'es tombé, t'as pas dit? Bah, j'ai pas dit, j'en ai raconté une. Ah, parce qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Là, je sais pas à quoi tu penses. Bah, quand t'es né. Ah oui, mais je suis pas tombé là. Ta mère, elle a couché, elle est tombée par terre, non? Non, pas du tout. C'est pas vrai? Oui, il me semblait. C'est non, histoire, non, je sais pas, j'étais là, mais je m'en souviens pas. Oh, ça va, si on peut plus rire 5 minutes, alors maintenant. Bon, Audrey, donc du coup, toi, tu. Bon, appelez-nous déjà si vous êtes déjà vautré. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard ce soir. Il y a Toff et Valentino standard, justement, pour décrocher. Vos messages également sur Facebook, Twitter et Insta, vous tapez M.I.K.L. officiel. Et puis sur SMS aussi, vous envoyez votre numéro et vous envoyez M.I.K.L. et votre numéro au 612. En attendant, on va récupérer Elodie qui est avec nous à Marseille. T'es toujours là, Elodie? Oui. Très bien. Alors Elodie donc qui voulait réagir au sujet de Quentin Moziman là qui s'est vautré sur le plateau de The Voice Belgique. Je vous ai mis la vidéo sur le Facebook de l'émission sur MIKL officiel. Et on vous demandait ce que vous aviez déjà vécu comme grosse gamelle. Du coup Elodie, raconte-nous tout. La dernière en date, c'était mi-novembre. Ouais. Et on arrivait sur le port de Rosès où on devait passer la nuit. On s'est dit avant d'aller au resto, on pose toutes nos affaires sur le bateau. D'accord. Et au moment de passer du pont au bateau, enfin, j'ai fait un grand écart et je tombe au milieu avec le téléphone, les vêtements, le brushing. Oh la galère. Les clopes et le téléphone. Bah, bien vu ça. Au moins, t'étais bien pour aller au resto après. Ah oui. Oui, oui. Et puis ça rafraîchit un peu. Hein, ben, oui, il faut voir le positif. Il faut toujours voir le positif dans les problèmes. En ce moment, il fait relativement chaud et tout. C'était bien. Voilà. Ouais, c'était quand mi-novembre. Mi-novembre, ouais. Cela dit, mi-novembre, il a fait chaud hein, dans le sud. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin de se rafraîchir. Ouais, bon, après, ça fait jamais plaisir de tomber dans la flotte, mais bon. Et quoi d'autre, puisque tu nous as dit que tu en collectionnais pas mal des.